1 sur le 41 759 et l'appli Skyrock. Attention, attention au programme ce soir. Vous tous, vous toutes en direct, je vous le disais, vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment de l'émission, allez-y. On vous salue d'ailleurs, vous qui êtes déjà sur SMS, sur le net. Bonjour à JuiQLF, bonjour JuiQLF, salut à toi, bonjour à l'inconnu. On salue le masturbateur qui vient d'arriver, salut le masturbateur. D'ailleurs tiens, on en parlait ce matin de la masturbation. Absolument, oui. Les Français se font plaisir et se font du bien, on en reparlera dans un instant si vous n'avez pas entendu le sondage du morning. On en reparle ce matin, ce soir. En direct, parce qu'on en a déjà parlé ce matin, ça t'intéresse la Marie. Bah ouais, écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est ce qu'on a dit exactement ce matin. Ah ouais, bah tu vois. À croire que t'étais réveillée très tôt à 7h10 ce matin. Non, même pas. Même pas, bah tu vois, les grands esprits se rencontrent. Exactement. Donc, on parlera de... C'est le masturbateur qui m'avait pensé à ça. On parlera de notre sondage du morning de ce matin sur les Français et la masturbation. Absolument. Et voilà. Les Français se font du bien et ça fait plaisir. Bonjour Mélie, salut Béni, merci Hugo le petit beau gosse. Salut Hugo le beau gosse, il y a Carrasco qui nous écoute aussi. Salut Carrasco. On va vous mettre plein de sons qui vont déchirer ce soir. Alors on devrait recevoir Mac Miller, mais il veut pas chanter. Mais dans ce cas-là, il vient pas. Hein. On va pas se faire chier non plus à. C'est un chanteur. Un chanteur veut pas chanter. C'est comme si moi, j'ai jamais compris. Ah ouais, c'est quoi, non, mais c'est pas lui qui fait chier. Ouais, non, mais a priori, c'est son agent. Ouais. C'est le manager. Bah, tu vas expliquer au manager que Mac Miller, il vient et puis il vient chanter. Voilà, on va faire les trucs bien. En plus, j'adore Mac Miller, moi. C'est son Mac Miller, écoutez. Ouais, j'ai passé sur Skyrock, il avait fait un morceau qui s'appelait Donald Trump. Ah ouais. Vous vous rappelez? Ouais. Et lui, Mac Miller qui était déjà à fond dedans, donc on espère qu'il viendra avant minuit. Voilà, chanter ou pas. Bah oui. C'est comme si tu reçois genre Cristiano Ronaldo, le mec veut pas faire de jongle quoi. Oui, ou je sais pas, t'es animateur radio mais tu ne parles plus. Tu parles pas, ouais, tu veux plus parler. Ouais. Bonjour, je suis animateur radio, je parle plus. Voilà. Ouais, c'est le mec d'Ariana Grande, Mac Miller. Il y a Moule Fraîche qui nous laisse un message, 15 ans. Bonjour Moule Fraîche, t'es bien renseigné, c'est bien. Bon, bah j'espère qu'on aura Mac Miller avec nous. Hein. Non, mais moi j'ai envie d'entendre chanter Mac Miller dans l'émission. Ah ouais, c'est ouais, live quoi. Ah, il est chanteur quoi, ça. Oui. Puis on aime bien son morceau en plus, une découverte Skyrock, qui nous fasse du live, Mac on Miller. On va lui foutre la pression. Donc on retrouvera. Ah bah, on compte sur toi, Marie. Ah bah Marie, ouais. Vraiment, on compte sur ça toi. Ça va fonctionner. Hein. C'est clair que là, le mec a du souci à se faire. Ah bah, on sait que tu es là pour presser tout le monde, Marie. Il va trembler. Ah bah, on imagine. Et il y a Blue qui a envoyé un message, il te demande est-ce qu'il vient avec des bijoux aussi, car je compte le braquer. Comme Kim Kardashian. C'est la mode des stars américaines quand elles viennent en France. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, j'ai compris. Merci Blue pour ton message. Bon, Mac Miller qui. Devrait débarquer avant minuit, bah sinon la soirée sera bonne quand même. Avec on n'a pas fait un petit point sur la santé de Cédric. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Cédric, j'ai essayé de l'appeler, je crois qu'il dort parce que je l'ai appelé il y a un quart d'heure et il répondait pas. Cédric est rentré chez lui, ça y est, il a été expulsé de l'hôpital, ils n'en pouvaient plus. Ah ouais, oui, terminé, c'est du dehors, fini. Donc il est rentré à la maison, fini son problème gastrique, il lui reste son problème de clavicule à gérer parce et que de ça, et de côte cassée, ouais, parce que sa clavicule est toujours cassée. Mais sinon les nouvelles sont bonnes, je vous donne tous les soirs des nouvelles de Cédric dès 21h dans l'émission. Et puis on essaiera de le retrouver avant minuit avec nous en direct. Il est là. Il fait des bruits, il était en train de dormir, il me fait des bruits au téléphone. Ah, vas-y, balance l'antenne qu'on profite de ce moment de sensualité histoire de démarrer la soirée de manière très très sensuelle et. Il était en train de sexy. Dormir, il m'a fait des bruits. Bonjour Cédric. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh là là, mais tu es sexy. Mais c'est que tu dégoûtes encore plus que d'habitude. Eh ouais. Ça y est, t'es rentré à la maison. Ça y est, je suis content. Enfin dans mon lit. Ah, tu m'étonnes, t'es content d'en faire. C'est vrai qu'on entend ton cul par contre. J'ai encore un peu la diarrhée, mais ça va. Ah bah on a entendu. Non mais encore un peu après une semaine d'hospitalisation pour une diarrhée, vous imaginez quand même. Ils en reviennent pas à bout quoi. Des années qu'on lui dit qu'il est pas normal à chier 10 fois par jour, et mou tout le temps. Bon, il a fallu qu'il. Tu peux arrêter de te branler. Voilà, c'est ça les Il a fallu qu'il aille à l'hôpital pour se faire soigner, mais en fait ça n'a pas servi à grand chose d'après ce que j'entends, Cédric. Si, je me fais traiter maintenant. Ah bah traite-le bien, Romano, vas-y, traite-le. Traite-le, vas-y. Baiser, saloprive. Traitement médical, alors vas-y, maintenant. Saloprive. Alors pour faire un petit point, Romano, quand est-ce qu'on te revoit dans l'émission, dans le studio avec nous en direct? Ah Romano, moi je suis là. Non mais oui. Bah oui, il est là. Ouais, je sais, je te vois tous les jours. Tu m'as appelé Romano. Ah pardon, excuse-moi, Cédric. Merci, c'est sympa. J'ai vexé les deux là, vous avez vu. T'as de merde. Ah, excuse-moi, Cédric. Tu me perds de coups. Quand est-ce qu'on te revoit? Suicidé, moi, du coup. T'es quoi? Cédric a la voix de DSK pour Kikuki. Bonjour Kikuki. Il y a Mousse au chocolat qui nous dirait Cédric, on dirait un gros pervers avec sa voix. C'est vrai que ça y ressemble. Et juste en dessous, Nikou, 25 ans, qui dit bon, bah, il y a finalement Cédric. Parle, comme ça va empêcher de me branler, je ne me branle plus. Ah, coucou, mon pote. Voilà. Voilà, c'est fini la branlette. C'est grâce à toi. Bon, alors, quelle est la prochaine étape, Cédric? Oui, quand est-ce qu'on te revoit? La prochaine étape, c'est quoi? C'est que je vais aller voir un médecin pour l'anus. Tout ça a démarré avec une clavicule cassée quand même. Hein. Le non, mec se retrouve avec un traitement pour l'anus. Comme un truc de malade. Hein. Et donc. Et après, je vais voir aussi le médecin maintenant pour la clavicule. La clavicule, très bien. Mais le mec, il compte te faire quoi? Parce que à un moment donné, le mec t'opère, ne t'opère plus, te réopère. Pour l'instant, il m'opère pas, mais ça se peut que je sois pas opérable en fait. Et c'est-à-dire que tu vas rester avec la clavicule pourrie toute ta vie? Non, non, ça veut dire que l'os de la clavicule s'est rattaché un petit peu et donc du coup, il n'y a pas besoin d'opérer. Ah, très bien. Et donc, on va te revoir, va te revoir bientôt, j'espère. Non, mais le mec, moi, j'ai les deux. Parce qu'il y a une semaine, tu nous expliquais que le mec te disait que vu que c'était trop décalé, elle ne pourrait pas se recoller. Et maintenant, elle s'est recollée. Bah ouais, mais comme on a trop attendu, bah du coup ça a commencé à se recoller. Non mais tu vois, il va être tout bancal. Ah bah ça va encore t'arranger ça, tiens. Ça va être joli, ouais. Oh, très bien. En tout cas, tu donneras toutes les adresses où t'as été, je n'y aille pas. Ah oui. La même chose pour moi, Cédric. Ah ouais, pareil, ouais. Donc les nouvelles sont bonnes alors? Ouais, les nouvelles sont bonnes, ouais. Très bien, bah écoute, nous aussi, la bonne voie, ouais. Les nouvelles sont bonnes, on est content d'être là. Content je fais un caca dur, je t'envoie ça, Romano, t'inquiète. Ah bah, on a le temps, alors. Ah super. Oh, quelle chance. Là, on a le temps d'attendre, tiens. Bon, bah merci, Cédric, si on a besoin de toi, on te fait signe dans la soirée. Et puis, pas de soucis. En direct jusqu'à minuit, on est là. C'est en slip. Libre. Ah ouais, je suis en slip. Tu veux nous dégoûter, Romano. J'ai la main sur le zizi, si tu veux savoir. Ah bah, t'as la main qui pue la pisse, maintenant. Et je me casse, je rentre un petit peu, là. Bon, bon courage à tous ceux qui sont malades également. Cédric représente, mais lui, il en cumule plusieurs des maladies. Toi, t'es pas mal quand même. Pour le moment, champion. Hein. Maladie de la clavicule. Ouais, putain, tu as le Marocco qui te passe le salam en direct de Dole. Salut. Cédric va prendre 10 kilos à rien faire. Non, il a bien maigri, vous verrez. Il a vraiment, il n'aura plus que 2 mentons et demi au lieu de 3. Hein. Ouais, ça, c'est la classe. D'après ce que j'ai vu ce week-end à l'hôpital, Cédric, nickel. Tiens, le proctologue nous salue. Bonjour, Cédric va venir chez moi. Je serai toi, je ferai pas tôt la demande. C'est risqué hein, pour toi, ami proctologue. Si je vais venir, c'est le proctologue. Il y a un homme qui va y rester, quoi. Ouais. Tout ça pour la médecine, c'est beau. Tout ça pour sauver Cédric et c'est beau aussi. Putain, mais le mec, je le plains, quoi. Bah, tu sais que t'es pas le seul, Romano, vous êtes nombreux à vous mettre. Non, mais là, le mec, il va vraiment aller dans la merde, quoi. Oui, c'est-à-dire que le mec, déjà, il va te positionner, il va voir ton gros trou du cul dégueulasse. Romano, arrête. Ah ouais, dégueu. Je dirais Romano, mon gros nunus. Voilà, ton. Et il va t'emmancher le tuyau. Et là, je pense que. Le mec, il va avoir des giclées de merde. Oh, non. Il va couler. Mais prévoyez des sauts, les gars. Mais quand ils font ça, c'est ça, parce que tu sais, quand ils font une coloscopie, ils te font boire un liquide chelou. Ouais, c'est de l'huile de paraffine. Cédric, il faut le filmer, ça on le mettra sur les réseaux de Sky. Hein. Ah, ça c'est dégueu. Le Snap, Insta, on mettra partout, on mettra des photos, des vidéos. Faut filmer ça, tout, Cédric. Oh, filmer mon gros nunus, tiens. Si. Gros nunus. Tiens, il va être obligé de se mettre à quatre pattes. Oui, il va être obligé de se mettre à quatre pattes. Les jambes en l'air, ça va être sexy. Ah, mais sexy. Tu veux pas prendre. Sur le côté, mais pas à quatre pattes. Je te dis, il faut lui mettre une vidéo. Je crois qu'il te met sur le dos. Non, c'est vrai que t'es en position, genre comme les meufs chez Gino. Ouais, c'est ça, voilà. Tes jambes écartées, prêt à se prendre le tuyau dans le. J'ai bonjour à 500 d'ailleurs, il y a sa petite sœur qui s'est pété le bras aujourd'hui, solidarité avec Cédric, salut à ta petite sœur. Ah, big up parce qu'elle va galérer. Non mais Cédric a des bonnes adresses à donner. Oui, on va donner toutes les adresses où il faut pas aller, toutes. Il les a toutes essayées, pour vous. Merci Cédric et merci 500 pour ton message. Ah ouais, putain, je vous ai pas raconté cette nuit. Ah bah non, tu nous as pas raconté cette nuit. Ah ouais, putain. Moi j'ai été au pute. Non, parce que au début mon voisin était parti donc voir un autre médecin, je sais pas quoi, donc le mec il revient vers 22h je crois. Le mec de 23h jusqu'à 8h du matin, toute la nuit a pété, mais laisse tomber. De quoi tu te plains, tu nous fais subir ça toute l'année Cédric à nous. Ouais, mais là, c'était horrible parce qu'il était dans son lit en train de péter. Non, mais pour un peu, la veille, c'est toi qui avais fait ça. Le mec a dit, je vais me venger. Il a demandé à sa infirmière, filez-moi des flageolets. Filez-moi des faillots. Il y a l'autre con à côté, je vais faire une fanfare cette nuit. Et le faillot, il est chaud. Et alors, bien dormi? Ah, bah, j'imagine. Ah, non. La merde dans la pluie. Imaginez les deux, le pétomane de voisin de Cédric plus Cédric dans la même. Oh, je sais pas, ils ont pas. Fermer l'étage de l'hôpital, ils ont pas. Ouais, c'est clair. Ils ont ouvert les fenêtres. Ah, ils ont quand même fait des trucs. Ah, mais des fois, tu vas dans les hôpitaux. Moi, une fois, je me suis dit, j'étais tombé, mais tu sais, j'avais demandé à changer une chambre, j'avais peur. Mais je comprends. J'avais peur. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est quand on va à côté d'un pétomane, tu fais des bruits comme ça toute la nuit, Tu fais. Ah, ben t'aurais dû. Ah, ouais, t'aurais dû, on aurait bien rigolé. Non, mais moi, une fois, en fait, ils m'avaient amené, et tu sais, des fois, ils te mettent dans des pièces où t'es juste séparé par un rideau, quoi. Ouais, c'est ça, et moi, j'entendais, je sais pas, d'ailleurs, jamais su si c'était un mec ou une meuf. Et c'est glauque, les autres. Et c'est ignoble. Et moi, tu sais, je sais pas, je devais avoir peut-être 18 ans. Et donc, il y a 3 ans, quoi. À peu près. À peu près, trois ans et demi, on peut dire. Et tu sais, j'ai sonné. J'ai dit, ouais, vous pouvez me changer. Je fais, j'ai peur. Tu sais, je me suis dit, ouais, pour un peu, c'est un ouf à côté. Mais il s'est étranglé dans la nuit. Ah non, mais il faisait des bruits angoissants. Je pouvais pas dormir. Je tremblais dans mon lit. Terrorisé. Quel baltringue. Et Cédric Lotti se fait perlouser dessus toute la nuit. Ah, moi, le mec, je l'aurais réveillé au bout d'un moment. Oui, il faut se calmer, monsieur. T'es un bouchon. Non, mais tu lui, tu sais, tu lui. Il a une maladie, le mec. Du cul, c'est pas possible. Il pétait toute la nuit. En même temps, c'était le service. Ah ouais, c'est bon, bah écoute, Cédric, après, c'est sympa dans le service de Cédric, tu passes. Bonjour, madame. Oh, vous allez bien ce matin. Et monsieur, comment ça va? Eh, mais Cédric, j'ai une question. Parce que c'est bien beau, les coloscopies, tout ça, mais ça soigne en rien ta clavicule, en fait. Non. Mais il se passe quoi pour ta clavicule? Parce que tu te prends des trucs dans le cul. Il attend. Le chirurgien se tâte encore. Eh ben, il a bien de la chance. T'as le bras en écharpe et je vois un chirurgien dans, je sais pas, une dizaine de jours. Ah, ils veulent vraiment pas t'opérer, toi, c'est... Non, pour l'instant. Ils se repassent tous le boulet, tu sais. Oh, non, vas-y. Non, j'en veux pas de lui. Non, le médecin, il peut pas m'opérer là, parce que là, je suis soigné, entre guillemets. Mais je suis sous traitement. Mais t'as eu quoi, concrètement, au cul? Bah, j'ai eu un truc intestinal, je sais pas, un virus. Et j'ai eu une inflammation intestinale et, Je t'ai trop enculé, t'as le colon irrité. Je crois que c'est ça, ouais. Ah, bah, voilà, t'as trouvé, Romano. Ah, bah, voilà. T'as pas besoin d'aller chez le médecin, moi, je te fais un diagnostic. Tu vois 30 balles et ta carte vitale, et puis on en parle. Bon, bah, Cédric, bon courage à toi aussi, on a besoin de toi, on te fait signe, hein. Il est en direct de chez lui, donc vous avez besoin de Cédric, vous voulez lui parler, n'hésitez pas. 01 53 43. Je suis là, t'inquiète. Ouais, il y a Arc qui dit, ça vient du fait qu'il se fait enculé par une bite sale. Merci Arc du 78. Salut à toi. Non, désolé. Essaye de bouffer une tablette de chocolat, Cédric, histoire de te constiper, comme ça tu pourras te faire opérer. C'est un petit conseil pas qu'on te donne. Pas de chocolat. Et... Cédric, on devrait faire des expériences sur lui, il devrait bien servir pour la science. Mort de rire. J'ai pas besoin de crier non plus. Bon, merci. C'est qui a envoyé ce message, mort de rire? C'est El Joker. Salut à toi, El Joker. Laisse pas traîner ton cul, comme le disait NTM, nous dit Tuxer. Salut Tuxer. Salut. Et puis, il y a un médecin urgentiste qui nous a laissé un message et qui dit, quand même un petit peu bizarre ton médecin qui dit je t'opère pas, mais ils veulent pas. Je suis docteur urgentiste. Non, mais tu peux pas t'opérer à partir du moment où tu es sous traitement d'une autre maladie. Le médecin n'a pas le droit de t'opérer, en fait. Trop bizarre l'affaire de Cédric. C'est un hôpital trop bizarre. Soit on n'intervient pas, soit c'est Cédric qui a un corps trop chelou. Il veut pas prendre de risques. François, merci François, médecin urgentiste qui nous laisse un message. Peut-être raison, François. Sauf que le mec, ou alors le mec, c'est un tocard. Hein. Ouais, non, mais t'en sais rien, tu sais, il y a des, comme dans tous les boulots, il y a des médecins, c'est des nazes, hein. Eh bien, Cédric a tiré le bon numéro une fois de plus. Non, mais j'en sais rien, je le connais pas, le mec, mais c'est déjà arrivé, on est tous allés voir un médecin qui était claqué, quoi. Tu sais que le mec, il te file des trucs. Là, j'ai fait deux avis différents. Ce qu'il m'expliquait, c'est que tant que t'en fais, enfin, quand tu vas te faire opérer, si tu de toute façon, le bilan, tu nous fais mal à la tête, tu vas finir bancal. Voilà. Cédric, il va marcher comme ça. Une épaule en l'air, une autre en bas. Il va avoir une épaule au niveau de la bite, quoi. Bon. À la totale. Franchement, ça va encore t'arranger. Il va marcher le cul écarté parce qu'il a mal au cou de balle. Ouais, puis l'épaule comme ça, là. La totale. Franchement, sympa ton nouveau corps. Une épaule en l'air, une épaule en bas. Bon, ben, merci Cédric, en tout cas. Bah, de rien. Pour les bonnes nouvelles. Voilà, vous avez des nouvelles de Cédric, on l'a réveillé. Qu'il est sexy au réveil. Allez, filles, vous rêveriez de vous réveiller à côté de ça. Ah, bah, ça y est, c'est excitant. On t'entend plus, là. Mais ben, tant mieux, tu vois. Je bavais sur l'oreiller, quoi. Ah, ouais. C'est vrai que, franchement, tu sais que c'était la femme. De plus en plus, qu'il faut. Ouais. Bon, les filles, ça y est, c'est fini. Le dur moment est passé. Les gars aussi. Bon courage, Cédric. En plein de messages. Merci à vous. Et, Gab nous dit. Cédric de loin. Ça sert à rien, l'opération. J'ai eu pareil. J'aime bien, chacun a sa petite solution. C'est bien. Merci Gab du 34. Bon, salut Cédric, à tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, beauté. Et beau gosse. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Il t'embrasse. Il a fait des bisous avec sa bave. Ouais, ouais, super. Il nous fait des bisous. Mange du riz si t'as des problèmes gastriques, Cédric. Bon, clavicule cassée, côte cassée et chiasse carabinée depuis une semaine. Voilà, et corps pourri bientôt. Et corps pourri, mais tout le temps. Ah, pas bientôt. Pas sorti, c'est ah non, mais là, il va être complètement bancal. Bon, on va écouter Soprano. On va retrouver les familles du double appel aussi. Hier, on a fait un très beau multi-appel fin d'émission. Donc, on va pas tarder pour le double appel. Je dis à l'équipe. On va chez les familles, on là. On va tester les familles. Mettez-les dans le standard qu'on les appelle. On va leur passer un petit coup de fil d'ici quelques instants. On aura avec nous Thomas qui veut passer en speed, qui doit être déjà là. Ah, c'est le petit Thomas. Ouais, c'est ça, man. C'est le plus petit auditeur de Skyrock qu'on a. Bonjour, Thomas. Salut, Thomas. Bonjour. Bonjour. Salut, Thomas. Comment vas-tu, Thomas? Bah, ça va. Bah, il paraît qu'il faut qu'on te passe vite parce que y a un problème avec la famille, problème avec les parents, c'est ça. Ouais, voilà. Tu es le plus jeune auditeur de Skyrock, de la radio libre, du soir de Sky. T'as quel âge, Thomas? 11 ans. 11 ans. Bah, bienvenue à toi, Thomas. C'est l'âge du neveu de Romano. Ouais. Et ouais. Ça pourrait être un copain à toi. Ça, peut-être. Ça pourrait être un copain à toi, le neveu de Romano. Peut-être. Méfie-toi, c'est une Kaira, hein. Yo. Ah, toi aussi. Ah, non, le grand, il a 13 ans. Ah, et le petit, il a 11 ans, c'est ça. Ouais. Non, l'autre, il est moins Kaira. Ah, le petit est moins Kaira, le petit. Plus en mode victime, lui, d'ailleurs. Ah. Chacun son truc, tu vois. T'as un frère grand, c'est Kaira, et le frère petit, c'est victime. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, le grand, il descend des dents des copains. Ah, oh, putain. Il est sympa, c'est la Kaira, lui. Ouais, c'est ça. Bon, on te présentera le petit, alors, peut-être Thomas. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Dis-nous vite avant que ta mère débarque. Non, t'inquiète, en fait, elle a déjà débarqué. Ah, bonjour madame. Comment elle s'appelle ta maman? Laetitia, on fait un gros bisou à Laetitia. Et alors, ouais. C'est quoi le problème? Elle écoute là? Ouais. Ah, salut Laetitia. Ouais. C'est quoi le problème avec maman Laetitia là? Parce qu'on va régler le problème de famille là tout de suite. Eh ben, en fait, j'écoute Skyrock dans mon lit en cachette le soir souvent. En cachette? C'est bien ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas que t'écoutes, Sky? Si, elle veut bien, mais pas trop la radio libre de Tilifoul et tout ça. Ah, elle préfère le morning, par exemple, elle préfère. Je sais pas. Ah, tu sais pas. Tu nous diras, Laetitia, si t'aimes bien le morning. Ah, pourquoi? Parce qu'elle trouve qu'on parle de trucs un peu de tout, en fait. Ouais, un peu bizarre, surtout. En même temps, si elle vient d'écouter le témoignage de Cédric, là, c'est sûr que. Oui, là, elle est en train de vomir. Tu vois, après le témoignage de Cédric, Thomas, t'as entendu, hein. Je suis d'accord avec maman Laetitia. Ouais. Il y a des moments un peu difficiles quand on est jeune dans la radio libre. Faut avoir un certain âge, une certaine maturité. Faut être accroché là. Et donc toi, t'écoutes tous les soirs, Thomas? Ouais. Bon, c'est bien. Bah, c'est cool. Ça va. Tu bosses bien à l'école, ça se passe bien. Ouais, ça va. Bon, c'est bien. Ouais. J'imagine que tu veux être Romano. Ça serait cool. Ça serait cool, c'est-à-dire. Veux être Romano ou pas? Ouais. Ah, c'est bien. Ah, il est bien, Thomas. C'est bien. T'es un bon. Laetitia, il ira loin dans la vie. En votant Romano. Il a bon goût, c'est ça? Il est bien. Mais qu'est-ce qu'elle te dit, ta maman, Laetitia? C'est pas si vous avez des parents qui veulent pas que vous fassiez un truc. Par exemple, pas que vous écoutiez la radio le soir, Skyrock. Dites-nous, hein. Mais qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à l'émission, maman Laetitia? Bah, en fait, elle le sait pas que j'écoute, du coup, elle me dit pas grand-chose. Bah, maintenant, elle est au courant si elle est à l'écoute. Elle est au courant. Mais elle a quel âge, maman? Je sais pas, je crois qu'elle a 41 ans. Oh, bah, tu connais pas l'âge de ta mère, quoi. Oh, mais bravo. Marie, elle est choquée, tu sais. Bah ouais. Une maman n'a pas d'âge, Marie. Ouais, mais enfin, tu connais quand même l'âge de ta mère. D'ailleurs, quel âge a mon fils? Non, je sais, t'inquiète pas. Je sais. Bon, et. Je sais, il a 8 ans. Non. Mais par exemple, à quelle heure tu dois te coucher, toi, Thomas? Je sais pas, 21h30, je pense. Ah ouais, donc t'as droit à une demi-heure d'émission, alors? Ouais, voilà. Bon. Et après, j'écoute dans mon lit aussi, tu vois. Ah, après, t'écoutes quand t'es couché. Ouais, tout le monde faisait pareil. Romano aussi, t'écoutais la radio en cachette, toi. Bah ouais. Ouais, j'écoutais. Ouais, t'avais bien. Je rigolais et des fois, je m'excitais de zizi. Oh, allez. Attention. Dédicace à maman Laetitia. Oui. Et à maman Romano. Attends, franchement, là, j'étais soft. Hein. dites-nous, hein, elle va peut-être être traumatisée par Patrick. T'aimes bien? En plus, je suis sûr que t'es fan de Patrick, toi, Thomas. Je connais pas. Ah bah attends, Patrick. Ah ouais, c'est vrai, des fois on le fait plus tard. Ouais. Tu l'as jamais vu, Patrick, mais nous non plus d'ailleurs. Heureusement, non, heureusement peut-être. On est épargné. Mais c'est un homme charmant et classe. Allô? Oui, c'est lui. Ouais, absolument. Oui. Absolument. Ouais, j'aimerais bien savoir la tête qu'il a, moi. Ouais, mais tout absolument, nous non plus, tu sais, on n'a jamais vu sa tête, mais on aimerait bien. Ouais. Absolument. Qu'est-ce qu'il fait, Patrick? Il est en érection ou pas? Oui, tu vas nous laisser 2 minutes, Patrick. Hein, ouais, tu vas te détendre. Bon, on va laisser ça tranquille. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments dans l'émission, Thomas, faut faire attention. Après, tu sais que l'émission, c'est pour rigoler. Bah ouais, moi je me marre. Bon, c'est bien. Et est-ce que tu vas sur des trucs comme le net parfois? Tu vas sur des sites, tu vas... Attends, il va se griller par rapport à sa mère, là, il va tout dire. Non, on se dit tout entre nous, hein, maman Laetitia, écoute, c'est pas grave. Hein, Thomas? Complètement fou. Donc tu vois, hein, tu vois, maman Laetitia, il y a plus dangereux que Skyrock. Au contraire, regarde, on prévient les dangers du net. Attention, on voit des trucs, mais pas joli, joli. Eh non. Ah ça, oui. Bon ben, ça nous fait plaisir, Thomas. Tu es donc élu l'auditeur le plus jeune de la radio libre de Skyrock ce soir. Merci. Ouais. Merci. Fier de toi. Tu peux passer des dédicaces? Tu peux passer des dédicaces aux poteaux. Alors, t'es peut-être pas le plus jeune parce que les poteaux sont aussi là. Tiens, on salue MeToo qui dit j'ai écouté super jeune. Et vous m'avez complètement détraqué. Mais oui, MeToo. Merci MeToo pour le message. Vas-y, fais petite dédicace. Dédicace à tous mes profs du collège, à mon père, ma mère, mon frère. Oui. Joule, des places à gagner pour Joule tout à l'heure. Le vrai. À Juliane, Ruben, Nolan. Oui. Tous mes potes. Oui. Mon tonton pour la musique de mes vidéos et voilà. Salut tonton. Ouais, tonton. Ah bah tu vois, il fait des vidéos en plus. Hey, tonton. Ah bon. Bon, t'es cool Thomas, ça fait plaisir d'avoir un auditeur comme toi. Bon, reste avec nous et écoute avec la maman. Ok. On fait un bisou à maman Laetitia. Nous embrasse maman Laetitia aussi. Ouais, j'espère. Bah écoute, j'espère aussi. Nous aussi. Hein. Bisous maman Laetitia. Ah, elle vous met une baffe. c'est sympa. C'est pour l'équipe de Skyrock. Bon, bisous Thomas, salut à toi. Salut ouais, Thomas, ciao Thomas. Salut petit Thomas. Et un petit mot de Patrick. Hein, Patrick, quelque chose à rajouter? Hein? Écoute, tu le suis bien. Ta gueule Patrick, ça suffit. Ah. Ça suffit ces cochonneries. Bah oui. Patrick, c'est pas se tenir, c'est quand même dingue ça. Bon, voilà pour l'auditeur le plus jeune de la radio libre. Les autres peuvent débarquer aussi. On vous attend en direct. 0153 40 30. Du calme Patrick, tu vas venir dans un instant. Ah, il se prépare hein, pour le double appel hein. On va se faire un petit double appel là, double appel à suivre. On aura du Sopra à écouter ce soir. Sopra, on va se mettre en feu dans la soirée. On se mettra, bah tiens, si vous avez envie d'écouter un truc, vous pouvez nous demander, j'allais vous dire ce qu'on allait passer. Mais bon, vous pouvez changer tout ça, on fait de la radio ensemble tous les soirs. Et on fait la radio libre ensemble. Oui. Vous avez envie d'écouter un truc, allez-y, 41759 skyrock.fm. Et merci à tous ceux qui nous laissent des messages, là, c'est marrant hein. Il y a Ilham, 18 ans, qui nous dit, moi je vais vous écouter depuis l'âge de 10 ans, c'était moi l'auditeur le plus jeune de la radio libre. Ah bah, eh ben bah, t'as gagné. Il y a Mathis aussi, il écoute avec sa petite sœur, elle a 10 ans. Salut. Attention Mathis, il y a des moments dans l'émission, oui, attention. Hein. Ouais. Moi, on bouche lui les oreilles, ouais. Il y a Vito exactement. Qui dit, moi je prends mes écouteurs et blah, j'écoute dans mon lit, sinon ma mère me dit, va te coucher. Voilà, j'aurai 12 ans en décembre. Ah, toi aussi, t'es tout petit, dis donc. Il y a Christelle qui nous fait un petit coucou. Bonjour à Adem également. Salut à un autre Mathis d'ailleurs. Les Mathis se déchaînent, ils sont là. Eh ben merci à toi. Ah, et Conakry qui nous dit, moi j'ai écouté la radio libre de Difool très jeune. Je me tape des barres de rire chaque soir. Ah ben écoutez, on est surtout là pour ça. Hein. Là pour ça, vous filez des coups de main. Si vous avez un petit souci, vous nous appelez. Si vous voulez faire les cons, vous nous appelez aussi. Dans un instant, le double appel arrive. Bilal arrive aussi. On ira faire un tour en Avignon, chez Bilal. Enfin, ouais, Bilal. Il doit être là déjà. Salut Bilal. Allô. Allô Bilal. Salut. Ouais, Bilal. Ouais, salut l'équipe. Salut Bilal, et toi bien? Ça va, tranquille. Bilal, on va te retrouver dans un instant. Problème d'insulte, tiens. Ah bah tiens. Tiens, quelle est la dernière personne que vous avez insultée? Bah Cédric là au début d'émission. Ah oui, c'est lui qui voulait. Hein. Non, il t'a demandé de le traiter Romano et tu as été très gentil. Je tiens quand même à te le dire parce que t'es gentil avec ton adversaire. Mais ça c'est gratuit ça, donc je le traite. Tu l'as traité gentiment. Salope. C'est pour Salope. Cédric. Petit mot sympa pour Cédric. Bonne biatch. Bon, tu vas nous dire qu'est-ce que t'as insulté. Suceuse de chibre. Bilal, tu nous dis tout. Tu bouges pas. Reste avec nous. Ouais, et puis dites-nous aussi. La dernière personne que vous avez insultée. Moi, j'insulte pas parce que la violence verbale. Non, jamais, surtout pas en voiture. Violence verbale et physique ne sert à rien, en effet, ma mère. Surtout pas en voiture. Jamais. Je vois que tu as pris quelques fois la voiture avec moi. Oui, non, oui, à peine. Un peu. Allez, Soprano, à écouter tout de suite sur Skyrock. C'est en feu et Bluetooth en direct jusqu'à minuit. C'est Radio Libre. 1500, c'est le chèque que tu chopes toutes les demi-heures sur Skyrock. C'est bon, ça. 769, c'est le prix de l'iPhone 7 que Difool t'offre toutes les heures. Un iPhone 7 pour toi qu'on va t'envoyer à la maison. Ah, ça fait plaisir, les gars. 300, c'est le prix de la PS4 Slim. Ouais, c'est lourd, ça. 17, c'est la dernière version de FIFA. 0, c'est le nombre de cheveux qu'il y a sur le crâne de Romano. Oh, j'adore les choses. 10, c'est la longueur en centimètres du nez. Des millions, c'est le nombre d'auditeurs qui se réveillent avec Skyrock. Toi aussi, viens démarrer ta journée avec le Morning de Difool. Morning Show. 6h-9h sur Skyrock. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle. Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi. Don't Breathe, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain. Don't Breathe, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Avec Skyrock. Kanye West. Your love is fading, I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up. I feel it. I love the, I wanna, I'm trying to feel. I'm a rock.

sur Skyrock, c'était En Feu sur Sky. Diffoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, la radio libre en direct tous les soirs sur Sky. Je suis en train de chercher les coups de fil qu'on a passé ce matin avec la voix de Soprano dans le réveil de Star. Parce que ça, on s'était bien marré avec cette histoire-là. Soprano, le réveil de Star, c'était ce matin dans le morning. Ouais. Et Soprano vient de l'écouter avec En Feu. Ah, j'ai retrouvé. Je suis en feu. Et ouais, comment ça va, Sopra? Ah, bien, cousin. Ah, bien, cousin. Brah. Salut, Soprano. Tu as vu Romano est grand, hein? Non. Oh, non. Ah, si, un peu. Quoi, un peu. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Il sait que tu es tout petit. C'est Sopra. Soprambaba. Lui-même, en personne. Soprano. Ah, on les a les coups de fil. Écoutez bien, c'était ce matin dans le morning. Dites-nous ce que vous en pensez. Une famille est appelée et est mise en contact avec Soprano, le Marseillais. Soprano de Marseille. Ouais. Sopra, si tu nous écoutes, d'ailleurs, on te salue. Voilà un peu comment Sopra a été accueilli ce matin dans le morning chez la famille d'Alain. Bel accueil, vous allez voir. Ah. Allô? Bonjour, bonjour. C'est Marcy? Mais bien sûr que non. C'est qui, là? C'est Soprano. Je vais vous tromper le numéro, hein? Non. Qui c'est? Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est de la part de qui? C'est Soprano. Voici c'est qui le Soprano? C'est qui Soprano? Soprambaba. C'est quelqu'un de l'EI. Ah oui, oui, oui, oui. C'est un gars de l'EI, Baba, je sais pas quoi. C'est Baba, ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes un chasseur ou quoi? C'est ça. Ouais. C'est un chasseur. Bah, il demande pourquoi vous téléphonez. On est en train de foutre le bordel. Bah non, mais il est en train de se doucher. C'est pas marrant pour lui, hein. Mais on s'en fout. Allô? Allô? Oui. Mais je sais pas qui vous êtes. En fait, je l'ai dit, en fait. Et vous faites quoi exactement? Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, bah allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Oh, mais c'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce que tu ferais si t'étais une femme pendant une journée? Un chasseur. Non, mais vous êtes un détraqué ou quoi, là? Mais bien sûr que non. N'importe comment, je préviens la gendarmerie si vous arrêtez pas, hein. Allez. Tu dirais quoi si un mec te propose de l'argent pour coucher avec toi? Ouais, ben, moi, vous donnez votre nom, vous venez, je téléphone à la gendarmerie. Non, on verra sur le tas, t'inquiète pas. Venez, vous allez voir. Ça veut dire quoi, ça, votre système, là? T'inquiète pas, j'ai des principes et un honneur. Pauvre type, je suis en couille. En couille. Ah bien, cousin. Ah oui, c'est pas... Là, on était... Ah bien, cousin. Oh, ah, c'est bon. Quoi, là? Elle avait une voix sensuelle, la femme d'Alain. Ah, c'est chasseur. Oh là là, quelle voix sensuelle, sexy, baby. Ah, mais quand même, Marie, il connaît des chasseurs. Ah, c'est ça. Elle a cru que Soprano était un de ses potes chasseurs. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un chasseur. Marie, gendarmerie. Faudrait qu'on l'appelle pour un réveil de star. Je suis sûr qu'elle tombe dedans, Marie. Ah, c'est clair. Ah ouais, c'est possible. Bonjour, monsieur Botabo. Soprano. Sopato, voilà, c'est bien. Ouais. C'est Soprano. Bonjour, monsieur. Moi que je connais, peut-être que je m'en douterai un petit, au bout d'un moment quand même. Ah bah j'espère, Marie, parce que ça veut vraiment dire que t'es couché dans un état pas possible et que t'as encore de l'alcool dans le sang au réveil. Hein. Oui, je suis encore. Ah bah je suis sûr qu'on peut te baiser. Ah, c'est possible. Clair. Ah bah je suis sûr qu'on te le fait un matin. Faudrait qu'on y pense peut-être un de ces prochains matins là. On te mettra Patrick. On avait appelé également là, Gérard. Je vais tout de suite griller. Gérard, sensuel comme tout, également avec Soprano. Écoutez bien, le Gérard est, il est pas mal non plus. Ça aussi, c'était ce matin dans le morning. Gérard. C'est Gérard. Gérard et Soprano. Rencontre du troisième type. C'est parti. Allô. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais c'est qui? C'est Soprano. Connais pas. Soprambaba, tu connais déjà que je viens de Massilia. Oh, je ne vois pas. Hein. Je suis en train de chercher, mais je vois pas. Cherche. Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Bah, demande toujours. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Mais qu'est-ce que c'est cette connerie, là? On est en train de foutre le bordel. Non, c'est une connerie. Bah écoute, j'ai pas de temps à perdre, excuse-moi, au revoir. Bon, Gérard. Tu veux que je le refasse? Oui, on va le refaire, Soprano. Ouais, on va le refaire. Gérard, reste avec nous, Gérard. On a suivi les conseils de Soprano, on a rappelé Gérard. Ah, Gérard! Ouais, on lui a repassé un coup de fil à Gérard. Belle Gérard voix aussi, sensuelle. Soprano, vraiment, voix sensuelle, ça c'est pour vous, les filles. On vous dédicace la voix sensuelle de Gérard. Ah, non, pas. Qu'est-ce que c'est de connerie là, que tu m'as dit tout à l'heure là? C'est lui. Tranquille, oh. Tu m'as énervé avec ta question à la con là. T'inquiète pas, j'ai des principes et un honneur. Ah ouais, bon alors qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Ce serait pour un renseignement s'il vous plaît. Attention. Alors ne pose pas une question à la con que tu m'as posé tout à l'heure parce que je t'envoie chier. Ah ouais? Ah oui. As-tu un talent caché? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Avec qui tu voudrais partir dans une partouze? Oh putain, quelle est cette connerie? Mais quelle est cette connerie? Non mais attends, mais t'as fini. Bon, on ne rappelle plus, sinon j'appelle les flics. Ah, mais oh si. Putain. Alors, non, coup, tu m'appelles plus. C'est fini. Tu ne m'appelles plus. On s'en fout. T'occupe pas. Tu vas attendre parler de moi. Tu me connais pas. Tu vas voir. Attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Bonne radio. On aura des nouvelles de Gérard, a priori. On va attendre parler de lui. Mais alors, du monde à la gendarmerie, entre Saint-Amand et Gérard. Ouais. Ils vont prendre l'apéro là-bas. Soprano, te prévient. Tu risques d'avoir des nouvelles de la gendarmerie bientôt. Gérard, Alain, la femme d'Alain. Je sais pas qui je suis, moi. Très bien. Je suis Gérard. Alors, au 01-53-40-30-20, vous nous appelez, vous nous passez des coups de fil, vous débarquez ici en direct, on a Céline qui veut débarquer avec nous. Ah, Bilal aussi. Ah oui, Bilal, on va parler d'insultes. Quelle est la dernière personne que vous avez insultée? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Et il y a plein de profs, faut pas insulter les profs. Quoique Anonymous, tu l'as fait bien, toi. Anonymous, 15 ans, il dit, j'ai dit ta gueule à ma prof de français, mais heureusement, elle a pas entendu. Qui c'est, qui est la dernière personne que vous avez insultée? Romano, tu nous as dit que c'était Cédric tout à l'heure, mais il te l'avait demandé. Oui, bah, moi, je rends service aux amis. Il t'a demandé de le traiter, parce qu'il est en plein traitement pour ses maladies. Et c'est une sacrée grosse salope. Et tu as profité pour le traiter un petit peu. C'est bien, c'est bien. Quelle est la dernière personne que vous avez insulté? L'équipe du Paris Saint-Germain, hein. Non, moi j'ai insulté. Quelle heure il était? 17h dimanche à la fin du match Angers-Marseille. T'as insulté qui? Bah, 93ème minute, si tu veux, l'OM se prend un but. Donc, bon. T'as insulté l'OM? Ouais, je les ai traités. Ah, t'as même pas insulté les Parisiens? Bah, non, si je jouais pas contre Paris, je jouais contre Angers. Et Romano, tu disais, c'est en voiture que t'insultes le plus. Bah, ouais. Mais t'as ouais, ça rend aigri, là, ah, des petits, des vieux et des femmes. Non, mais en plus, on t'entend pas dans la voiture. Les femmes et les vieux. Et les enfants. Les femmes et les vieux, parce que autrement, tu prends trop de risques, t'as déjà failli te faire casser la gueule. Ouais, mais... plusieurs fois, ouais. Faites attention aux insultes, hein. Ah, une fois, je fais des doigts à un mec et le mec est descendu de la bagnole. Il allait tabasser, ouais. Sur 4 mètres. Je les avouais le kéké aussi. Attends, moi, c'était tout à l'heure, j'ai insulté un mec en vélo. Parce qu'il était en vélo, il prenait, tu sais, il était au milieu de la route. C'est-à-dire qu'il était à droite. Ah non, mais les piétons, je les insulte parce que je suis protégé dans la bagnole. Oh, je peux t'enfermer. Non, moi, je vais lâcher un métaux à droite, enculé, tu vois, vite fait. Ah, tranquille, quoi. Ouais, tranquille, ouais. Sympathique. Moi, c'était ce matin, un con qui fait des travaux en tout de chez moi, là. Ah, t'allais l'air. Ah, mais j'ai hurlé par la fenêtre. Ah, mais le mec, il a le droit, Marie. Les travaux, il était midi et demi. Non, mais dis donc, il a le droit. Mais il m'a réveillé. Je sais qu'il a le droit, mais j'ai quand même insulté. Ouais, Jess Loulou a insulté une éducatrice tout à l'heure, car elle n'arrive pas à cerner le bien et le mal. Ah, tu l'as fait une petite morale. Bon, on va voir avec Bilal, parce que Bilal est avec nous en direct d'Avignon. T'es là, Bilal, toujours? Ouais. Salut à toi, Bilal. Donc, 15 ans et à Avignon, toi. Et tu nous appelais parce que c'est une insulte qui te pose quelques problèmes. C'est quoi? T'as insulté quoi? Une prof, toi aussi? Ouais, une prof. Ah, une prof. Bah, tu vois, j'étais en plein dans le mille. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment la pression, est-elle montée? Le truc à pas faire. Tu es vilain, Bilal. Pourquoi tu dis qu'il est vilain? Tu le vois pas, il est au téléphone. Oui, mais il est vilain dans son attitude. Ah. Tu as été très vilain aujourd'hui. Et parle bien fort, Bilal, quand on tombe bien. Ah, parce que oui, même en fait, si. Il y a un petit frère qui dort à côté. Ah, mais on se couche pas à cette heure-ci. Il est quelle heure? 9h30, il a quel âge, ton petit frère? Il a 3 ans. Ah, bah, non, ah, oui, mais à 3 ans. Bah, attends, on tient au moins jusqu'à minuit. Ah, ouais, normal. C'est minimum. Ah oui. Bon, alors, Bilal, ouais, raconte-nous un peu ce qui s'est passé avec la prof. En fait, j'étais en classe. Oui. Genre, je travaillais et tout, j'écris. Oui. Elle vient, elle me dit, Nabil, Bilal, genre, t'écoutes pas. Oui. Ouais. J'ai fait, si, j'écoute et tout. Elle me dit, non, t'écoute pas, donne-moi ton carnet. Aïe. Je vais, je dis non. Mmh. Elle me dit, si. Elle insiste. Je vais, je prends le carnet et je jette à sa gueule. Ah, déjà, sa première erreur. Et en même temps, je l'insulte. Ne jamais, alors deuxième erreur, l'insulte. Oh là là. Ne jamais jeter un truc à la gueule d'une prof ou d'un prof. Ça même peut si être c'est mal le carnet. Bah déjà, ouais. Même le carnet. Et deuxièmement, ne pas sortir ça d'une insulte qui arrive juste derrière. Ah oui. Ça ah bah beaucoup. Tu te fous dans la merde tout de suite. Ça hein. C'est double problème. Mais les insultes, c'était à base de quoi? C'était la con de tous tes grands morts. Alors la conne de tout est grand mort, ça, tout est grand mort. Voilà, conne de tout est grand mort. Voilà ce que j'avais à dire. Ah ouais. Insulte de chez nous. Au plan. Ouais, bon, pourquoi pas. Et elle a répondu quoi? Merci. Ben, elle a été choquée et tout le monde était choqué. Ah, oui. Ils ont même pas rigolé les... Ah non, même pas. Ah, tellement que tellement qu'ils étaient sur le cul, ils se sont dit, oh non, ça part en couille. On va avoir des problèmes. Et la prof qui a pas, oui, Bilal, vous pourriez répéter, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Ouais, je t'en cul, là, voilà. Elle avait bien compris, elle avait très bien compris. Oui, oui, non, mais je me doute. Il y a Carpe Diem qui dit qu'il est tellement nerveux au volant qu'il lui arrive de descendre pour s'insulter. Ouais, mais là il faut faire attention parce que tu vois, comme Romano, tu vas tomber un jour sur un mec plus grand que toi. Romano, ouais. C'est bon, c'est plus simple, tout le monde est plus grand. Mais toi, tu peux aussi tomber sur, je sais pas combien tu fais, mais sur quelqu'un de plus grand que toi, Carpe Diem. Fais attention. Non, mais puis il y a des oufs. Hein. Ouais, ouais, on peut tomber sur. Je suis tombé sur 2-3 oufs, mais des vrais barges. Ouais, mais. C'est-à-dire que je suis nerveux. Ah ouais, mais il faut se calmer. Non, mais au moins avec les profs, tu vois, tu peux. Regarde, je vois le message de Loan Lantillet qui a 15 ans et qui dit, moi j'ai insulté mon foutu frère quand il disait que de la merde. Un frère. Ah, ça va, son frère. Ça va. C'est exactement ce que j'allais te dire. Un frère, ça va. Un prof. ou une prof. Ah bah ça te fout dans la merde. C'est plus problématique. Mona, elle, elle insulte sa voisine. Myriam, elle fait la même chose. Dites-nous d'ailleurs pourquoi vous êtes insulté avec vos voisins, vos voisines, ou que vous êtes insulté avec quelqu'un en général. Mais vous, il y a des par exemple policiers. Non mais c'est insultant. Ça aussi, ouais, ça aussi. Il vaut mieux fermer sa gueule. Forcément, tu te mets dans la merde. Vaut mieux essayer de se retenir un petit peu. Sinon, même si t'as envie, même si tu as très envie, ouais, bah bien dangereux. Sûr. Ou alors tu l'insultes, mais une fois qu'il t'es parti, ou dans ta tête. Ouais, voilà, ouais. Prof, policier, tout ça. Bifle sur le boule, 26 ans, qui lui insulte un pote, mais pour rigoler. Ah oh, bah ça va. Je l'insulte régulièrement de bac à graisse. Tranquille. Ah sympa. Ah bah non, bac à graisse, t'avais jamais dit à Cédric. Non, mais je vais la noter celle-là. Elle est pas mal. Est-ce qu'on pourrait le rappeler avant minuit que je lui donne cette petite insulte gratuitement. Et pour les insultes sur la route, il y a Calagan qui dit, moi qui suis livreur, les vieux, les femmes sur la route, c'est juste une horreur. Tu es misogyne. Non, non, t'es réaliste. Et gérontophobe, Calagan. Ah non, mais t'es réaliste. Ah, les vieux, c'est un calvaire. Alors, une vieille femme. Alors, mais tu seras, non, mais c'est pire que tout. Tu seras vieux un jour, Romano. Bah, je conduirai plus, je ferai pas chez le monde. Et par moment, tu es femme, rappelle-toi, Pamela. Hein, tu vois, qui je oui, non, mais Pamela ne prend jamais le volant. Ah. Et pourquoi? Parce que c'est une femme. Ouais, moi, il m'est déjà arrivé d'insulter un prof, je me suis fait foutre dehors. Ah ouais. Et alors, toi, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que tu vas avoir? Parce que du coup, donc, j'imagine, elle a réagi. Bah, tu vas avoir moins de heures de colle, non, Bilal? Ah, bah, au moins, oui. Plus, je suis viré. Ah, t'es viré? Ah, t'es viré. Mais combien de temps, combien de jours, définitivement? À vie, à vie. Ah, bah voilà. Ah, bah, ils doivent être contents, tes parents. Tu l'as dit à tes parents, c'est toi qui vas te faire insulter maintenant. Ah oui, mon déclinqué. Ah, bah ouais. Bah ouais, parce que t'avais déjà fait des conneries pour te virer comme ça sur le champ. Et, et franchement. Oh, tu sais, Marie. Un mois après la rentrée, faut quand même le faire. Bravo à toi. Bravo. Merci. Trois semaines avant les vacances de la Toussaint. Ah, bravo. Ah ouais, bravo. Je dirais même champion, mon frère. En effet, champion, mon frère. Ah non, mais t'es pas loin d'un record, hein, quand même. Un mois, là, faut y aller, quand même. Ouais, ouais. Non, imagine tes parents. Ah, non, mais tu pètes un câble. Tu es obligé d'aller en prison. Puis pour retrouver un bahut, amuse-toi. Hein. Ah, c'est ça. Bah ouais. C'est marqué sur le dossier, ça. Donc, t'es viré là, mais demain, tu vas pas au bahut, donc. Ah, non. Ah, non, tu peux toujours essayer d'y aller. Ah, ouais, ça a été direct. La porte sera fermée. Ça a quand même quelques. Ah, oui, mais ça a été très grave. Bah, ah ouais, mais c'est quoi, t'es enculé, putain ouais, de ouais, mort. En plus, tu jettes un truc à la gueule. Putain de tes grands morts. La con de tes grands morts. Non, mais puis je pense qu'il y a le fait de lui jeter le truc à la gueule, tu vois. Ouais, ouais, ça a pas rongé. Ouais, ça c'est bien au contraire. C'est une agression. Et c'est quoi comme collège? C'est un collège privé ou c'est un truc? Ouais, privé, ouais. Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Ah, en plus? En privé, il n'y a pas d'avertissement. Tiens, il y a Tintin qui a insulté une prof de grosse. Donc, Tintin, 15 ans, j'ai insulté ma prof de grosse, bam, 10 heures de colle. Et quand tu t'es viré, moi j'ai déjà dû m'écrire à ma prof de maths, elle est prof. Oui, mais c'est pas sa faute, la pauvre. Tu seras peut-être grosse toi aussi un jour, Bilal. On sait jamais, hein. Regarde Cédric, était tout maigre à ton âge. Après, ouais, mais bon. Ouais, tu peux grossir. Après, tu sais, regarde Cédric dans quel état il est devenu. Bah oui, tout difforme. 4 manteaux, 4, 1, 2, 3, 4, 4 manteaux. Ah ouais, non, et puis de toute façon, même si tu le penses, tu fermes ta gueule face à un prof, parce que voilà, voilà le résultat. Pour éviter ça. Ah, c'est bien, il y a des embrouilles de couple aussi. Enfin, je dis c'est bien, c'est pas super bien. Il y a Doudi, 22 ans, qui dit, moi, c'est mon homme que j'ai insulté en dernier. Moi, c'est Mago que j'ai insulté, c'est anti-Paris OM. Mago que j'ai insulté parce qu'elle m'a trompé avec un pote. Ah ouais. Ouais, mais là, en même temps, il y a de quoi la traiter. Ah bah oui, logique. Non, mais c'est normal, tu démarres, des fois, tu te traites avec ton mec. Ouais, non, mais on se dit pas d'insultes. On s'est traité d'enculé, de gros con et de fils de paix. Ouais, non, mais moi, on s'insulte des fois, hein, qu'on s'engueule. Connasse. Ah ouais, ouais, connard, c'est vrai, connard, ça. Ouais, ça, c'est son truc préféré. Va se faire enculer, connard, elle me dit. Ah ouais, connard, j'avoue. Va te faire enculer, connard. Tiens, il y a Kenza, en bruit de famille. Je viens d'insulter ma sœur. Kenza, PNL, qui vient de laisser un message. On écoutera un PNL, là, tout à l'heure. Bah, tout pour toi, Bilal, de toute façon, maintenant, il faut trouver un autre bahut. Bah ouais. Ah, mais ils t'ont viré définitif? Bah ouais. Ah, définitif. Ah, mais dans le privé, non, mais dans le privé, rigole et pas. Et est-ce que tu payes l'année, du coup, tu te fais entuber, enfin, tu perds ton argent? Non. Ah, bah, c'était en privé déjà, ouais. Donc, bah oui. Donc, tu payes en privé, oui. Oh, tu vas galérer pour trouver un bahut. Marie, te remonte la morale. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver un autre bahut, là. Ah ouais, déjà, quand tu sors d'un privé. J'ai insulté un chauffeur de bus avec un doigt parce qu'il s'était pas bien arrêté. Je confirme, après, il s'est arrêté et lui aussi m'a insulté. Le câble HDMI de la PS4 qui vient de nous laisser un message. Aucune éducation. Tichon qui nous laisse un message. Mais moi, sur l'autoroute, le mec, qui m'avait poursuivi, moi. Ouais, tu nous avais raconté le mec que tu l'avais insulté, tu l'avais fait des doigts avec tes petites mains. Le mec, il te collait au cul et il t'a pas lâché. Ah, mais course poursuite, hein. Ouais. Mais parce que tu lui as mis, tu sais que ça. ça fout la haine, gros, quand un mec il te fait un doigt et tu sais il accélère après. Eh mais moi aussi je préparais, je te lâche pas, gros. Là parce que le mec il me collait au cul et ça m'a rendu dingue. Et quand il m'a doublé et que je me suis décalé, je lui fais des gros. Ouais, t'es content, genre. Genre tiens, ouais. Il y a Salimette, 27 ans, qui le dit. Le mec il a montré son poids. J'insulte en arabe comme ça personne ne comprend. Ah moi aussi, ouais. Et je me lâche. Moi aussi ça m'arrive, ouais. Ouais, ma mère elle était prof. Ça m'a déjà arrivé, ça. Ouais, ma mère elle était prof. Elle avait une élève qui arrêtait pas de lui dire des trucs, elle comprenait pas ce que c'était. Puis elle a demandé à un de ses collègues, je crois, qui parlait arabe, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ouais, merde. Et donc après, elle a su. Ah, donc sympa. Faites attention, parce que même à celui en arabe, on. Non, puis tu le sens dans l'intonation. Ouais, c'est agressif, ouais. On peut comprendre. Attends, moi, je me rappelle quand j'étais au Bahut, j'avais une prof, c'était une rebeu. Mais on savait pas que c'était une rebeu parce que son nom de famille, c'était pas rebeu. Elle avait pas, tu sais, elle avait pas la tête d'une rebeu. Ouais. Et on l'insultait en arabe, gros. Elle comprenait tout. Elle comprenait tout. Ça, ouais. Elle comprenait tout. On se fait virer 15 jours. Et voilà. Et ben voilà le tarif. Baiser, Karim. Et ouais, baiser. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Il y a Jules qui te laisse un conseil. Nerveux ou pas, il faut jamais insulter les profs. Courage à toi maintenant. C'est le message que te laisse. Jules, la Sky Solidarité, au moins avec un message de soutien et quelques conseils quand même, c'est vrai. Bon, l'avantage que t'as, c'est que t'as 15 ans et vu que l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, on est obligé de te retrouver à Bahut. Hein. Ah, c'est vrai ça. Quoi? Ouais, mais sur le dossier, c'est écrit comme quoi. Légalement, il s'est obligé de te mettre quelque part. Après, tu vas peut-être te retrouver loin de chez toi. Oui, tu seras peut-être pas dans le meilleur Bahut du coin, ils vont te mettre dans un Bahut. Mais c'est le premier Bahut d'où tu te fais virer? Ouais. Ah, bon, déjà un moindre mal. Bah, j'espère que ce sera le dernier où tu te feras virer. Il y a Élise, tiens, qui voulait venir avec nous en direct. Elle est là. Élise, 22 ans, dans le 93. Salut à toi, Élise. Salut tout le monde. Salut Élise. Comment ça va? Bah, ça va très bien, merci. Je suis contente d'être là. Eh ben, c'est gentil d'appeler pour Bilal. T'as entendu la story de Bilal? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais lui dire à Bilal? Que moi, je suis une catastrophe. T'arrêtes pas d'insulter les gens? Bah, en fait, moi, je passe ma vie à le faire. Non, mais tu vois, comme ça, on dirait pas, t'as l'air douce. Calme, mais pas du tout, posé, je suis une pile électrique. D'accord. En fait, je suis un massacre. Ça veut dire que déjà, quand j'étais petite à l'école, moi, je faisais pareil que lui. Mais quand tu dis que j'étais petite, mais à quel âge tu faisais pareil que lui? Genre à la maternelle, t'insultais des profs? Non, j'ai commencé. Franchement, j'ai commencé en 6e. Quand je suis arrivée au collège, j'ai craqué, je crois. Au collège, il y a eu un déclic. Je sais pas, en fait, je commençais à détester les profs et moi j'étais comme lui, je m'énervais tout le temps et tout et tout. J'ai été virée plusieurs fois. En plus, j'avais des profs un peu bizarres qui faisaient des trucs super chelous. Oui, je te regarde, Élise, tu es très jolie, je te regarde et je mets la main dans la poche. J'avais un prof qui, un jour, j'ai demandé où est-ce qu'on foutait le compas, vous savez, la pointe du compas. T'as le foutre dans le cul. Non, il m'a dit qu'il est venu me chuchoter à l'oreille. Non, moi, j'aimerais bien te le mettre dans la chatte, main. Ah, il t'a dit quoi? Dans la main? Il dit, moi, j'aimerais bien te le mettre dans la main, mais mon travail me l'interdit. Il aimerait que tu le branles? Ouais, non. Puis je sais pas, j'avais un stylo bizarre, dans la bouche et il me traitait de suceuse. Suceuse de bite, tu suces ton stylo. J'espère qu'il est parti de l'éducation nationale, lui, parce qu'il est dangereux. Mais moi, je lui ai jeté une chaise. Ah, il faut le signaler, le mec. Tu vois. Une chaise, elle a dit. On est allé encore plus loin que toi, Bilal, avec le petit carnet que tu lui jettes à la gueule. Là, on est carrément sur une chaise avec Élise. On s'en doutait pas, mais les filles, vous êtes bien aussi. Non, mais si le prof, c'était un ravagé, quoi. Non, mais il était complètement taré aussi. Suceuse de bique. Mais par contre, du coup, là, moi, je conduis pas mal en ce moment et toute la journée, je passe ma vie à faire des doigts, à faire des courses-poursuites ou des trucs comme ça. Des courses-poursuites parce que, comme disait Romano, c'est quand on cherche quelqu'un, en général, il veut toujours se venger, essayer de se mettre devant ou faire ceci ou faire cela. Et en fait, moi, je lâche jamais l'affaire. Même s'il faut que j'aille plus loin que le chemin où je vais, s'il faut que je dépasse l'adresse. Ah ouais, toi, t'es une dingue. Ah, le mec, tu le suis également. Ah ouais, t'es une cinglée. Malade. Mais moi, tout ce qu'il faut, c'est que je gagne, en fait. Ah ouais, tu lâches pas l'affaire. Et tu t'es jamais dit. Moi, j'ai déjà fait 300 bornes. Ouais. Bah, tu vas aller à Lille. J'habite dans le 93, j'arrive en Belgique. Ah ouais, le mec, je l'ai poursuivi jusqu'à chez lui. Et jamais ça t'a calmé, jamais tu t'es dit, oh, ça sert à rien tout ça, je perds du temps à suivre les mecs. J'ai eu des problèmes en insultant les profs, tout ça. Non, mais si, mais en fait, j'essaie de me calmer en ce moment. J'essaie, mais en fait, c'est les gens sur la route qui me gonflent. Les piétons, les vélos, les scooters, tout ça, en fait, ils m'aident pas. Tout le monde, quoi. Ouais, en fait, c'est tout le monde, à part toi. Ouais. Voilà. Mais en fait, il faudrait qu'il y ait des routes privées pour toi. Oui, t'es toute seule dessus, tranquille. T'as des piétons, scooters. Non, mais c'est vrai que rouler dans Paris, c'est très désagréable, sérieusement. Oh, bah ailleurs aussi, hein, t'inquiète. Hein. Ah non, mais c'est clair que les embouteillages, ça bah, te bah, tous les endroits où ça bouge, c'est relou. Oh. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, du coup, tout le monde traverse n'importe où. On voit pas un scooter, on voit pas un vélo. Ils passent comme ils veulent. C'est, alors, là, contre les vélos, les scooters et les. Et tu dis quoi dans ta voiture? Tu les insultes avec quelle insulte? Mais en fait, moi, c'est pas dans ma voiture, hein. J'ouvre directement la fenêtre, je me gêne pas. Ah ouais, toi, t'es direct. C'est... Ah non, j'ouvre la fenêtre et celui qui est pas content, il vient, on parle, on discute. Mais non, mais t'es jamais tombé parce que, tu sais, bon, t'as l'air bien namoché quand même. Oui. En toute franchise. Mais t'es jamais tombé sur plus dingue que toi, c'est-à-dire que t'ouvres ta gueule, tu descends ta vitre, et là, je sais pas, une meuf ou un mec, il descend de la bagnole et. Et bam. Et il claque une baffe ou. Bah non, en fait, jusqu'à maintenant, mais après, on dit qu'il faut se prendre des coups avant d'arrêter. Mais moi. Oui. Non mais bon, mais... ça serait malheureux quand même de se faire défoncer la gueule. Non mais tu vois, c'est pour ça que je te demandais après avoir jeté la chaise à tes souhaits, Romano. Après avoir jeté la chaise sur la prof, t'as dû avoir des emmerdes. Ça t'a pas calmé. Oui, mais finalement, non mais en fait, j'en ai pas tellement eu parce qu'il s'est avéré que vraiment j'ai pu prouver tout ce que me disait ce prof. Donc en fait, t'étais tombé sur un prof un peu spécial, oui. Voilà, et en fait, ils pouvaient pas le virer parce que ils avaient pas d'autres profs de mathématiques. Suceuse, oui, suceuse de bique. Voilà, donc du coup, ils ont pas pu le virer pour des raisons de taf, quoi. Ils avaient pas assez de profs de maths. Ouais, mais il faut quand même qu'ils se renseignent, parce que bon, à la limite, vaut mieux ne pas avoir de prof de maths qu'un prof de maths. Ouais. Qui, oui. D'après ce que tu lui décris, il était quand même plus que limite, le type. Il prend ton stylo dans la bouche. Ouais, mais je crois qu'il y est encore, en plus. Aïe, faites attention, hein. Et, Bilal, ta prof t'a jamais fait d'avance, j'imagine. Hein? Non. Non, je demandais si ta prof t'avait fait des avances. Oui, bien sûr. Non, jamais. Non, mais faudrait que tu trouves un autre bahut, tu montes à tes parents que t'es. Bah là, de toute façon, t'as pas le choix. Et que tu vas te calmer. Tenir, ouais. Non, mais tu vas pas passer l'année à rien foutre. Bah ouais. Ah non. Mes parents m'ont dit, dans la semaine, je trouve un bahut. Ah bah ouais. Donc faut que tu te mettes en charge. Je sais pas comment tu vas faire pour trouver un bahut. Bah faut aller au rectorat, faut appeler le rectorat. L'académie, hein. Ouais, l'académie. Ouais, puis faut envoyer le dossier à plusieurs bahuts, des privés, là, du coup. Envoie un dossier, oui. Non, public, il peut être pris. Public, ah ouais, ouais. Et comme ça, tu pourras dire à tes parents, je veux faire. Moi, j'ai mon neveu, il s'est fait virer du privé, donc. Ah, il s'est retrouvé en public. Bah ouais, parce que. Est-ce qu'il a dit à sa mère, tu vois, maman, j'ai fait exprès pour te faire des économies? Non, il a pas dit ça. Dis ça à ta mère, Bilal. Sa mère, elle était à bout de nerfs. Ah bon? C'est étonnant. La tienne aussi, Bilal, non? Pas de genre. Laisse tomber. Ah, j'imagine. Non, mais c'est normal. Tiens, tu vois, tes parents, ils essayent de trouver un truc bien pour toi. Toi, tu fous tout en l'air au bout d'un mois, en plus, salopard. C'est vrai que t'as pas fait long feu l'année, ah toi. Ouais, c'est clair. C'est rapide. Ah ouais. Non, mais si tu vois. Ah, tu vois, mon neveu, il était plus raisonnable, il a quand même fait un an. Il a attendu la fin de l'année pour se faire virer. Ah, mais à la fin de l'année, tu sais, ils ont convoqué les parents, ils leur ont dit, ouais, on leur prend pas l'année prochaine. Voilà, terminé. Merci, au revoir. Non, il faut que ses parents comprennent qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il ne recommencera pas. C'est Snap qui nous laisse un message sur le 41759. Il a 17 ans, Snap. Ouais, mes parents, ils savent que je suis comme ça. Oui, mais il faut aussi se calmer, tu vois. Moi aussi, je suis plutôt impulsif. Mais maintenant, je suis zen, peace, tranquille. Cool. Ouais, de toute façon, Qu'est-ce que t'as dit, Bilal? Il doit fumer des joints, lui. Non, c'est moi. Non, jamais. Je fais du sport, je fume pas de drogue. Ma seule drogue est le sport et l'amour et le sexe. Ah, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, contre un prof, t'auras tort. Donc, ouais, ça sert à rien, ouais. Voilà. À partir du moment où tu le sais, ça sert à rien de le faire. Et faites attention aux insultes en arabe. Il y a Sophia, 18 ans, qui dit « Ma mère a insulté un policier en arabe. Seulement, il parlait couramment l'arabe. Elle s'est retrouvée en garde à vue avec 235 € d'amende. » Ce que je vous disais, les insultes en arabe, faut faire attention. Ouais, faut faire gaffe. Ouais, faites gaffe. Comment j'ai déjà traité en arabe, mais après mes potes, ils me cramaient. Ah ouais, s'il y a déjà des potes. Bah, évidemment. Oui, le pire, c'est pas quand tes potes te crament, c'est quand les profs te crament. Ouais. Non, mais elle savait pas ça veut dire quoi. Et elle savait qu'il y avait d'autres personnes arabes et ça veut dire quoi. Non, puis en plus, et lui, il levait le doigt, il avait dit ça. Non, il était content après. Quand t'insultes un pote, un prof en arabe et que tes potes ils comprennent l'arabe, ils devaient être morts de rire. Donc le prof il comprend. Ah oui, pas complètement con. Il s'est dit quelque chose d'un petit peu chelou. Bon, bah en tout cas, merci pour le coup de fil. Merci Céline, on te fait un gros bisou. Moi, je dis Céline. Ah non, c'est pas Céline. Merci Élise, pardon. Ouais, c'est Élise. Merci Élise. Je m'étais même pas reconnue. Gros, mais non, mais c'est Élise qui fait des courses-poursuites. Oui. Ouais, elle tape 200 bandes pour rattraper un mec, hein. Ouais. Ne lâche pas l'affaire. Bon, salut tous ceux qui sont sur la route et qui sont en train de s'énerver actuellement. Bonjour à Thibaut qui nous écoute dans la voiture. Il y a un gros con devant moi. J'arrête pas de le klaxonner. Il avance pas et il y a personne. Ah. Karim le taxi. qui nous dit je suis taxi et il s'est pris la tête avec un mec l'autre soir. Dès qu'on sort de la voiture, les gens se calment tout de suite. Ah, il fait 1m90, 90 kilos, c'est pour ça. Ah, ça peut expliquer. Il l'a mis à la fin. Il y a Maurice aussi, 11 ans. Paris. Salut Maurice. Aujourd'hui, une vieille m'a fait un doigt parce que je faisais du vélo et elle m'a dit va te faire enculer, petit connard. Ah bah. Je sais bien que c'est la mamie dans sa bagnole. Va te faire enculer. Mais tu sais qu'il y en a des méchantes, hein. Ah ouais, bah les vieilles, il y a des vieilles peaux. Hein. La vieille aigrie, oui. C'est ça, une vieille aigrie. Bah, il y en a, mais. Un petit con, dégage avec ton vélo, je te rends le dessus. Dites-nous avec qui vous vous êtes insulté la dernière fois. Tiens, on en reparle dans un instant. Et puis, Bilal, ne quitte pas. On va te renseigner. Déjà, trouve le numéro de l'académie. C'est Aix-Marseille, l'académie, pour toi. Demande peut-être au bahut s'ils peuvent pas te filer un coup de main pour trouver un autre bahut. Et essaye peut-être d'arranger les choses avec la prof en t'excusant. Peut-être que tu pourras lever la sanction. Ouais, faut pas rêver. Non, s'il est viré d'ailleurs, ça. Non, mais surtout, comme disait tout à l'heure. C'est ce que nous disait Jessica, là. Et puis le privé, ça, là-dessus, il rigole pas. Ils s'en mettent les couilles, hein, ils dégagent. Bon. Mmh. Autant, dans le public, là-dessus, il y a un peu plus de tolérance. Et l'argument que j'ai trouvé qui déchire, tu dis à tes parents, ouais, ça coûtait trop cher, j'ai envie de retourner dans le public, comme ça, ça vous fera faire des économies. Et là, une bonne baffe dans ta gueule. C'est clair. On se dit, mais tu te fous. Mais avec toi, Romano, ça pourrait marcher. Tu mets ton fils dans le privé, tu payes. Non, mais moi, je le foutrais dans le public, moi. Ouais, comme ça, tu payes pas. Ouais, c'est bien. Non, mais admettons, il est dans le privé. Tu payes, il se fait virer et il te dit, papa chauve, dis-toi. Ouais. Je me suis fait virer parce que je sais. Il commence comme ça, déjà, là, il s'est pris, j'allais dire un kick, peut-être pas une baffe. Alors, il dit papa sans cheveux. Non, mais même, il n'a pas à dire ça, ce connard. Bon, alors, il dit, mon papa qui est amoureux de la gothique. Voilà, ça. Bah, que dalle, j'espère que ce sera Cariole, la mère de mon enfant. Et pas la gothique, ouais. Non, mais la gothique, non, mais c'est mort. De toute façon, ce sera pas la gothique, quoi qu'il arrive. T'en sais rien. Ah, bah, ça, je le sais. C'est quand même où j'ai envie de foutre ma queue ou pas, quoi. Tu sais, aujourd'hui, je sais pas ce que t'arrivera demain. Je ne recollerai pas, certainement pas. Non, mais ton fils, il te dit, je te fais des économies, je me fais virer d'un truc privé parce que tu payes et je vais en public. Ça pourrait aider, non? Ah, non, mais je lui dis, mais t'es trop con, encore un kick. Je vais retourner, quoi. Non, je vais un aller-retour. Ça kick chez les Romano. Hein. Oh bah putain. Bon, Bilal, bon courage à toi, bon courage à tes parents, et puis essaye d'être cool avec eux parce que ça va pas être facile à supporter. Et puis gros bisous à Élise. On vous envoie tous les deux le t-shirt Skyrock. Ok, merci, bon. Gros bisous. À la maison, salut. Un petit dédicace. Vas-y, petite dédicace, vas-y Bilal. Vas-y, dédicace à NS, Iliès et ceux qui m'ont reconnu. Eh ben, on salue tout le monde. Merci à toi. Puis si vous voulez nous appeler, 01 53 40 30 20. Ah, on n'a pas fait le double appel. Hein. On va tenter. On va s'y mettre, là. Ouais. Essayez de les numéros. C'est pas moyen d'avoir un iPhone 7. Demain matin. C'est ça. Demain matin. Tu t'es fait virer du bahut, on va te donner un iPhone 7. Une baffe, oui. iPhone 7 demain matin dans le boarding. Une baffe dédicacée, tiens. 7h20, 8h20 pour l'iPhone 7. Et la PS4 à choper à 6h20 aussi demain matin, puisqu'on parle du boarding. Ce sera pour vous. Il y a Mac Miller qui débarque dans l'émission tout à l'heure. C'est lui, Mac Miller. Ouais. C'est lui qui a fait ce son. Il s'appelle Deng. Mac Miller avec nous en direct avant minuit. Il avait fait une chanson sur Donald Trump. On lui en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis il nous fera surtout son live, le live du morceau Deng. Mac Miller en live. C'est sur Sky ce soir. Du son carry. Il vient des États-Unis. Il vient pour nous. Et lui, il s'est pas fait voler ses bijoux, ses petites bagouses et tout le reste. Non, non, rien. On lui parlera de Kim Kardashian aussi. Mm-hmm. Ce qu'il a introduit dans le système, Mac Miller. Hein. C'est le mec d'Ariana Grande. Ouais. Et ouais, c'est lui, Mac Miller, que vous avez découvert sur Skyrock avec Deng tout à l'heure dans l'émission du PNL. On choisira le PNL ensemble parce que vous en avez demandé plein des PNL. Donc on choisira tout à l'heure avant de le passer. Ce sera vers 10h30. Du Designer avec Panda avant minuit. Puis le nouveau son de The Weeknd et les Daft Punk. Ça déchire aussi. Il y a plein de sons qui déchirent hein, sur Sky. On se fera ce gros son qui s'appelle Star Boy. Ouais. C'est avant minuit. C'est sur Sky. C'est avec notre sondage du morning qu'on va retrouver ce soir parce que je voulais vous poser les questions. Parce la que masturbation. C'est oui, c'est vraiment le soir. C'est vraiment le moment où on est tranquille. Je pense que c'est pendant l'émission qu'il y a le plus de branles. Enfin, pas à cause de nous, hein, mais à l'heure de l'émission où ça se branle le plus. Ou le matin, pendant l'émission du matin. Aussi. Complètement. Non, bah, tu vois, Patrick, lui, il est décaloté, c'est le soir. Ah, complètement, ouais. Mais il est à nu. Le matin, on est assez tranquille, il nous faut encore la paix. Ouais, c'est vrai. On verra. Donc, dans un instant, on va reparler de tout ça. Je vous donnerai le sondage du morning si vous l'avez loupé, le sondage de 7h05 de ce matin. On en reparle après DJ Snake et Justin Bieber sur Skyrock. C'est Let Me Love You. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Après Maître Gims. Et Soprano. C'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Écoute Skyrock toute la journée.

c'était DJ Snake, qui c'est comme ça qu'on dit, et Justin Bieber. Ah, yeah. J'ai fait de la boxe cet après-midi, vous savez que ça m'a canalisé, je suis de super humeur. Ah ouais, bien sûr. Romano. Ah, t'en rêves, mon cochon, hein. Cédric. Et moi, je suis un gros con, parce que dès que mon aiguille a enfin, comme quoi tu me dis pas que des conneries. Ça fait un moment qu'on te le dit. Marie. Salut tout le monde. Samy. Mais ouais. Même les meufs, elles font roi cutane, elles peuvent plus mouiller de la chatte, je crois. Et Karim. Mais tu sais qu'un jour, je l'ai vu, lui aussi, je l'ai rendu fou. Diffoul Radio Libre. 1h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et vous aussi, vous débarquez ici avec nous en direct sur Skyrock. On a Céline d'ailleurs qui est dans le coin. Bonjour Céline. Salut Céline. Salut. Salut Céline, 22 Salut ans à Montpellier. Salut Céline, bienvenue à toi sur Sky, comment ça va? Merci, ben ça va et vous tous? Écoute, ça va bien, on a bien démarré la soirée. On a eu Thomas, l'auditeur le plus jeune de la radio c'est libre bien. De Skyrock. Ouais. Thomas, 11 ans tout à l'heure, qu'on salue avec sa maman Laetitia. On a eu Élise et les insultes. Elle est, faut pas la faire chier, Élise. Ah ouais, non, tu m'étonnes. Non, mais c'est taré. Bilal non plus. Merci pour tous les messages que vous avez laissés là-dessus. On pourra y revenir d'ailleurs hein, avec les dernières personnes que vous avez insultées. Je vous ai dit, il faut être peace, calme, tranquille. On a eu Cédric aussi. Cédric aussi au téléphone qui va mieux. Il est rentré chez lui, ça y est. Ouais, c'est ça. Il est rentré dans son taudis. Oui, ce qui est dingue, c'est qu'il a quand même passé une semaine à l'hôpital. D'abord pour se faire opérer de la clavicule. Ils ont repoussé l'opération à la suite d'une gastro, mais alors carabinée. Une intoxication alimentaire. Il a mangé un tartare pas frais. Bactérie de merde, quoi. Donc, il a chopé une bactérie dans son magnifique ventre. Une de plus. Une de plus. Et donc, il est rentré pour sa clavicule. Et en fait, il a passé une semaine pour une gastro. Il nous explique qu'il a encore la chiasse. Donc, c'est vraiment très efficace. Cédric, je te décerne le prix de Galerman de la Radio Libre de ce soir. Ah ouais, c'est clair. On a eu l'auditeur le plus jeune et on a Cédric Galerman. Il est en titre pour celui de l'année, quand même. Oui, c'est vrai. Même, il accumule. Ils sont morts de rire avec l'histoire de Cédric. La clavicule, pour le moment, ils savent pas trop ce qu'ils vont en foutre. A priori, le diagnostic, c'est qu'il sera bancal. Ouais, il a une épaule 10 cm plus haute que l'autre actuellement. Et comme ça. Imaginez un peu la dégaine. Ça pour serrer, ça va être magnifique, Céline. Je pense que quand Cédric va revenir nous voir, tu vas craquer. Oh bah, c'est sûr. Je suis sûr, Céline. Ah bah, craquer devant la beauté du personnage. Mais moi non plus. Il y en a dans la famille Adam, c'est le mec, il a pas de cou, tu sais, il a les épaules super. Cédric, il est comme ça. Avec une épaule plus haute que l'autre. Et avec plein de menton. T'appelais pour qui, Céline, toi? Moi, j'appelais pour réagir par rapport à Thomas, au plus jeune auditeur de Sky. Ah, Thomas, 11 ans, qui nous appelait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais lui dire à Thomas, toi? Ah, bah, je suis la plus vieille. Oui, c'est presque ça. T'as quel âge? 22, ça va. Non, moi, j'ai 22 ans et ça fait 10 ans que je vous écoute. En fait, c'était pour la maman de Thomas, en fait, qu'elle s'inquiète pas, parce que vraiment, c'est normal d'écouter Sky. On n'est pas dans le jeu. Ouais, t'as pas mal fini, quoi. Non, bah, au contraire, regarde comme elle est belle. Eh oui. Ravissante. Ça rend belle. Donc, toi, t'as commencé à écouter la radio libre, t'avais 12 ans, toi, Céline. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais en 6e, 5e par là, et enfin, je me rappelle, je mettais le réveil à 6h le matin pour vous écouter dans le morning. C'est et bien. Enfin, vraiment, c'était un pur bonheur, et enfin, et encore aujourd'hui, moi, je m'en lasse pas. Le soir, quand je rentre du boulot, je vous écoute. Le matin, pareil, dans les bouchons. Super, t'es super, Céline. Eh ouais, génial. Et voilà, enfin, vous vieillissez pas, vous prenez pas une ride. Ah moi, pas une, moi, c'est quand même dingue. Bah, sans chirurgie esthétique, c'est quand même un truc de ouf. Ah bah, il y a juste Romano qui a perdu des dents, mais et des cheveux aussi. Non mais les cheveux, il y a 10 ans, j'avais déjà pu. Ouais, il y a 10 ans, il était déjà chauve, Romano. Mais tu es toujours parfait, Romano, ne t'inquiète pas. Merci Céline. À 11 ans, t'étais chauve. Oh. Ouais, c'est vrai, j'ai 21 ans. Là, ça colle plus. Ouais, gros. Là, ça colle plus. Mais... bon, ouais, il y a eu... On t'a cramé, ton truc. Bon, c'est gentil, Céline. On te fait un gros bisou, en tout cas. Et puis reste avec nous, alors, profite. Ouais, bah pas de soucis. Je continuerai à vous écouter. Je dédicace un petit message à tous ceux qui m'ont reconnu. Et voilà. Et ben, on embrasse tout Montpellier, nous, Céline. Gros bisous à toi. Ouais, bonne soirée. Salut Céline. Ciao, ciao. Et le mec de la famille Adams qui n'a pas de cou, le grand, là. Ouais. Qui a la s'appelle Cédric. Non, le mec, il s'appelle Fétide. Si, c'est ah ouais, c'est oncle Fétide, ouais. C'est Cédric. C'est l'oncle, là. C'est tonton. C'est vrai que c'est bien révisé. Voilà, appelez-moi Fétide. Voilà, je suis Fétide. Tout à l'heure, il y a Mac Miller qui vient dans l'émission, là. On aura du live de Mac Miller à retrouver d'ici une petite heure. Il sera avec nous, Mac Miller. L'américain. J'ai une petite question sur Mac Miller. Vas-y. Est-ce que vous savez quel star il a été au lycée? Alors non, je savais qu'il était avec Ariana Grande aujourd'hui. Ouais, non mais là, quel star il a été au lycée? Et son tripote, ils étaient ensemble au lycée. Justin Timberlake. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Ah, je sais pas moi. Ah ouais, tiens, je vous dis. Pharrell. C'est quoi ça? Non. C'est une star américaine qui fait du rap? Ouais, qui est déjà venu à Skyrock. Eminem. Non. Non, maintenant il a pas le même âge. J'ai collé avec ma question. Eminem a le double. Je sais pas, dis donc. Ouais, avec Chris Brown. Non. Pas avec Chris Brown. Non, il est venu ici. Il est venu ici. Avec, je sais pas. Je sais pas, moi. Neyo. Non, il y en a qui me dit Drake. Non, Drake, il est canadien. Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Ouais, bien, carré. Il était avec Wiz Khalifa. Ouais. Wiz Khalifa. En fait, ils viennent de la même ville et ils sont potes de. Tu sais, depuis tout gamin. Ils étaient en Wiz Khalifa, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, Romano, ouais. J'ai gagné ma reconnaissance. Merci. Il y en a plein qui savent. On aurait dû faire ça en question foot, tiens, parce qu'on vous offrir. le jeu, la FIFA. Tout à l'heure, on va vous offrir votre FIFA. Ah ouais, il y en a plein qui savaient. Jérôme qui nous disait Wiz Khalifa. Il y a Sid the Kid qui dit Wiz Khalifa. Le prince du hip-hop. Ouais. Non, pas encore. Le top du flop nous dit Wiz Khalifa. Ouais, vous êtes pas. Bah oui, je savais pas moi. Et c'était ma question que j'allais lui demander. Est-ce qu'ils vont du coup travailler ensemble à l'avenir? Bon, ils ont déjà fait des sons ensemble, je sais. Mais... Préparez une petite question chacun pour. Bah moi j'ai ma question. Pour Mac Miller qui arrive tout à l'heure là. Donc toi t'as la tienne. Bah, ouais, moi je vais lui demander comment ça va. Moi aussi ouais. Ouais c'est bien ça aussi. Moi je lui demander s'il va bien. How are you today? Je lui demander s'il a vu la Tour Eiffel. Have you seen the Eiffel Tower? And the Champs Élysées? And Kim Kardashian. Et les bijoux. Et les bijoux. Et the Jolie. Ah, c'est bien ça. Ouais, est-ce qu'il en a entendu parler? Est-ce que ça en parle au stage? The Jolie, le Kim Kardashian. Dans une heure, il sera avec nous. Mac Miller a pas loupé. Et puis du PNL, je vous avais promis, vous nous l'avez demandé. Donc on va vous mettre du PNL. Lequel vous voulez écouter de PNL ce soir? Parce que vous avez demandé à la fois Naha. Ce son de PNL. Ou alors, je suis QLF. À vous de choisir. Et on s'est Mina, donc à la limite, on pourrait changer aujourd'hui, mais c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc, Una, que vous entendez derrière moi, N-A-H-A. Ou alors, je suis QLF, que la famille. Voyage. Bien, ça, fire. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Allez, au choix, le PNL au choix, c'est vous qui décidez maintenant sur le 41-759 sur la piste. Vous nous laissez vos messages. Et promis, Romano, il chantera pas dessus. Hein. Ah, pourquoi? Parce que j'ai fait une promesse, je tiens mes promesses, Romano. Na pour Soso du 13, Jordan 21 ans Vena, l'Ivoirien veut QLF, Toto Vena, Idriss Sten de PNL, un autre son de l'album. Il y a Kopocha qui veut Na, je suis QLF que la famille. Ah, c'est partagé, à vous de choisir. QLF ou Na, vous nous laissez vos messages. Je pourrais faire des vibes dessus. Non, bah tu feras des vibes dans ta tête, Romano. Quoi, je vais en faire. Non, tu vas viber dans ta tête là. Allez, à vous de choisir. Le PNL. Moi, je prends QLF. Ouais, moi pareil. Prends QLF. Ouais, QLF pour Marie. Ouais. Pareil, ouais. Moi aussi, tu vois. Ah, 3 votes dans l'équipe pour QLF. 4 avec moi. 4 pour QLF. Oh là. On est tous d'accord pour une fois. Et sur les messages, là, Yana pour Zara. Gradure, on l'a mis tout à l'heure dans l'émission. On a démarré avec Sadek. Na pour Idriss. Na pour Nana. Na pour Yo-Yo. QLF pour Hello Catch. Salut Hello Catch. QLF également pour Brahim. JB Ivena. Un petit avantage pour Naha pour l'instant. Vous choisissez. Allez, vous nous dites. Et on vous mettra donc QLF. C'est des vibes. Naha, ouais, ça vibe à donf là. Bon, vous êtes là en direct. Et les familles aussi, c'est l'heure du double appel sur Sky. Écoutez deux secondes. Oui. Je vous jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est comment ça me gavait, hein. Bah, c'est Hello. Vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Default sur Skyrock. Oui. Il y a des chevaux, là. Il y a des chevaux, ouais. C'est bien. Il y a Patrick aussi. Il est en érection ou pas? Ah, Patrick est en érection, je pense. Patrick est très excité. Bah, c'est la bonne nouvelle. Il est excité comme tout. Tu me feras une pipe au champagne? Non, Patrick, je te ferai pas d'une pipe au champagne. Moi, je la ferai, Patrick. Si Marie te fera alors. Très bien. Parfait. Ah, ouais, moi, je suis décaloté complètement. Il est prêt, Marie. Il est prêt. Ah bah super, merci Patrick. Bon allez, on appelle qui là, dis donc? C'est parti chez qui? Christian. Et chez Gilles. Ouais, c'est excellent là. Donc c'est les numéros que vous nous avez laissés. On a pris les numéros de ce soir en plus. Christian et Gilles. Allez, c'est Gilles. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Oui. Allô? Qui demandez-vous? Qui demandez-vous? Allô? Allô? Oui. Oui, comment vas-tu? Bah, qui êtes-vous? Bah, devine. Aucune idée. Moi, je suis Patrick. Hein. Oh, là, ça résonne. Moi, je suis Patrick. Hein. Non, c'est parce qu'on a envoyé le son en même temps avec Romano, donc c'est ça résonne. Allô? Ah, merde. Allô? Mais pourquoi vous nous appelez? Pourquoi vous nous harcelez comme ça ce soir à 10h10 du soir? On en a marre! On en a marre d'être harcelé par le téléphone. Sexuellement, ouais. C'est marre de l'harcèlement sexuel. Là, voilà, ils sont mariés les deux. Là. Exactement, les deux sont partis. Elles étaient mignonnes pourtant. Bah oui, elles parlent un petit peu. Un petit peu, j'étais contente. Un autre. Allô? Oui? Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? C'est qui? Bah, devine. Je sais pas. Moi, je suis Patrick, hein. Patrick? C'est excellent, là. Il doit y avoir une erreur, à mon avis. Oui, allô? Voilà. Allô? Allô? Oui. Oui? Oui, vous êtes qui? Bah, et vous? C'est vous qui m'appelez. Alors là, je suis désolé, ma bonne dame, mais je suis avec ma femme qui est enceinte. Oh, je suis enceinte. Et qui a autre chose à faire que de répondre et de faire des blagues au téléphone à 10h12 du soir. Bah, c'est vous qui venez m'appeler, hein. Ah, écoutez, alors, madame, attendez. Je suis en train de sortir mon enfant de mon corps. Oui, l'enfant sort du corps. Et il y a un monsieur aussi, monsieur, je vous entends, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Ah ben il est parti, il a eu peur. C'est bien, tu fais bien ma femme enceinte. D'habitude je le fais avec Cédric. L'enfant sort. Parce que c'est quand même beaucoup plus crédible avec Cédric. Ah ben c'est vrai, ouais. Physiquement il a le corps d'une femme enceinte. Physiquement il a le corps d'une femme enceinte. Allez, à l'autre. Et allez, voyez la purée. Et la purée, Samy tu envoies la purée. Oh ouais, vas-y. Alors chez Aurélien et... Putain, j'ai trop de numéros. Putain, mais t'en as plein. Gérard, et chez Georges. Aurélien, Georges. Thierry, Georges, Bruno, Bernard, Serge. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui, comment vas-tu? C'est dingue, Patrick qui parle, il fait flipper les gens. Attends, il y en a un autre qui s'est laissé sonner. Et on n'a pas réussi à les mettre en contact, il y en avait une toute seule, là. L'autre sonne. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Bonjour, messagerie du... C'est qui, là? Ok. Allô. Oui, allô. Allô. Oui. Oui, comment vas-tu? Alors, c'est qui? Moi, je suis Patrick, hein. Patrick. C'est Patrick. C'est Patrick, oui. C'est Patrick. Mais vous êtes qui, vous? Moi, je suis décaloté complètement. Oui, vous êtes décaloté. Très bien, Patrick. Patrick. Très bien, l'autre a fait flipper tout le monde. Ah, faut que je vous reparle de mon sondage sur la branlette. Ah, bah oui, d'ailleurs. En parlant de décaloté, j'ai oublié. Ah, parce que Patrick, il décalote, mais... Ah, il y en a qui écoutent. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Oui. Ah, bah alors, pourquoi vous nous appelez? Pardon? Vous n'avez plus toute votre tête, vous. Pourquoi vous nous appelez comme ça ce soir, madame? Je ne comprends rien, elle écoute. Ça tombe pas rond, là-haut, hein? On n'a pas la lumière à tous les étages? Non. Ah bah non. Bah ça, il faut mettre l'électricité, appeler l'EDF. Bah tirer un câble, hein. Mettez une ampoule. Bah oui. Ouais, parce que... Non, parce que nous, on a quelqu'un de bizarre qui nous appelle depuis tout à l'heure, qui nous passe des coups de fil, qui s'appelle Patrick. Je sais pas si vous avez eu la même chose chez vous. Patrick. Là, je suis à poil, là. Ah bah c'est lui, vous l'entendez? Ouais. Bah, il y a un type, il dit. Moi, je suis Patrick. Lui. Hein. Il dit, je suis Patrick, et après, il dit des obscénités à ma femme qui est et enceinte. Je peux dire que je vais te baiser. Voilà. Vous entendez ce qu'il dit? Vulgaire. Doigt dans la chatte, là. Vous le connaissez, madame, vous, lui? Pardon? C'est votre mari? Qui ça? Mais d'abord, vous êtes un homme ou une femme? Un curé. Un curé. Eh bien, bonsoir, mon père. Bonsoir, mon père. Alléluia. Toutes nos condoléances. Vous nous faites un petit... Faites-nous une messe, tiens. Ouais, un Ave Maria. Tu veux une messe? Ah bah voilà. Il a coupé. Pourquoi tu lui as demandé une messe, Robert? Le curé, il fait des messes. Ça, oui, mais qu'est-ce que tu veux mec, faire une messe? Je vais pas lui demander de changer ma roue de bagnole. Mais si, ah ouais, il est peut-être curé et garagiste. Ah t'aurais pu te confesser. J'en sais rien, moi. C'est ça. Confessez-vous, moi. Bah oui, confessez-vous, mon fils. Non, mais sinon, les curés, ils font des messes. Bon, bah écoute. Ah bah oui. Très bien, Romano. Ils boivent du vin. Ah bah Marie. Oui, non, mais il faut me d'accord. Mais... Oui, parce que vous savez, les curés sont tous alcooliques. C'est bien connu. Eh oui. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Patrick, ça tombe bien parce qu'on va reparler de notre sondage du morning, le sondage de ce matin. Bien intéressant, ça. Les Français et l'onanisme. Te rappelles-tu de ce mot? Tu sais ce que ça veut dire, Samy? Vas-y, redis le mot. L'onanisme. J'ai jamais entendu. Eh ben, tu vois, Karim, pareil, ce matin, on a fait une interview ce matin c'est dans le morning. C'est l'apostrophe O, hein. O, ah ouais, si onanisme. Tu veux, ça change pas. Voilà, l'apostrophe O-N-A-N-I-S-M-E. L'onanisme. Putain, j'ai oublié, moi. C'est la branle. T'as oublié? Ouais, j'allais te redire, c'est un club de foot, encore une fois. Ouais, mais, ouais, ça fait nom de club de foot. Ouais, genre OGC Nice, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Non, l'onanisme, c'est la branlette. Ah ouais, c'est quand tu te branles, ouais. C'est la masturbation. Vous savez, c'est se branler classe, quoi. Tu te branles, mais... Oh, je m'omane, je nonane, je m'onanisme. Ouais, c'est une vraie merde à dire, je me branle ou quoi. Ouais, je me tape une queue. En fait, j'essaie de bien parler, mais... Oh, je m'onane. Oui, je suis à fond dans l'onanisme. Oh, je m'onane le sexe masculin. Si quelqu'un vient vous voir et que vous dit, je suis à fond dans l'onanisme, ça veut dire, je suis un gros branleur, en fait. Voilà, c'est ça. Mais... En même temps, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de gens qui l'entendent dans l'onanisme. Oui, mais de manière classe, quoi. Oh, je m'onane. Et donc, ce matin, on est tombé sur un sondage, c'était le sondage du morning. Juste avant 7h, c'est tous les matins, on découvre un peu les Français. Comment on est. Marie, tu veux pas t'onaner un peu? Onane-toi, Marie. Non, pas là, non. Marie, tu veux pas nous onaner un peu? Ouais, bien sûr, ouais, t'as raison, ouais. Non, mais sinon, onane-toi devant nous. Oui, mais oui, vas-y, bien sûr. Onane-toi la chatte, Marie. Ouais, allez, t'en premier. Dans c'est la vulve. La vulve, ouais. Excusez-moi, c'est classe, ouais. Excusez ma vulgarité, toutes mes excuses à toutes les oreilles chastes qui nous écoutent le soir. Et l'onanisme, c'est pas Romano, nous dit Greg? Non, c'est le mot, c'est l'onanisme. C'est vrai, bien vu, Greg. L'onanisme, c'est plus Romano. Greg, 25 ans, qui nous a laissé un message. La parisienne sexy qui dit je me branle tous les soirs. À la 20 ans. instants. Salut à toi. Bah, comme on disait tout à l'heure avec la Marie, comme on disait ce matin, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bien. Alors, quel est le pourcentage, d'après vous, des femmes et des hommes qui se masturbent? Alors, attention, c'est la question. Ceux qui étaient à l'écoute ce matin. Ah bah tiens, on va faire un jeu, on va vous offrir FIFA. De tout âge? De tout âge, en effet. Alors Marie, est-ce que tu vas commencer à être casse-couille sur toutes les questions? Ouais, ou pas? C'est clair. Non mais attends, c'est déjà la première question, elle demande déjà 10 000 explications. Ouais. Non mais déjà, les mecs, je pense que... Non, je te le dis Marie, quand on joue, t'es une relou. Non mais je pense que les mecs... Non mais je préfère être franc. Non mais t'es une relou. En plus Marie, joue pas parce que si tu gagnes FIFA, tu n'auras pas joué avec. Ouais, c'est pas faux. Non mais Marie, tu sais, à chaque fois elle pose 10 000 questions. Mais j'ai pas c'est posé 10 000 questions. C'est comme si tu joues avec un pote à la console et que le mec n'arrête pas de poser des questions. Et Marie, alors et pourquoi elle est comme ça? J'ai posé une question. C'est déjà trop. C'est la seule question. Eh oh, la question est claire, elle est posée par Difool. Bah, alors la question est claire, quel est le pourcentage des hommes qui se masturbent, voilà. Qui sonane la bite. Exactement. Donc, quel est le pourcentage des hommes qui se masturbent? On l'a dit ce matin. Eh, hey, il y a Hugo, t'as écouté, 80%. Mais t'es pas exactement sur le bon chiffre. Hugo du 44 nous dit 98%. 80% non, moins, pour Kopocha. Alors, l'étude est faite à partir du moment où on a une bite qui marche, hein. C'est pas fait sur les, bien sûr, heureusement. Ouais, s'il manque pas. C'est pas fait sur les enfants. Voilà, dommage. Pour répondre à ta question sur l'âge, Marie. Ouais, dommage. Je sais, Cédric, mais c'est dégueulasse. Alors, attention. Les propositions. Alors, vos propositions. Je suis en train de masturber, là. C'est bien Patrick. Alors, déjà, Patrick est dans le pourcentage des Français qui se masturbent régulièrement. Samy, tu dis 80, moi. 80% pour Samy. Ouais, je dis 84. 84. Non, non, non, et non, pour le moment. On parle des hommes, après, je vous donnerai le score sur les filles. Absolument, ouais. Moi, je me branle en pensant à la Marie en Kawaii. Encore, l'autre, il recommence, là. Mais c'était un mytho. Je vous ai dit que c'était un gros mytho, le mec du Kawaii, la semaine dernière. On a un auditeur qui nous appelle qui dit: oui, Marie, j'aimerais que tu t'habilles en Kawaii pour te baiser. T'importe. Mais Marie, avec plaisir. La bonne réponse est arrivée, je l'ai vu plein de fois, la bonne réponse. Ça y est. Le premier à avoir trouvé, il me semble que c'est Ben de Arras. Parce qu'il y a tous les autres derrière, j'ai également Loïc, Michael, qui nous a laissé un message. Sexe, bonjour Sexe, qui a la bonne réponse. C'est bien, vous avez bien écouté le morning ce matin. T'as Guiloute, t'es juste à côté toi. Et dit 85% des femmes, 96% des hommes. C'est pas exactement, t'es pas loin, mais c'est pas exactement les bonnes réponses. La bonne réponse, eh bien, on va donc appeler Ben Darras, là, on va lui offrir le FIFA. Ouais, FIFA a gagné tous les soirs. Dans la radio libre, tous les matins, dans le morning, vous gagnez votre FIFA 17, et oui, le tout dernier. Et le matin, il y a même la console, hein, la PS4. Et ça, c'est quand même le luxe. C'est le luxe, on ne se refuse rien. Le luxe total. Eh bien, la bonne réponse est 95% des hommes. Eh ouais. J'étais étonné que 95, parce qu'il y a tout, forcément des mythos dans des sondages. Bah ouais, c'est ce que je pensais aussi. Il y en a 95 qui... Bah, c'est les 5% qui manquent qui sont mythos. C'est possible. Bon, quoi que toi, tu penses que tous les mecs se branlent, toi, Romano? Mais non, on a déjà eu des auditeurs qui se branlaient pas. Oui, après, on n'était pas dans leur culotte, Marie. Hein. Non, vois, on a une bite, la main. Regarde, je pose mes mains, elles arrivent où? Sur ma bite. Non, mais c'est sûr, mais bon, il y en a certainement qui le font pas. Il est là, Ben. Salut, Ben. Salut, Dufour. Salut, Kit. Salut à toi. Salut, Ben. Skyrock, c'est magique. Tu envoies un message. 30 secondes après, tu te retrouves en direct avec nous. Et en plus, tu repars avec ton FIFA 17, Ben. C'est gagné, dis donc. Eh ben ouais, bravo. C'est bon, ça. Bravo, bravo. 95% des hommes se masturbent. Donc ça, c'est la bonne, voilà. Et toi, Ben, gros branleur? J'espère. Je passe. Non, t'as pas le droit, sinon t'envoies pas le jeu. Bien dit, ça, Robert. Bah oui, comme tout le monde, attends. Bah ouais. Mais même quand t'as une meuf, tu te branles, toi aussi. Oui, tout à fait. D'accord, parce que je me pose la question, moi aussi, parce que bon, ça ralentit un peu la branlette, on va dire. Mais bon, ça l'arrête pas du tout. Toi, Romano, tu t'arrêtes jamais, toi. Tu prends plus du foot, peut-être. Mais tu rigoles. Je vais te la mettre dans la bouche, Ben, tu vas voir. Tu pourras plus parler après. Romano, ouais, toi, tu te branles régulièrement. Non, mais voilà, en fait. Tu es de Ben, non, mais dis donc. Oui, Romano, au lieu de rire comme un Benet. C'est un Benet qu'on dit. T'es un Benet. Bon, tu dis pas un TB, quoi. Si t'es un TB, un Benet. T'es un Benet. On dirait Cédric qui parle. Je suis en train de masturber, là. Oh, toi, ta gueule, Patrick, et l'autre, t'arrêtes pas de se masturber. Non, mais moi, je sais pas, je me suis toujours branlé beaucoup, quoi. T'aimes bien. Ah ouais, bah sinon je le ferais pas. Bah, à partir du moment où tu découvres le truc, bon. Bah même après, c'est un branleur fou. Ça y est, je l'ai découvert, vu la taille du truc, j'en ai fait le tour rapidement, moi, mais. J'ai vu le nombre d'années, ça va, je commence à la connaître, ma bite à peu près. Est-ce que tu te branles tous les jours? Ah, franchement, pas le week-end. Ah, pas le week-end. Ah, ouais. Quoi que, des fois, ça peut m'arriver. Non, mais je l'abaisse. Le week-end, ouais. Le week-end, ça ken. Le week-end, ça ken, et la semaine, ça se branle. Ah, bah tu peux te baiser et te branler aussi, hein. Oui. Comment ça en baisant? Rien. Non, peut-être pas en baisant, mais tu peux le faire. Ah non, mais ça m'est déjà arrivé, genre, tu sais, on baise le matin et l'après-midi, je me branle, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais en général, la semaine, je me branle tous les jours, ouais. Des fois, deux, trois fois. Aujourd'hui, combien aujourd'hui? Pour le moment, une fois, mais tout à l'heure. Ça ne serait tardé. Peut-être. Ah, tu te branles le soir en rentrant avant le. Ouais, des fois, ça m'arrive, mais. Avant de dormir, avant de dormir. Je commence à être dans une mauvaise matrix, là. Ça commence à devenir une drogue et il faut que j'arrête de me branler avant de dormir. Le soir, tu vas rentrer de l'émission tout à l'heure. Tu vas arriver chez toi, tu vas enlever ton jean, tu vas te mettre en slip. Ouais, bah bien sûr. Non, mais en slip kangourou. Kangourou avec la poche devant. Et là, ton zizi va devenir tout dur et. Tu vas tirer dessus. Pas forcément. Non, tu vas t'astiquer, quoi. Bah, oui. Tu fais comment? Oui, je m'astique sur mon canapé. Vous avez envie de vous masturber, monsieur Romano? Un petit peu, non? Un petit peu, hein. Ça vient comme ça ou tu te dis à ce moment-là, tiens, je me branlerais bien, et là tu te concentres et tu penses à des trucs de cul pour bander? Non, mais je suis pas une machine. Tu disais que tout se passait dans ta tête. Ah ben oui, tout se passe dans ma tête, c'est-à-dire qu'il peut y même avoir... Même pas un petit écoute sur You Porn, un petit tour sur You Porn. Ah non, même pas, non, attends, tu vois. D'accord. J'avais tout dans la tête. Ouais. Et tu sais, être plus sale que You Porn dans ma tête. Et tu mets vos témoignages d'ailleurs sur la branlette, allez-y, à 41759 skyrock.fm et le 01 53 40 30, et bien sûr l'appli Skyrock. Oui, et tu mets combien de temps entre le moment où tu commences à te branler et le moment où t'éjacules? Moi, c'est le temps de penser à tes trucs. Bah, ça dépend, ouais. Oh, ça va vite. Non, mais je me branle. Tiens, moi, je fais pas durer la comédie 3 heures. T'aimes pas faire monter un peu la sauce? Non, c'est mais pas mal aussi. Là, on parlait du soir particulièrement. Ah ouais, c'est vrai, le soir, c'est en speed. Ouais, comme on dort pas beaucoup, je te comprends, Manon. Et ouais, tu vois, moi, je me branle pas. Le par soir. Contre, ouais, mais là, c'est depuis quelques temps, mais je vais arrêter. Et la journée, je me fais branler, précisément, je préviens. Ils sont addicts. Non, mais, tu sais, c'est comme à l'époque où j'avais beaucoup sur YouPorn. À un moment donné, faut savoir décrocher ça. Non, mais c'est une drogue, hein. Tu sais que tu t'enfermes là-dedans, c'est terrible. Et Ben, il est content parce qu'il croit que je vais plus lui poser de questions. Mais Ben, j'en ai une dernière pour toi. Tu te branles combien de fois par semaine à peu près? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est une fois par semaine? Par semaine, c'est pas beaucoup. Non, environ une à deux fois par semaine, comme j'ai ma copine à la maison, tout ça, donc voilà. Ah ouais. Elle sait que tu te branles ou non? Elle sait pas. Ouais, je pense, hein, c'est. Bon, elle doit s'en douter, mais vous en parlez pas ouvertement, c'est ton petit jardin secret, ta branlette. Ouais, voilà, ouais. Bah après, j'ai pas lui dire, bon, je vais me branler, toi, j'arrive, hein. Hey, ma chérie, je vais me taper une petite queue, là. Oui. Et tu te branles comment? Tu te branles avec des vidéos, je sais pas, YouPorn ou d'autres sites, hein, d'ailleurs. Ou dans ta tête? Ça arrive, ouais, YouPorn ou, dans la tête, ouais. Ah, d'ailleurs, le CSA veut absolument qu'on cite plusieurs sites parce qu'ils ont, parce qu'ils sont pas contents quand on cite que YouPorn. Jacques Michel. Ça y est, allez, hop, ça PSG.fr. Non, parce qu'ils sont capables de nous envoyer une lettre, nous mettre une amende pour ça. Donc, ils veulent absolument qu'on cite plein de sites. Ah oui, de c'est cul. Ça, bah, il faut citer trois, pas trois par trois. Si, au moins trois, ouais. Alors, voilà, les trois sites de cul, eh ben, vous les avez. Ça, c'est fait. Merci, Ben. Et tu regardes quel genre de truc, Ben, toi? De film. Amateur, j'aime bien. Ah, moi aussi. Ouais. J'aime bien le real. Ouais, c'est clair. Moi, ouais. J'aime que le real, pas le fake. C'est plus sympa. Ouais. On n'est pas à fake radio ici, on est à Skyrock, les amis. Bon, bah, amateur, faut bien choisir, quoi. Parce que ouais, les amateurs, il y a du danger aussi. Ouh là là, mon Dieu, il y a des engins là-dessus. Il y a parfois des surprises. C'est pas faux. Tu te dis, putain, ça te donne pas vraiment envie de te branler, quoi. Tu sais, je suis allé sur Jackie Michel tout à l'heure. Mais c'est payant, non? T'as des petites vidéos de 6 minutes. Ouais, ah oui, d'accord. Ouais. Donc, et après, si tu veux le truc en entier, c'est payant. Ouais. Oh putain, il y avait deux vieilles, mais ignobles. Ah ouais, c'était. Non, mais Jackie et Michel, c'est pas là où il y a les plus beaux couples. Non, parce que ce matin, tu nous parlais de Jackie et Michel, Romano. Ouais, Jackie et Michel, parce que Jackie et Michel, ils sortent un magazine papier, là. Magnifique. Est-ce que le papier peut pas t'essuyer la bite quand tu t'es branlé dessus? Non, mais par contre, je comprends pas. Jolie, la une. Eh, par contre, putain. Bah, la une, elle est jolie, c'est Claire Maman Cougar. Elle assume son fantasme, 2 points, l'anal. 9,90€ quand même, le magazine. Ah ouais. Et dedans, il y a des photos de cul, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des stories, ouais. Et t'as pas assez des roms ou une connerie, là? Vous savez, un DVD, c'est des roms. C'est pas d'où c'est sorti. Bienvenue en 1840. C'est sorti. Marie est une visiteuse. Quand je l'ai dit, je me suis dit, mais quoi? Il y a pas un CD-ROM pour mon télégraphe. Ok, dingue. Un DVD. Un CD-ROM. Allez, on continue l'émission, mais en morse. Avec une cassette vidéo. J'ai une nouveauté à vous faire découvrir. C'est un groupe qui s'appelle NTM. Ça veut dire nique ta maman. Ah ouais, pas mal. Et on va écouter une nouveauté. Lèche pas traîner ton fils. Ah ouais, c'est sympa. Ouais, c'est tout nouveau. Je crois que c'est pas super nouveau, Marie. Ah bon, c'est pas nouveau. Tu sais, au début, j'ai dit de quoi il parle. T'as prononcé un mot que j'avais pas entendu depuis aussi, 20 ans, Marie. Ah, c'est dingue. Bon, Ben, on t'envoie. Là, il y a les disquettes. Ouais, les disquettes, c'est bon ça. Alors, Jackie et Michel, on te l'envoie pas. Par contre, on t'envoie le FIFA 17 à la maison. Ouais. Et donc, ouais. Donc, effectivement, Marie, il y a un DVD avec. C'est un peu plus moderne que le CD-ROM. Ah, putain. C'est vrai le truc de la maman cougar? Oui, c'est à la une. Elle est à la une. Elle habite à Béthune. C'est écrit dessus. Claire, maman cougar, elle assume son fantasme, l'anal. Ouais. Ah bah voilà. J'aimerais pas être le fils de la maman cougar, perso. Hein. Ah, mais quelle horreur. Bah, elle assume, elle est contente. Hein. Ouais, non, mais elle assume, mais bon, elle a quand même une famille qui, j'imagine qu'ils assument moins, moi, qu'ils soient tous dans le même état. Mais... Et moi, je suis tombé donc sur Jacques et Michel ce matin, j'ai vu deux Belges. Une Belge, pas belle, mais bon, il y a pire. Qui était là, oui, bah, okay, que j'aime bien me faire sauter. Elle avait l'accent. Que j'adore, que je suis venu à Strasbourg. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de petite interview au début, oui, ça, avant qu'elle se fasse niquer. C'est le plus marrant, ça. Et le mec, donc il y a un mec qui arrive, je sais pas, jeune, il devait avoir 20 ans, et il se met dans la cuisine. Elle dit, oui, que vous voulez boire un truc. Que le mec, il dit, non, on va pas boire un truc, on va passer directement à l'attaque. Et l'autre, elle s'est mise à le sucer. Après, il y a son mari qui est arrivé. Bonjour. Son mari qui est magicien. Ça vous dérange pas que je fasse des frites? Oui. Regarde mon chéri, tu es magicien, ce que je fais à la baguette magique du monsieur de Jacques et Michel. Mais le mec il faisait quoi? Genre la vaisselle? Le magicien? C'est le mari de la meuf, il faisait les trucs. Marie, il était allé faire des courses, à un moment il est rentré, elle était en train de sucer un autre mec. Imagine Cariole par exemple, tu rentres tout à l'heure à minuit, Romano, et tu la vois avec un mec inconnu. Et elle est à genoux dans la cuisine. Un mec que tu connais? Et non, elle ne connaissait pas. Inconnu. Et en train de lui sucer la bite, bien dur. Mais bien dur, hein. Ah mais je crois pense que je leur jette un truc, je sais pas, je prends une chaise et je leur jette sur la gueule. Mais c'est pas bien d'être violent. Et je les traite. Ah bah je les dégage de chez moi. Bah non, mais ça va, normal quoi. Dans un instant. Je vais pas dire, ah bah bravo, continuez, vous dérangez pas. Non, c'est pas mal la pause. Tiens, bah je vais aller me branler dans mon canapé du coup. C'est Jackie et Michel. Dans un instant, la suite de notre sondage. Si vous l'avez loupé ce matin, on vous fera. Ah, on va s'occuper des femmes maintenant. Hein. Ah. Allez, on va s'occuper de vous les filles. Préparez-vous. Juste après PNL, lequel de PNL on va écouter? Ah, j'ai pas eu les résultats de mon sondage express que j'ai lancé. Il y a eu plein de messages. Merci hein, d'avoir réagi. Je vous donne les résultats. Et ben dans une minute, juste après la pub, et on écoute du PNL. Alors lequel? Là où je suis QLF. Et ben on se découvre tout ça tout de suite sur Skyrock. Pendant l'Euro, ils nous ont fait kiffer. Ils nous ont fait pleurer aussi. Et c'est fini. C'est fini. Portugal, champion d'Europe. Ils sont de retour. Vendredi soir au Stade de France. Match qualificatif pour la Coupe du Monde. France-Bulgarie. Bulgarie. Gagne tes places demain matin à 8h05 dans le Morning Daddy Fall sur Skyrock. The Morning Show. De l'argent facile à gagner, une maison isolée et un occupant inoffensif. Il est aveugle. Mais dans les ténèbres, l'aveugle est roi. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Don't Breathe, la maison des ténèbres, numéro 1 au box-office américain, le 5 octobre au cinéma, avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Kanye West. Your love is faded. I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up. I feel it. I love the. I wanna. I'm trying to feel. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. Tic tac tic, c'est l'horloge biologique qui s'emballe. Parents, au 71777, quand aurez-vous un bébé? Très bientôt? Pas tout de suite? Parents, P-A-R-E-N-T, au 71777. Nos experts vous diront quand, vous diront combien. Un bébé? Votre enfant? Parents, au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. So est un étudiant brillant. Son frère, un caïd de Marseille. Moi je ramène les sous, toi tu ramènes ton diplôme. Quand son frère se fait descendre, So est prêt à tout pour le venger et découvrir la vérité. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus reculer. Chouf, un film de Karim Dridi. C'est chez nous ici, tu as compris? Chouf, ouvrez les yeux, demain au cinéma. Chouf. Avec Skyrock. Hit it. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Merci Mimi. Skyrock Radio Libre, il arrive dans moins d'une heure. C'est Mac Miller, il sera avec nous dans la Radio Libre. L'américain Mac Miller. Mac Miller. Mac Miller. Et là tout de suite, ah bah vous avez choisi le PNL. 65% pour Na. Ah bah oui. 35% pour QLF. Et bah c'est Na qu'on écoute tout de suite. PNL sur Sky. Soir, de 21h à minuit. What the fuck? Foulé sur Skyrock. Ouais, et dans un instant, on vous offre encore vos jeux. FIFA 17, on en a un autre à vous offrir. Ouais. Ouais, petite question à vous poser. Allez, FIFA 17 à gagner et PNL à écouter tout de suite. C'est sur Skyrock. C'est bien ça, parce qu'on l'a passé ce matin aussi pour se réveiller. C'était super. À 6h20, on s'est réveillé avec ça. Tranquille. Je me rappelle parce que j'ai plané dans le studio. Romano me demandait d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais au plafond du foule? Je fais, t'inquiète. Je plane. Fly in the sky. Fly in the sky in the morning show. Bon, dans la radio libre, PNL, le gros son de PNL sur Sky. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, puta creuse. Puta. Je veux pas qu'on m'invite, pardon. Je recompte. Mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non. Ok, je vois. Balai. Je crame une clope dans la. Cette passion. Vois ma. Je suis pas. Vraiment. Le Yankee veut ça. En menant. Dans la. Au parle, je sens la. Je crame une gaze au milieu des tochas. Je fais le tour de la plaine avec Epona. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanane. Grosse de pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E en chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais, olé, olé, je parisien, enculé, volé, aux riches, mais pas aux pauvres, salope. Une légende comme Ice sur le terrain, aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïs avec cette merde que la mif, braille, bataille. On pourra pas dire qu'on est condamné, la lumière, on la voit que depuis cette année. 170 degrés, je dois pédaler, laisse-les parler. Des schlags, je peux plus les compter. Non. Et l'hôtesse de l'air, elle me sert à bonter. Ouais. Je suis pas là, mais VR continue de voter. Dans l'escalier. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Fais-y dans ta grand-mère. Rigolo, prononce mon blanc, j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête, ça lève les compètes. Mon haut, tu mens, et tu sais, je m'empête. Non. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la. C'est ta seule. Vois-moi. Je suis pas. Vois-moi. Le Yankee veut ça. En menant dans la. Au palais, je sens la. Je rappe que pour la. La street ça pue là. Je vois le monde, je vois ça. En poster, j'ai là. Tu crois, je veux le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. Je suis totalement paix. Non, sur Skyrock, c'était le son de PNL, le gros son de PNL que vous avez choisi. À 65%, vous vouliez ça, ben c'est passé. Et voilà. Difool, radio libre. 21h minuit sur Sky. Merde. Sur Skyrock, mais où Sky, ça marche aussi. Ouais, Skyrock, Sky, c'est le. Ma main a ripé. Ouais, la main a ripé. J'espère que ça ripera pas si un jour on t'appelle pour les 1500 euros, Romano, dis donc. Bah, j'espère pas non plus, ça serait con quand même. Ouais, t'imagines, ah, un matin. Direct, je te passe un coup de fil, on appelle Romano de Bourgogne pour les 1500 euros, le téléphone sonne, dut. Et là, tu décroches, tu fais beuillant. Et à ce moment-là, le téléphone, il ripe. Eh ben là, je suis dans la merde. T'es dans la merde. Ah bah dans désolé Romano, tu ne gagneras pas les 1500 euros. Il fallait répondre Skyrock. Ah bah je rappelle direct. Hein. Skyrock pour les 1500 euros. Je t'appelle sur ton numéro direct. Parce que moi j'ai numéro de Difool. Eh ouais. Je répondrai pas. Oh, j'ai plus de batterie. Oh, bah merde, alors, j'appellerai dans les téléphones dans le studio. Le studio du morning passe sous un tunnel. Ouais, bien sûr. Alors, je capte plus. Demain matin, d'ailleurs, on vous offrira 1500 euros toutes les demi-heures. On continue pendant tout le mois d'octobre. On vous offrira 1500 euros toutes les demi-heures. Parce que logiquement, c'est une fois par heure. Hein. J'ai réussi à dealer ça avec le directeur financier de Skyrock. Qui n'est pas moi. Tout n'est, non, parce qu'autrement, j'aurais jamais réussi. Enfin, tu l'as demandé après. En fait. Toutes les demi-heures, vous chopez demain matin vos 1500 euros. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous pouvez vous inscrire maintenant. Vous inscrivez maintenant, vous appelez demain. Hein. Vous inscrivez maintenant sur le 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20 et demain matin peut-être qu'on vous tirera au sort et peut-être que vous gagnerez encore 1500 euros. Ouais, c'est tombé deux fois ce matin chez Béram le Kosovar de Lyon. Salut Béram, si tu nous écoutes. Ah bah bravo. Ouais, on l'a réveillé, il était dans son lit Béram, mais il a gagné à 7h et à 8h30 c'est tombé chez Pierre Cédric de Tours. Putain, c'est un beau réveil. Ah bah Pierre Cédric, lui, il était hystérique avec ah ouais, il était comme un ouf avec ses potes derrière. Ouais. Bravo Pierre Cédric, bravo le Tourangeau, bravo le Lyonnais, bravo Béram. 1500 euros demain matin toutes les demi-heures dans le morning. Je vous pose une question, on va vous offrir FIFA 17. Et on fera peut-être aussi une traduction des bugs de Romano. Si on n'a pas le temps de le faire ce soir, mais on va trouver le temps. Mais oui. Si on n'a pas le temps de le faire ce soir, on le fera demain. Il y a les pieds de Marie qui réclamaient la traduction des bugs. Mais il pue. Ah, pardon. Pardon. Les pieds de Marie qui voulaient une traduction de bugs, on fera tout à l'heure. Et on va vous offrir plein de FIFA 17 à gagner dans la radio libre, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. Mac Miller arrive, bonne nouvelle, il est là. Ouais. Il est sympa ce Mac Miller. Il est cool, ouais. J'ai discuté avec lui dans les couloirs, il a élargi des jingles pour nous. Et il arrive juste derrière dans la radio libre, c'est lui, Mac Miller. Ça, c'est bien ça. Ça s'appelle Dang. Mac Miller en live tout à l'heure, une version exclue que vous pourrez écouter dans l'émission, qui va nous faire en direct. Il sera là juste à côté de nous, ouais. Juste en face de toi Romano, entre la Marie et moi, avec ouais. Samy derrière lui, fais attention Mac Miller, et avec Karim pas très loin derrière, ouais, fais attention aussi, hein. Fais gaffe. Mac Miller donc qui arrive, qu'on va recevoir dans un quart d'heure. Il sera là avec nous, hein, Mac Miller. Si vous avez des trucs à lui demander, n'hésitez pas. Vous lui parlez des États-Unis, vous avez envie de savoir des trucs, vous voulez le découvrir parce que vous le connaissez pas encore, bah ça tombe bien, c'est fait pour ça la radio libre, hein. Nous aussi on va découvrir Mac Miller. On l'avait déjà passé avec un autre son, Mac Miller, je sais pas si vous vous rappelez de ce son, ça s'appelait Donald Trump. Il avait fait un son sur Donald Trump, c'est un visionnaire ce Mac Miller. T'es passé sur Sky, j'aimais bien ça. Ah, rappelle Romano. Rappelle pas ? Ah non, pas du tout. Ah, c'est bien, ouais. Mais je me rappelle pas. Ah, ouais, on a tellement passé de bons sons. C'est vrai, on a tout passé sur Sky. La chanson s'appelle Donald Trump. C'était lui, ouais, Hugo. Bien joué, Hugo. Ça rappelle Hugo. On lui demandera ce qu'il dit dans la chanson Donald Trump, là. Et puis, comment il trouve Donald Trump? Est-ce qu'il le trouve sexy avec sa chevelure blonde? Ah, je le trouve trop beau. Ouais, je sais, Marie, mais moi aussi, il m'excite grave. Ah, ben, il est beau. Il est sympa. Il est très tolérant. Ouais, c'est vrai, il aime bien. Ça découvert. Et puis, il a des amis sympas. Vladimir Poutine. De base, il donne envie. Ouais. Que des mecs cool qu'il aime bien. Pas enfin, personne en France, mais. T'as vu, il est exemplaire, il paye ses impôts et tout. Ouais, c'est cool. 18 ans qu'il a pas payé d'impôts. Romano, ça devrait être une idole pour toi, ce Donald Trump. Non, mais le mec, ça fait 18 ans qu'il est milliardaire, 18 ans qu'il a pas payé d'impôts. T'as vu la somme qu'il a détournée, enfin, sans payer d'impôts. Mais genre, c'est un truc de ouf, c'est genre 90 millions de dollars. Non, c'est beaucoup plus que ça, c'est 900 millions. Ah, 900 millions, ouais, attends, 900 millions. Zéro, ça va. Non, mais en fait, ouais, il avait un crédit d'impôt. En fait, il a monté des. En fait, il a fait. Il a monté des magouilles, en gros. Ouais, c'est ça. Il a mis des boîtes en faillite. Et comme ça, les impôts américains lui ont versé de l'argent. Et en fait, il avait 900 millions de crédits d'impôts. C'est-à-dire que pendant tant d'années, chaque fois qu'il avait des impôts, ça, il avait pas à c'était payer. Déduit des 900 millions. Donc le mec, il a passé 18 ans sans payer. Sans payer un euro, un dollar d'impôts, quoi. Et voilà, c'est pour ça que c'est l'idole de Romano. C'est dingue que tu aimes une idole aussi chevelue. Non, mais je l'aime pas, je rigole. Ouais, il est beau. Non mais il est riche. Ah. Il est aussi con qu'il est riche. Non mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a des cons qui votent pour lui. Ça c'est quand même hallucinant parce que le mec dit que de la merde. Je sais pas si vous avez regardé, j'ai regardé à bout du débat moi parce que ça me faisait rigoler, j'ai pas regardé en entier. Mais le mec dit que de la merde. Oui, il faut que les États-Unis deviennent grand. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'ils deviennent grand? Oui, il faut que payer moins d'impôts. Oui, non mais le mec il sort des banalités. Ouais. Oui, bah payer moins d'impôts, toi tu peux en payer difficilement moins, t'en payes pas du tout, Donald. Le mec s'appelle Donald. C'est ouais, comme bon, si vous, c'est comme s'il y a des gens en France qui votaient, je sais pas moi, pour Mini Le Pen par exemple. Ouais, ou Dora Le Pen. Ouais, ou Dora Le Pen. Ouais, c'est les mêmes, hein. Voilà, Dora Le Pen, ça risque pas, elle a un peu basané, Dora. Ah, pour les Le Pen, c'est pas bon, ça. Hein. Oula, un peu trop. Ouais. C'est pas assez pure souche, ça, dit Dora. Ouais. Bon, il sera avec nous, Mac Miller. Hop là. Mac Miller arrive, donc, dans un instant. Et puis, la question que je vais vous poser, on va finir notre sondage sur la branlette, là. La masturbation. Alors, les hommes sont 95% à se branler régulièrement, hein, de tous les âges, à partir du moment où on a un zizi qui marche. Et pour les femmes, la même question a été posée. Quel est le score pour les femmes? Allez, c'est la question que je vous pose tout de suite. Allez. On rejoue. Allez, 41. Je prends une proposition foireuse, sans doute. 41-759 et appelez Skyrock, vous laissez vos messages, laissez vos numéros. Le premier ou la première repart avec FIFA 17. Pourcentage des meufs qui se masturbent, Marie. Je dirais 78. Eh bien, c'est faux. C'est faux, Marie, c'est pas loin. C'est faux, c'est faux. Ah, c'est pas loin quand même. Il y a Momo du 13-200, 18 ans, qui dit 85% des femmes. Non, Marocchino, qui nous dit 89% des femmes. Non plus. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Jérém, qui nous dit. Qu'est-ce que tu veux, Romano? Parce que Romano, il est en train de me faire des signes. Qu'est-ce qui se passe? Je te fais coucou. Ah, tu veux la réponse? Ouais. Mais non, mais c'est pour la regarder, pour voir si elle arrive. Le morning ce matin. Si, mais moi les chiffres, je suis perdu entre mes comptes en banque, les conseils pas chers. Ouais, c'est les bordel. 1500 euros qui tombent. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà la réponse. C'est celle. Tu dis combien, Samy, t'as dit toi? J'irai 70. Non. 70. Voilà la réponse. Non. Je suis pas très loin. Non, t'es pas très loin, mais c'est pas ça là. Allez, le premier ou la première. Oh, j'ai déjà vu des bonnes réponses qui défilent. Faut trouver le premier ou la première là, parce que moi ceux que j'ai vus, c'est pas les premiers ou les premières là. Donc vous allez gagner votre FIFA 17. Il est pour vous, il est à gagner sur Skyrock là. Ouais. Bon, c'est bien, les gens se font plaisir. C'est notre sondage du morning. Vous savez combien de masturbations par mois en moyenne pour un homme français? En comptant les vieux, les jeunes, tout le monde. Hein. Ça, je vous le dis. 15 masturbations par mois, autrement dit, une fois tous les deux jours. Romano, tu fais sérieusement remonter la moyenne, mon cochon. Moi, je suis à 30, plus de 30 même. 30 masturbations par jour. Ouais, par mois, putain. Non, 30 par jour, ça fait beaucoup. Là, après, ta bite, elle tombe en lambeaux, là. Non, mais je dois être allé, je dirais, 45-50 par mois. Pas mal. J'aimerais bien savoir combien j'ai éjaculé de. Tu sais que moi, je me suis posé la question. De litres de foutre. Ouais, j'aimerais bien savoir. Peut-être pas, c'est peut-être pas en litres d'ailleurs. Tiens, trouvez-nous ça sur le net quelque part. Allez chercher, dites-nous combien un homme il éjacule de litres de foutre pendant sa vie. Ah, j'ai soif. Ouais, mais après, ça dépend vachement de. Ah, j'ai soif. Moi, je prends un pack de 16. Ah, carrément, Marie. T'es con. Un pack de 16, mais des canettes d'un litre. N'importe quoi. Ah, bah, dis donc, Marie, t'es sacrément gourmande ce soir. Ah, ouais, à mort, t'as vu un peu. Allez, c'est bien ça, dis donc. On a la bonne réponse. C'est qui a trouvé la bonne réponse le premier, Samy, là. C'est Mickaël, je te le passe. Eh ben, tu vas nous passer Mickaël. On va vous donner la bonne réponse. Donc, les hommes se masturbent en moyenne 15 fois par mois. En couple ou pas. Et d'ailleurs, si t'es célibataire, tu te masturbes 16 fois par mois. Eh, un peu plus. Il n'y a pas beaucoup, ouais, un petit peu plus. Ouais, mais c'est pas énorme. Il hein. n'y a pas beaucoup de différence. Les Français sont des grands branleurs et fiers de l'être. Et les motifs, la question elle est con, mais bon. Pour se soulager en 1, pour le plaisir en 2, bon, pour les deux même, hein. Pour se relaxer, c'est quand t'es stressé, pour te relaxer en 3, pour t'endormir, avant de dormir, toi Romano, tiens. Ouais. Bah toi t'aurais répondu oui à pour se soulager, oui pour le plaisir, oui pour se relaxer, oui pour s'endormir, tu réponds à oui à tout toi. Bah ouais. Et il y a quand même 13% des mecs qui disent pour améliorer leur performance, genre pour arriver à gérer leur éjaculation et tout. Ah oui, genre un entraînement quoi. Un entraînement. Coaching branlette. Et le chiffre qui fait peur, on vous l'a pas donné ce matin dans le morning, celui-ci. Il fait peur, le chiffre qui fait peur. Voici le chiffre qui fait peur. 20% des hommes et 30% des femmes se disent mieux servis par leurs mains que par leur partenaire. Ah bah ça fait chier. Donc 20% des hommes, c'est un mec sur 5 les filles qui trouvent que c'est mieux de se branler que de baiser avec vous. Et 30% des filles, pour nous les gars, ça fait peur ça. Ça veut dire que une femme sur trois préfère se toucher toute seule plutôt qu'on lui fasse l'amour. Ouais. Mais oui, mais malheureusement, tu peux pas être partout. Exactement, Romano. C'est bien dit, ça. Non, parce qu'on s'est mieux. Je crois que c'est une belle conclusion. Ouais, tu as conclu de manière magnifique, mais avant de conclure, la réponse nous a été donnée alors, par Mickaël. Alors, pour la quantité de sperme. Vous avez trouvé, c'est bien. Bah, alors, c'est variable. Il y a du 9 litres. C'est tout? Ah, en soi, j'accule pas un litre à chaque fois. Ouais, non ouais, plus, c'est hein. Petit à petit. Hein. Eh bien sûr, Manon. Ah ouais? Non, non, mais un flit sur une vie, ça me semble pas beaucoup. Mais bon, on est. Moi, j'ai regardé, il y en a d'autres qui contrôlent le même truc que moi, c'était, moi, j'avais vu 13 litres. Entre 9 et 13 litres, on éjacule dans une vie. Ouais. Après, il y en a qui disaient moi, il y en a 3 à 6 litres. J'ai soif. Non, certainement pas de j'ai ça. J'ai soif. Bah oui, mais Marie, attends. À boire. Bah, on va te servir. J'ai soif. Ça, sympa. Il y a 4 millions d'auditeurs sur Sky, donc ça fait 2 millions de garçons, 2 millions de filles. 2 millions de garçons multipliés par, allez, on va dire 10 litres. 10 litres, Marie, ça te fait 20 millions de litres de sperme en une vie, rien qu'avec les auditeurs de Skyrock. Ah, génial. Les gars, faites un don à Marie. Il y en a pas un peu pour moi. Allez, un petit don pour Cédric, parce que il est rentré de l'hôpital, il va mieux, on l'a eu tout à l'heure en début d'émission. Mais on peut lui faire ce petit cadeau. Envoyez une fiole à Cédric. Une fiole. Cédric, 37 bis, rue Grenetta, 75002, Paris. Qui c'est qui, Marie, t'es chargée de récupérer les fioles? Pas, non. Oh non, elle va le voler. Ah non, je vais le bois. Ah non, Marie. Sûr, ouais, t'as raison. C'est mais non, tiens, Karim, tu es chargé de récupérer les fioles. Bah attends, il faut ouvrir ton micro. Ah non, non, non, man. Ah non. Ah non, mais allez, récolte tout ça. Les fioles à sperme. Quand on les reçoit, tu les gardes chez toi ou je sais pas où tu veux. Goûte, à la pizzeria. Ouais, bah ouais. Ah, dans les frigos de la pizzeria. Et tu les ramènes le soir où Cédric revient. Bon, il y a Mickaël qui est avec nous au téléphone en direct de Lille. Salut Mika. Salut. Salut Mika. Salut Mickaël. Donc t'as 16 ans, t'es lillois. Et t'entends Manos qui a dit. Non, j'ai pas entendu. Ah, vas-y, répète, il a pas entendu, Romano. Vive Cédric. Vive Cédric, il a dit. M'intéresse pas. Et voilà. Salut les filles. Romano aussi, t'es un bon. Ah, t'es un bon aussi. Bon, c'est sympa. Toi, Mickaël, t'étais rapide, t'étais à l'écoute ce matin, j'imagine, toi. Ah, oui, oui. Eh ben ouais, ça sert d'écouter le morning. Donc, quel est le pourcentage des femmes qui se masturbent régulièrement? 81%. 81% des femmes. J'étais pas loin. Il y a peut-être 19% de mythos. Quoique, 81% des femmes se masturbent régulièrement et 95% des hommes. Tu as donc gagné ton FIFA 17 ce soir dans l'émission. Bravo. Félicitations, Mickaël. On va t'envoyer ton jeu. Tu l'as pas encore, j'espère. Non, non, je l'ai pas. Non, sinon, je le garde, je le prends pour moi parce que moi, je l'ai pas encore FIFA 17. On vous en offre plein et non, on a même pas. C'est comme l'iPhone 7, on vous file le matin et tu as l'iPhone 6, moi. Bah oui. Bon bah profitez-en, vous avez raison. Bien joué Mickaël, on t'envoie ça à Lille. Tu vas pouvoir t'éclater comme un fou sur ton FIFA 17. Super Mika. Eh ben merci à toi. Bien joué. Au niveau de la branlette, tu fais partie des 95% des hommes qui se masturbent régulièrement, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Et toi t'es comme Romano, c'est plusieurs fois par jour, ça t'a. Non, quand même pas. T'as comme un aimant entre ta bite et ta main, tu vois. C'est vrai. La bite, c'est sud, ta main, c'est nord. Et ça s'attire, en fait. Le machin se colle dessus. Ouais, mais j'ai des montées, tu vois. Des montées d'excitation. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est en écoutant, par exemple, une bande-annonce de l'émission avec ma voix? La question. Oui, bien sûr. Je savais, Romano. Et t'es content que ça l'excite, par bien sûr que je suis content d'exciter tout le monde, moi. Bon. Tu es combien de fois par jour, toi, Mickaël, ou combien de fois par semaine? Je sais pas, par semaine, 3 fois. C'est genre ce soir, tu t'es branlé ou pas encore? Ah ouais, c'est pas grand-chose. Marie est déçue et Romano aussi. Ah non, mais à part si t'as une meuf, quoi. Il y a Romanus, là, 19 ans, qui dit, moi, je me branle 2 fois par jour. Moi, je me branle souvent sur une photo de Marie pour Goldfish. Oh, mais non. Mais oui, pour profitez-en avec la voix de Marie aussi, ça marche. Bah, n'hésitez pas, hein. Il y a Salut les Boys and Girls qui vient d'arriver. Bonjour les Boys and Girls. Ouh. Salut les Boys and Girls. Kikou les Boys and Girls. Je dirais même Kikou les Boys and Girls. Salut les filles. Ouais, il y a la compagnie, là. On devrait faire un duo, une émission spéciale un soir, Cédric et Mathieu Delormeau. Les deux en émission, ça serait pas mal. Ça démarrerait comme ça. Salut les filles. Kikou les Boys and Girls. Ah bah là on est bien parti. Non mais ça pourrait être sympa comme émission. Ouais, non mais c'est vrai. Cool les Boys and Girls. On aime bien amener de la nouveauté dans l'émission. On amène régulièrement c'est tout ça. Mais là ça serait une petite nouveauté pas mal. Allez, un FIFA 17, c'est nouveau. Il est sorti la semaine dernière. On vous le file depuis un mois sur Sky. Es-tu là, Mickaël? On va t'envoyer à Lille à la maison. C'est parti. Merci. De rien, Mickaël. Bonjour. Tu commences les cours demain à quelle heure? Demain 8h. Eh ben, sois à l'écoute du morning, tu vois, ça rapporte. Bon courage. Ah merde, putain, les boules. Ah ouais, mercredi, t'as cours. Bah ouais, moi j'avais cours mercredi. Ouais, moi aussi, mais bon, ça fait chier quand même. Bah oui, ça fait chier. J'avais même cours samedi à une époque. Ouais, moi aussi, moi. Ah bah tout le temps, moi. Tout le temps cours. De la 6ème à la terminale, j'ai eu cours le mercredi matin et samedi matin. Tu commences avec quoi, Mika? Comment? Tu commences avec quoi demain? C'est anglais. Anglais. Bon, bah très bien, on va vous donner un cours d'anglais maintenant parce qu'il y a Mac Miller qui arrive. Mac Miller arrive. Et donc, on va parler anglais, on va découvrir Mac Miller. Dans vous un instant. Vous inquiétez pas, on a une traductrice. Hein. Ah bon? Oui. Pourquoi une traductrice alors que je parle couramment English? Currently, American boy. C'est mieux, je crois. Non, mais c'est pour nous, on comprend pas. Ah, vous êtes bêtes. Oui, bêtes. D'accord, ok. Donc, on est bêtes comme des culs. Allez, un cours d'anglais pour te préparer pour demain, Michael. Bonne soirée à toi, reste avec nous. Merci à vous aussi. Salut à toi et. Salut, Michael. Et on a d'autres FIFA 17, on va essayer de vous enfiler un autre avant minuit, là. Ouais, ouais, avec peut-être un petit bug à traduire. Ah, un petit bug à traduire, Romano, peut-être celui-ci. Ça va, c'est facile. Un bug à traduire. Bon, on a qui au téléphone avec nous? Il y a Emeric qui nous appelle de Beaufort. On fait du fromage là-bas, c'est en Savoie, non? Ouais, ouais. T'es où, Emeric? Là, pour l'instant, je suis à l'internat. D'accord. Ah, bon, salut tous les internats qui nous écoutent tous les soirs. Salut les internats et je vous dirais même... Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls des internats. Kikou les internats. Salut les filles. Salut les filles. Ouais, mais là, il est qu'avec des mecs. Ah, Cédric, bah, envoyez un message. J'aimerais bien que également pour l'émission spéciale, il y ait Jérém Star en plus. D'accord, Cédric. Mais alors, vous faites l'émission tous les trois dans un bain. Jérém Star, Mathieu Delormeau et Cédric. On vous installe un jacuzzi, une baignoire. Vous non, mettez... une piscine pour Cédric. Ah ouais, c'est clair, vrai, ouais. Un bassin. Mettre les trois dedans, ça va être magnifique. Un bassin olympique. C'est où, Beaufort? Emeric. Beaufort, bah, c'est pas loin d'Angers. Pas loin d'Angers, putain, moi je pense que c'est en Savoie. C'est entre Angers et Saumur. D'accord. Bah, à mon avis, il y en a plusieurs. Ouais, c'est plusieurs Beaufort. Ouais, monsieur Beaufort, il y a un truc, le fromage en Savoie. Ouais, ouais, mais Beaufort, ça pourrait m'aller très bien. J'aurais dû naître dans cette ville parce que je suis beau et je suis fort. Je suis Beaufort. Merci, Emeric. Difoul, tu voudras qu'on contacte la mairie pour demander à. Oui, contacte ta mairie, oui. Ah, pour la médaille de la ville. Je veux une médaille de la ville. Tu sois la mascotte, je sais pas. Difoul, mascotte de. Je veux une statue sur un rond-point. Ouais. Année. Juste un nez sur mon point. Bon, alors t'appelles pourquoi, Emeric? Dis-nous. Bah, en fait, j'ai un problème. Oui, à quel niveau? Très bas. Très bas. Alors, c'est très bas. C'est plus haut que les pieds ou pas? Oui, plus haut que les pieds. Est-ce que c'est plus haut que les genoux? Oui. Oui. Est-ce que c'est plus bas que le nombril? Oui. Eh ben, c'est la bite. En dessous. Les couilles? Oui. Ouais. Ah, t'as un problème aux couilles? Enfin, les. Là, t'as qu'une couille? T'as qu'une couille? Oui. Ah oui, t'as qu'une couille? Oui, j'ai qu'une seule couille. Ah, il est monoboule. Ah, t'es monoboule. Et comment c'est, elle est où l'autre? Bah, en fait, l'autre était trop grosse à la naissance, ils ont dû me l'enlever. Bah, ils auraient dû faire pareil à Cédric. Tu sais que, je sais pas si t'étais à l'écoute hier, je suis allé voir Cédric ce week-end à l'hôpital. Il était en jupe, je sais pas pourquoi, il était là, il était en jupe à l'hôpital. Avec sa perfusion. Bon, ouais, ouais, ouais. Et là, il me reçoit, jambes écartées sur son lit. Enfin, tu sais, comme les Indiens, comment ça s'appelle, en tailleur? Les jambes croisées assis en tailleur. Et il y avait une espèce de couille. Et en tailleur, c'est mais ça. Un truc ignoble qui ressortait de son slip, parce qu'il avait un gros slip. Et là, je lui fais, Cédric, est-ce que tu pourrais ranger ta couille, s'il te plaît? Autrement, je m'en vais tout de suite. Oh là, excuse-moi. Attends. Et là, il a pris une brouette, et puis il a rangé sa couille. Voilà, tranquille. Une brouette, quoi. Donc, t'avais une couille plus grosse. Sur un chariot, hop. Qu'est-ce qu'elle avait, ta couille? Une tumeur, un truc? Elle avait quoi? Elle était trop grosse. Bah, je sais pas trop, mes parents, ils m'ont pas expliqué plus, mais. C'était à la naissance, hein? Oui, à la naissance. Mais genre, quand t'es sorti, t'avais une couille assez énorme? Oui. Ah, mais énorme. Ouais. Pourquoi tu ris, Romano? T'es méchant? Méchant, il se moque de ta couille énorme. Pourquoi tu ris? Tu penses à Cédric, c'est ça? Bah, au moins, elle sera plus grosse que lui. Non, mais c'est pas méchant, c'est juste que j'imagine la nourriture avec un gros. Non, mais même tes parents, tu sais, ta mère, elle a dû halluciner, quoi. Ah, elle est bien montée, mon fils. Non, mais si tu vois, bon, je sais pas quel. C'est genre, mais ils t'ont dit quelle taille ça faisait, genre une balle de tennis? Non, je pense pas que ça devait être si gros, mais. Imagine une balle de tennis sur un nouveau-né. C'est aussi gros que sa tête. Non, mais même une balle de golf. Tiens, t'imagines. Non, mais même, ouais, t'attends pas à voir ça, quoi. Non, mais non. Les médecins, ils ont dû halluciner, là, en sortant. Non, mais ça, à la limite, les médecins, je pense qu'ils ont plus l'habitude. Le pire, ça a dû être ta mère. Elle a dû dire, putain, qu'est-ce qu'il a, quoi. Ouais, mais de toute façon, mais t'as qu'une couille, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Bon, bah voilà. Mais Marie va te parler de son ami monoboule. Ouais. Ça va te rassurer. Il y a un acteur de cul aussi. Il y a aussi un acteur de cul, c'est vrai. Titoff. Titoff, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Titoff, acteur de cul, il est monoboule aussi. Non, mais moi, mon pote, en fait, son grand truc, dès qu'il était bourré, il nous sortait sa monoboule. Tu fais ça à tes amis, Emeric? Bah non, pas trop. Tu m'étonnes. Non, mais t'inquiète, les potes de Marie sont un peu spéciaux. Mais quoi? Ils sont en marge de nous, un peu. C'est pas normal. Mais non, mais le mec, non, mais Marie, excuse-moi, c'est quand même pas courant. Depuis, donc ça fonctionne. Oui, non, mais c'est pas la question. C'est pas courant d'avoir un pote qui a qu'une couille et en plus qu'il la montre à tout le monde. Ouais, ça c'est clair. Passer soirée, montrer sa buande. Mais vous avez jamais eu un pote qui fait toujours un truc bizarre? Si, bah moi, j'avais rencontré un mec. Bon, en même temps, lui, il avait des antécédents, ses parents étaient naturistes. Mais le mec ne pouvait pas s'empêcher à chaque soirée. Ah, mais non, mais il se foutait un poil, mais complètement. Non, mais j'avais un pote qui avait une grosse bite quand on était au bahut et qui l'a montré à tout le monde. Tu vois? Salut Bertrand. Bertrand d'ailleurs, je te salue Bertrand. Salut Bertrand. Une bite, une espèce de un tronc d'arbre le truc. Et moi le mec c'était pareil, genre je me souviens, je l'avais connu à l'île de Ré, le soir on était sur la plage, on picolait. L'île de Ré du cul. Oui, c'est ça, ouais. C'est très drôle. C'est drôle hein. Trop bol. Et je dirais MLMLFLO. Ouais, c'est ça, LMFAO. Ouais, c'est ça, LMLFAO là. Et à un moment donné, le mec quand il est arrivé à un certain degré d'alcool, le mec se foutait à poil. Mais complètement à poil, et après, genre, il rentrait au camping à poil. Magnifique. Et on lui disait, mais rhabille-toi. Le mec, il disait, non, je suis nu, j'y reste. Ah, tu vois, bon, bah, salut à lui aussi. Donc, et l'ami monocouille de la Marie, il est papa, je crois. Ouais, il est papa. Donc, tu vois, ça fonctionne. Hein. Mais tu t'as demandé à ton médecin si ça te posait des problèmes pour procréer, pour avoir des enfants, pour baiser, tout ça. Ah, non, mais. De toute façon, j'ai fermé plusieurs fois. Hein. Non, mais t'auras aucun problème. Regarde, le mec de Marie. Le copain de Marie, tu l'as sucé, lui, ou pas? Non. Le mec de Marie... Tu l'as sucé la boule. Il a réussi à faire un enfant et à lui lécher les couilles. Non, par contre, toi, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut que t'en prennes soin. Parce que... c'est clair. Ouais, si vu qu'il t'en reste plus qu'une, faut pas faire le con, quoi. Et tu voulais poser une question aux filles qui nous écoutent, toi, Aymeric, hein, c'est ça? Oui. Vas-y, demande. Est-ce que ça gênerait les filles si un mec avec une seule couille? Alors, est-ce que ça gêne les filles? Mais moi, j'avais un mec avec une question couille. Justement par rapport à ça. Vas-y, Romano. Est-ce que ça se voit? Vous répondez, allez-y. Est-ce que ça se voit que t'as qu'une couille? Bah, de l'extérieur, non. Mais après, sinon, ça se voit. Hein. Ouais, si elle a le nez dedans, si elle te suce par exemple, elle a que le nez dedans, elle va voir. Bah oui. Ouais. Tu sais que tu peux mettre des petites prothèses aussi. Hein. Ouais, revenir. Tu bouges pas, Aymeric. Les filles répondent à la question. Un mec avec une couille, ça vous dérange pas. Bon, vous nous faites signe. Et puis je salue tous les branleurs qui nous laissent des messages. Tant qu'il a une bonne queue. Il hein. y en a ouais. plein. Bah d'ailleurs, il y en a qui se branlent sur toi, Marie. Putain, le nombre de messages pour toi. Ah, mais arrêtez. Il y a la queue qui compte. OM Albany qui nous dit je me branle sur la voix de Marie. Oh, mais non. Juste au-dessus, je me branle sur des photos de Marie. J'adore me branler en écoutant la Marie. C'est fou ça. Je me branle pas, moi. Les faibles se branlent. Ouais. Les faibles, n'importe quoi. Drac, merci Drac pour ton message. Je te crois pas. Je me branle 4 fois par jour pour Hugo. Bon, toi, ça t'empêche pas de te branler, en tout cas, Aymeric. Oh non. Bon, soir, non, y a eh pas bah, de écoute, soucis. Continue, reste avec nous. On a le témoignage de Nicolas qui arrive avec nous. C'est peut-être un monocouille aussi. Comme ça, il s'en fera deux. Les monocouilles, c'est dans un instant. Et puis dans un instant, il y a Mac Miller qui vient avec nous. On va lui demander si vous voulez, tiens. Mac Miller qui arrive. Vous t'as qu'une direct. Couille, Mac. Il va être content. Non, j'en ai trois. One, two, three, vive l'Algérie. Yeah. Allez, on est de retour, on écoute Designer avec Panda tout de suite sur Skyrock et Mac Miller. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims. Et Soprano. C'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Tout sur Jul, c'est Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Eh oh. Tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Concert. Écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un journal de la Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. SNIPER, papy. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. Coupable à chaque fois, mis à l'écart, fiché, on est monté. Sniper, en concert avec Skyrock. 22 novembre, Zénith de Paris. Brûle. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur bmw.fr. D-Fool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et Mac Miller arrive et Designer est là sur Skyrock. Mac Miller, ce sera en live avec nous. Hein. Il est à Paris et il débarque dans l'émission là dans un instant. On est content de le recevoir, Mac Miller. Il est sympa, on l'a croisé avec Colin, il est marrant. Il n'est pas très grand, Mano, d'ailleurs. Hein. Non, je suis même plus grand. Oh. Mensonge, mensonge. You're a liar, man. Oh, il est au panda maintenant, c'est designer. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, waiting see look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, waiting see panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet you bandit, hope you killers understand it. I got broads in the land, twisted to lean the van. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the pull of your family, hope you killers understand me. Hey! Panda, panda, panda. Pound, pound, pound, pound, pound, pound. I get broads in Atlanta, twisted up leaning shoe, sipping fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside the shoe, let designer, over to lattice shoe. They be acting red time, over clappy shoe. I be pulling us up in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Legacies, fountain, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the fountain. No niggas, they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you're pounding, pull up, I'ma flip it. I got people, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull up in the inner baby. CTDD pull up in the killer baby. Call a filler, fill up on filler baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the body, he trending. Chop the dawn, doing business in the rape, doing the pool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are fitting. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in the land, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is he panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then they can pull up your band. On adore ce son sur Sky, hein. Putain, ça nous ambiançait tout l'été. Ça continue de nous ambiancer. C'était Panda Designer sur Skyrock. Romano. J'ai le gland tout irrité. Difool. Écoutez Skyrock, ça me détend le soir. Cédric. Ah, c'était trop, j'ai tout seul ma gueule. Marie. Bon, j'ai vu la nana qui s'est brûlé l'anus là en faisant un P. Samy. Combien Marie, la photo T1 Et Karim. Karim est là aussi, t'es prêt, ouais, Karim? Difool Radio Libre. Sur Skyrock. Et on a Mac Miller qui arrive dans quelques secondes, ouais, là sur Skyrock. Il arrive avec nous, nous fera son live, le live de Deng, le morceau que vous avez découvert sur Sky, le morceau de Mac Miller qui cartonne aux States, hein, d'ailleurs. Hein. Cartonne dans le 8US, vous pouvez le retrouver tous les dimanches avec Stéphane, le 8US, 20h-21h. Congratulations Mac. Ouais, bravo Mac Miller qui arrive dans un instant. Ah, on est avec un des auditeurs de Skyrock qui ne peut pas dire je m'en bats les couilles. C'est ça. Emmerich, je m'en bats la couille. Emmerich, t'es obligé de dire je m'en bats la couille. Oui. Puisque mais t'en j'ai dit quand même les pour pas. J'ai volé la blague à Dark Walls qui nous a envoyé un très beau message sur l'appli Skyrock. Envoyez des messages, hein, sur l'appli Skyrock. Bien joué, ouais. Si ouais, vous voulez parler à Mac Miller, d'ailleurs, il y en a qu'on a avec nous. On aura Julien avec nous dans un instant. On aura Flo également qui veut parler à Mac Miller. Et tout à l'heure, on parlera de. Ouais, et puis il y a vos questions. Séduction Bahut. Puis il y a aussi vos questions que vous avez envoyées sur les réseaux. Hein. Alors c'est on les a. Non mais là c'est sur Facebook. Allez, ouais. Vous commentez les posts et on récupère les questions au fur et à mesure. Donc allez-y vite, Mac Miller arrive dans quelques secondes. Juste avant je voulais te présenter pour te rassurer parce que ah puis les filles aussi, ce que vous pensez d'un mec qui n'a qu'une couille. A priori ça vous dérange pas, hein? Non. Ouais, le plus non. Important c'est la taille de la bite. Oh merci Tressia qui nous laisse un message. Bah c'est le seul truc qui te donne du plaisir. Bah merci, ça dépend pour qui. C'est vrai que tu rentres pas les couilles dans la copine. Bah non, on s'en fout. Est-ce que t'as déjà refusé de te montrer tout nu devant des potes ou de te montrer tout nu devant une meuf parce que t'avais qu'une couille? Pour l'instant, j'ai pas de meuf, donc je peux pas faire. Et avec des potes, t'as déjà montré tes couilles à un pote ou pas? Bah oui. Et ah alors, ouais. Ça t'a pas dérangé, ça t'a pas. Mais ils ont vu que t'en avais qu'une. Ah mais ils disaient que ça se voyait pas de l'extérieur. Oui, mais... Ah ouais, ça se voit quand même alors. Bah pas de l'extérieur quand j'ai mes vêtements, mais quand je suis tout nu, ça se voit. Ah oui. Ouais, donc mais c'est quoi en gros? Ça fait genre la peau, elle est, c'est tout mou quoi. Bah au lieu d'avoir deux bosses, il y en a qu'une. T'en as qu'une. Bon. Bon, en même temps, faut bien regarder quoi. Et au moins t'en as une. Une couille suffit pour vivre une sexualité épanouie et pour avoir des enfants. Bah, c'est juste le truc, faire attention à ta couille. Message de Tim le plus bodyful. Merci pour ton message. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Ouais, c'est vrai, faut faire attention tu à ta couille. Tu n'as plus de crédit couille. Les gars, d'ailleurs, si vous jouez au foot avec lui, faites gaffe, hein. Tirez pas la couille à la place du ballon, il y en a qu'une. Ah, mais moi, je serais comme toi, mais tu sais, tous les trucs un peu. Tu mets une coque. Entre guillemets, un peu. Ouais, soit je mets une coque, soit je le fais pas, hein. Alors, on a Nicolas, il a trop peur de. Ah non, bah attends, il t'en reste qu'une, ça fait chier quand même, quoi. Nicolas, 23 ans, il est où? Dans 59. Salut, Nico. Salut les toutes l'équipe, ça va? Eh bien, coucou. Bienvenue à toi. À vous deux, on fait des couilles normales, puisque toi aussi t'as qu'une couille. Oui, voilà, c'est ça. Et toi, c'est à cause de quoi que t'as qu'une couille, Nico? Bah, en fait, c'est à ma naissance. C'est, c'est ma deuxième, elle est restée dans mon rein, en fait. Et quand j'étais plusieurs fois hospitalisé. Elle est restée où? Ah, elle est pas descendue, ouais, tu veux dire? Ça, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est restée dans mon rein. D'accord, Aymeric, lui, il en avait une trop grosse, il lui l'a enlevé. Toi, t'en as une qui est restée en haut. Elle n'est pas descendue. Ouais, il est resté coincé, en fait. Et mais ils ont pas essayé de. Parce que normalement, ça, le fait qu'elle reste en haut, ça arrive couramment. Tu sais, des fois, il y a une petite intervention chirurgicale et elle redescend, quoi. C'est pour ça qu'ils ont pas réussi à te sauver ta couille. Non, c'est ça, en fait. Ils m'ont dit, tant que ça me dérange pas, on va laisser comme ça, parce que je me suis fait opérer 2-3 fois, en fait. Ouais, si ça marche comme ça, plutôt que de subir des opérations sur opérations. Après, mais tu l'as encore en toi, ta deuxième couille. Non, elle est morte. Oui, c'est ça, Romano. Elle est morte. Ah, t'as une couille à l'intérieur. Mais elle fonctionne pas. Non, j'en ai qu'une qui fonctionne. Bah, écoute, c'est l'essentiel d'en avoir une qui fonctionne. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Voilà. En même temps, tu peux faire une blague à ta meuf. Elle me dit, bah, t'en as qu'une. Ah, la deuxième est là, regarde. Bien. Attends, je vais aller voir. Elle est par là. Vas-y, mets-moi la main dans le cul. Tu vas voir, tu vas la sentir. Au bout de 20 cm, tu la sens. Et par rapport aux meufs, parce que c'est la question que se posait. Je peux comprendre que tu te poses cette question, Aymeric. Ouais, c'est sûr. Par rapport aux meufs, je te dirais ce qu'elles en ont dit, les filles, depuis tout à l'heure. Par rapport aux meufs, ça t'a posé des problèmes, Nico, ou pas du tout? Oh non, du tout. Bon, bah tu au vois. Ils étaient pas. Ça leur dérangeait pas, quoi. Mais s'il y en a même qu'on m'aime pas remarqué. Bah si, mais à un moment net, on est obligé de leur dire, quoi. Ouais. Donc, mais ils me font bien rire, les monocouilles. Nous disent c'est beau, ce qui rigole tout seul dans son lit parce que vous avez qu'une couille. Bon. C'est bien. En tout cas, les filles, ça les dérange pas. Non, mais il y a plus grave, hein. En tout cas, sur les messages qu'on a eus tout à l'heure. Si, il y a Elsa. Tiens, il y a Elsa qui va. C'est Elsa aussi qui vient faire la traduction, c'est la même. Je ne sais pas, on va voir. Elsa qui dit c'est pas ça le plus important, mais ça doit faire quand même bizarre. Préviens-les avant. Tu vois, elle dit quand même de prévenir les copines avant. Tiens, il y a Blondin, lui, son cousin, il est monocouille et il a mis une prothèse. Ah ouais, on peut et faire ça. Et il dit ça se voit pas du tout, hein. Bon, là, oui, c'est vrai, ils te remettent. Une espèce de bille, quoi. Ouais, merci Blondin. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? Les boules, d'avoir qu'une boule. Donc vous inquiétez pas, et t'inquiète pas, Aymeric, hein, les filles, ça les dérange pas. Et puis Nico, il te montre que ça marche très bien. Donc pas de soucis là-dessus. Et ben on vous remercie, nos monocouilles. Je fais une petite dédicace. Ah, les petites dédicaces, c'est Mac Miller vient d'arriver, il est derrière moi. Hi, Mac! Hello. Bonjour. Bonjour. Ah, you speak very well French. Bienvenue. Not good. No. Like me in English. No, your English is way better than my French. Il dit que ton anglais est meilleur que son français. Thank you very much. I know. I speak very well English. C'est pour ça qu'il y a Elsa d'ailleurs. Ouais. Oui, non, mais j'ai l'impression qu'il y a eu du progrès. That's why Elsa is here. She's supposed to be the translator and supposed she's speaking to. Right, in French too, you guys. Ouais, c'est vrai. Je suis censé traduire quand même. Il est venu nous voir, mais en mode vacances. You're like me in holiday. Vacation outfit. Yeah, man. I'm on vacation. Bah, il est en vacances, en fait. Short flip-flop. Il est arrivé avec short. D'ailleurs, c'était ma question, parce qu'il est en tongs et en chaussettes blanches. Je voulais savoir si c'était la mode aux États-Unis. Is it fashionable in the US to wear socks with sliders? I don't know. C'est ton look à toi. Parce que c'est la Fashion it's Week à Paris. Oh yeah, because it's Fashion Week in Paris. Ah bah, il est dedans, là. I'm debuting my look. Voilà, you know en fait, c'est une première, là, pour son look. C'est un nouveau look. Merci de réserver à Skyrock ce soir. Mac Miller en direct avec nous. Petite dédicace, vas-y, c'est qui voulait faire une dédicace? C'est Nicolas. Les deux, allez, Nicolas, vas-y. Je fais une dédicace à tous les supporters de Monaco, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, c'est bien Monaco, vous démarrez bien cette année. Dédicace aux supporters de Monaco. Je suis passé à l'antenne avec, l'année passée, quand vous êtes passé avec Yannick Ferreira Carrasco. Ah, bah le Monégasque, il joue maintenant, Atlético Madrid. Atlético, ouais. On l'avait eu dans l'émission. Voilà. Eh bien, on le salue également. Aymeric, tu dédicaces? Petite dédicace à tous les potes de l'internat. Ouais. Ah bah ouais. Beaucoup. Salut l'internat. Salut Beaufort. Non, c'est l'internat d'Angers. Ah, salut Angers. Salut Angers. À Beaufort aussi, bonjour. Eh ben merci à toi et puis tiens au courant pour la suite. Aymeric, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Bisous. D'accord. Ciao. Salut à tous les deux. Salut. Mac Miller est avec nous et ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Welcome on Skyrock, Mac. Thank you for having me. Listen to this beautiful sound. It's beautiful, no? Yeah. Yes, mate. I want to know the man who sing this song. Anderson and myself. Ah, c'est toi-même. Il fait tout. Ah, the dreams comes true. Mac Miller est avec nous maintenant sur Skyrock. J'ai fait des programmes mais j'en reviens pas là. Ah, mais grave. C'est bilingue en fait. Là, c'est incroyable. C'est incroyable là. Bon, ben, bienvenue à toi. T'es né en 1992 pour se présenter un petit peu. Tu viens de Pennsylvanie. You're born in Pittsburgh. 1992. Pittsburgh, Pennsylvania. Like me, 1992. Yeah. Yeah. Yeah, right. I think I'm a little bit older. Quel mytho. Il croit qu'il est un peu plus vieux, lui. Oui, mais non, pas du tout. Nope. Bon, et là, tu viens en France. T'es déjà venu en France, puis t'es déjà venu dans Planète Rap. Yeah, you've been to France and you've come to Skyrock already. Yes. Planète Rap, exactly, another show. Be careful, fais attention. What? Because the France is very dangerous. What? Yeah, I'm enjoying myself. Lui, il kiffe, ça va? Moi aussi. Yeah, him too, but... Yeah, I mean, my hotel room has two showers. Yeah, deux douches dans sa chambre. Mais pourquoi? Parce que tu es sale. Yeah. Why? Because you're dirty? No, I don't know. I think it's for options. Moi aussi, voilà. Okay. Au moins, il y a des options, quoi. On sait recevoir en France, hein. Yeah. We know how to welcome people in France. C'est pratique. Right? Yeah, it's very nice. Non, mais fais attention, parce que t'as entendu parler, parce que tout le monde en parle de l'histoire de Kim Kardashian. Kim Kardashian. Yeah, you've heard what happened to Kim Kardashian. Yeah, that's crazy. That's crazy. Kim Kardashian qui s'est fait cambrioler hier. On a des nouvelles? 9 millions. Non. Est-ce que tout le monde aux États-Unis en a parlé? Is everybody in the US talking about it? Because here it's crazy. Yeah. I mean, that's scary, man. Ça fait peur, ouais, c'est flippant. Ce qui est marrant, c'est que quand on parle de la France, c'est toujours pour des trucs comme ça. Yeah, the bad thing is when we talk about France, it's only for stuff like that. I don't think that's true. Non, il dit que c'est pas vrai. Merci, thank you very much. Thank you. No. No, man, I love it here. Ah, lui, merci. Il adore la France, hein. Bon, je te présente l'équipe. Romano. Nice to meet you. Marie, je fais le tour de l'équipe. Yeah. Ouais. Marie. Et là, il a un grand sourire. Ouais. Bah, on se fait un bisou, normal. Ouais. Beaucoup plus qu'avec moi, bizarre. Ouais, c'est clair, ouais. Yeah, he said, you smiled at her, but not Romano. That's weird. Non, mais c'est normal en même temps. Je me demande pourquoi. Justifié. Ouais, c'est étonnant. Sammy from Marseille. Hello, hi, Mike. In the south of France. Nice to meet you. It's like the Texas in the US. Yes. No, I like the south of France. Yeah. It's kind of LA, you know, Los Angeles. Yeah. Marseille is the same. I mean, it's its own thing. You know, I've had some good times. You know, Saint-Tropez. It's close from my home, Tom. C'est ça. Really? Yeah. Et Karim est avec nous aussi. Je sais pas où il est, Karim. Derrière toi. Il est là. And the little boy. C'est Romain. Tu vas lui taper sur la tête, mais. Is Romain. Voilà, ce team et Elsa qui vient traduire avec nous, qui vient traduire avec nous ce soir. Bon, et ton morceau, c'est un carton. On a plein d'auditeurs qui veulent te parler en plus. The song is a huge hit, and we have lots of listeners who want to talk to you. Hey. Je l'ai entendu en Italie, au States, ça cartonne puisqu'on a le 8 US tous les dimanches soirs et j'écoute le classement. Yeah, it's doing great in the US as well, in Italy. All yeah, over. That it's amazing. It's like to see a song grow just from the point of where I made it and ouais, people, de voir l'évolution à partir du moment où il a fait la chanson et après de voir l'évolution, il dit que c'est fou quoi. Like people enjoy listening to it, it's a blessing. Et que les gens aiment l'écouter, pour lui c'est une vraie bénédiction. Eh ben nous on aime bien. La première radio qu'il a passée en Europe, c'était Skyrock. D'ailleurs. The first radio to play it in Europe was Skyrock. Yes. Thank you very much. Yeah. On se check avec Mac Miller. Bon, il y a des auditeurs qui veulent te parler. Tu pourras nous faire ton morceau en live parce qu'on a vraiment insisté pour que tu le fasses en live. Can you? They really insisted. Do you think you'll be able to do the song live for them? Yeah, I could do the song live. You guys played it first. I can do it. Ah oui, vous étiez les premiers à jouer. Only here, though. Only here. Ici. Exclusive. C'est une exclusion. Alors les messages, vous nous les laissez sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Tous ces messages, ils sont pour toi. Tiens, il y a The Giant. Je pose une question d'un auditeur. Listener question. Yes. The Giant, il s'appelle. Dis à Mac Miller qu'il était monstrueux en première partie de Lil Wayne il y a quelques années. He says, tell him he was amazing as an opening act for Lil Wayne for a few years wow. ago. Wow. Tu as fait la première partie de Lil Wayne, je savais so pas. So you opened for Lil Wayne. Yeah, that was an amazing experience. Ouais, I mean, Wayne is like one of the greatest ever. So, like, to be put on a stage of that capacity and get to speak to that many people at once is... It was incredible. Ouais, c'était assez incroyable de faire la première partie de Lil Wayne et en plus d'être sur une scène avec autant de gens qui ensuite attendaient de voir Lil Wayne, c'était juste dingue. Comment il va Lil Wayne? How's he doing? Is he good? I think he's great. Il croit qu'il va bien. On a eu peur, on a appris qu'il arrêtait sa carrière. Après, ouais. on a entendu yeah, des rumeurs. Lots of rumors that he's ending his career. I hope not. Bah, il espère que non, en tout cas. Non plus. But yeah, it's his choice. Ouais, you c'est know? Son choix après. Hein, voilà. But he's responsible for so much inspiration for me. Like as a young person growing up, I used to sit by the computer waiting for the next Lil Wayne song. So. Il l'a énormément inspiré et quand il était ado, Mac, il attendait l'ordinateur comme ça que les nouvelles chansons de Lil Wayne sortent, quoi. Ah ouais, il a dû être comme un fou pour lui. Bon, j'espère qu'il garde la pêche. C'est qui t'a inspiré parmi les Who inspired rappeurs? You besides Lil Wayne? What other rappers? You know what? I think it's like all music. You know, I can never put this answer into like a handful of people because ouais, il pourrait jamais te donner juste une poignée de main au niveau des noms des gens. C'est, I y a think beaucoup, I'm beaucoup also inspired by artists I don't even know who they are. Just ouais. like et just, même des artistes, il sait pas qui c'est qui les inspire. Just get inspired by like sounds and things you hear. Ouais, par des sons, des trucs que t'entends comme ça, quoi. Et quand t'es sur scène, tu joues quelques instruments parce que j'ai vu que tu jouais plein d'instruments différents. Do you play some instruments when you're performing on stage? Sometimes. Et genre quoi? Like bien envie de jouer du pipeau avec toi. What? I've been known to, you know, break out a little piano, a little guitar. Il est connu pour un peu de piano, la guitare, de temps en temps. You know, depends. Ça dépend. Tu sais que Marie adore les instruments avant. Non, mais qui est quoi? Elle adore le pipeau. Like flute. I play the flute. Voilà, un truc genre la flûte, quoi. Parce que Marie est très habile de la bouche. Yes, she's very good with her mouth. Yeah, well, you know, that's awesome. Voilà, bah c'est bien, il dit, c'est cool, c'est fin. Ouais, subtil. Toujours. Il y a Samy qui avait une question pour toi et puis après on prendra Julien qui est en direct avec nous. T'es là Julien d'ailleurs, on va lui dire bonjour. Juju. Salut. C'est toi le fan de... Enfin le fan, le gros fan de Mac Miller qu'on a eu au téléphone. Ouais, grave. Ouais, c'est bien moi. So Julien is a huge fan of yours. Huge fan. Hey Julien. Julien, 25 ans. Julien. In North of France. Mac. Et Mac. Ah, One Big Mac, Mac. Ah, ah. Et il y a Flo aussi qui voudra te parler. Flo à Amiens. Ouais, salut l'équipe. Salut Flo. Salut. Toi, t'as 18 ans et t'es aussi à fond sur Mac Miller. Ah ouais, je suis à fond sur Mac Miller. Bah, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez fait découvrir sur Skyrock. Avec ouais, nous aussi, on l'a découvert ici. He's also a big fan of yours and he heard you first here on Skyrock. Écoutez, écoutez bien Mac Miller. Si vous le connaissez pas encore, on va le découvrir. Il est sympa ce Mac Miller. Ouais, cool. He says he's nice. Mac Miller's nice. Yes. I'm alright. All right, me too. We are all right. Yeah, yeah. Hey, bro. Hey, good bro. Hey, Samy, t'as une question pour Mac Miller? Ouais, moi j'ai vu qu'ils étaient potes depuis le high school avec Wiz Khalifa. He saw you were high school friends with Wiz Khalifa. Yeah, we're from the same place. We're both from Pittsburgh. Ils viennent tous les deux de Pittsburgh. Et vous connaissiez. So you knew each other growing up? When I was like 17. À 17 ans. I was a huge Wiz Khalifa fan as a kid. You know, like he was the person from my city that made it and he opened ouais, it. C'était un peu celui de Savine Latal qui a réussi dans, enfin, tu vois, qui a eu du succès. Donc, il était un gros fan de lui quand il était plus jeune. Mais c'est que lui, il est venu, je sais pas, 3, 4, 5, 6 fois. Ouais, il est venu un paquet de fois. Ouais, il est venu 4 fois dans l'émission. He came at least 4 times in the show. He's good. Like that. He's very tall. Au moins. Like that. Hey, he's tall. Ouais, il est grand. I am not. Non. Mais pas lui. Et du coup, j'aimerais savoir si bon là ils ont déjà taffé ensemble voilà au début, mais est-ce que là ils ont prévu de faire d'autres trucs ensemble, tu vois. You guys have already worked together, but he wants to know if there's anything in the future planned again. I'm sure we will again. I mean, I think right now, you know, we're just kind of on our own journeys and rooting for each other, but I'm sure we'll work. Ouais, il est again. Sûr qu'il y aura d'autres okay. opportunités. Là pour l'instant, ils font à chacun leur truc. Mais ils se soutiennent mutuellement, mais voilà, il y aura sûrement d'autres opportunités. Oui. Et il était venu avec Snoop d'ailleurs dans l'émission là. Yeah, he came here with Snoop. Yes, Snoop is the greatest human being ever. C'est l'être humain le plus génial, Snoop. Voilà. C'est qu'il est généreux. Chaque fois qu'il vient à l'émission, il vient avec un pochon de bœuf comme ça. And he's very generous because he always leaves a lot of marijuana for us when he comes. He's like, they don't make him like Snoop anymore. Ouais, il n'existe pas les gens comme Snoop aujourd'hui. Snoop et Wiz Khalifa. Mais t'imagines les deux dans le studio? Can you imagine both in the studio? There's probably a lot of clouds. Ouais, beaucoup de nuages. Non? Ouais, c'est ça. Il y avait ça. L'alarme incendie. Yeah, the fire alarm went off. Really? Hell yeah. Et puis toute l'équipe complètement défoncée. Hein. Yeah, and of course we were all very stoned and high. Good. Stoned and high. Stoned and high. Ouais, stoned and high. Dis-lui Romano, qu'est-ce que t'as fait avec Wiz Khalifa? Bah tu peux lui dire. Toi tu t'aimerais bien faire un jour peut-être un truc avec Wiz Khalifa. Romano, this man. Romano did something with Wiz Khalifa. Je pense qu'on fait la même taille. No. What did you do? He says you guys are probably the same size. Yeah, no, I'm like 6'5". Ah ouais, mais nous ça fait combien? 1m75 Un peu plus. Ah, ah ouais, non. Donc laisse tomber. Romano, il fait 5'1 Ouais, 5'1 Non, ouais, pas 5'1 Formane aussi, tu vois. Explique-lui, donc, tu as chanté. Non, mais j'ai rappé avec Wiz Khalifa. Well, basically, he rapped with Wiz Khalifa. Whoa. You want to hear it? You want to hear it? Yeah, of course. It's fantastic. Bien sûr qu'il veut écouter. Yeah, tiens, like... Wiz Khalifa, Romano, donc Romano, Gizman. Yeah. Warning, watch out. Attention, alarme, alerte. Ça m'avait grave bien fait, celle-là. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. Yeah. We're just having fun. Bien fait, hein. We don't care what we see. So what, we go home. La prochaine fois que tu viens à Skyrock, il te fera un duo. Yeah, next time you can do a duet with Romano. Ah, il est content. Il est content. Thank you, public. Listen to that. Got a call from my jeweler dish. Oh, just I thought that was him. I thought that was you. It is. I was like, then you said, you really sound like the record. Comme sur le disque. Ouais, bah, j'arrive à l'imiter, ouais. Ça, c'est bien. Yeah, he imitates him pretty well. Bon, on va prendre Julien, là. Il y a des questions à te poser. Moi aussi, j'ai des questions à te poser. On va parler de Donald Trump. Ça a été vite visionnaire, Mac Miller. Talk about Donald Trump. You've been a visionary regarding him. Yeah, man, sorry. What? Sorry. I understand. Je sais qu'on a les mêmes, nous, en France. On a des Donald Trump en yeah, France. Yeah, we have aussi, similar hein. people in France. Ouais. We have our own Donald Trump. Are you sure? Chez nous, vraiment, vous like êtes sûr? Chez nous, c'est une famille. Yeah, here it's a family, an entire est-ce family. Est-ce qu'il veut dire un gros fuck général? He says, do you want to say a general fuck you to all these people? Yeah, man, fuck you. Fuck you. I don't know what I just did. But... Je sais pas ce qu'il vient de dire, mais voilà. Il non, dit. Mais il peut le dire pour Donald Trump aussi. Pour Donald Trump. No, it's also for Donald Allez, Trump. Tous ensemble, pour Donald Trump. Fuck you. Yeah, fuck you. Fuck you. Julien, qu'est-ce que tu voulais demander à Mac Miller? Je voudrais lui demander ce qu'il pense des femmes dans le milieu du rap et s'il compte faire des feats avec des rappeuses. Ah. Julien wants to know what you think of women in rap music and if there's any women you intend to do featurings with. I love women. and like I'm saying, I like the female voice is a very different like texture and it's great to contrast the two. Au niveau du rap, la voix d'une fille c'est assez différent et c'est bien au niveau du contraste. I really want to work with Missy Elliott. That's like Missy Elliott. Ce serait le summum pour lui, ce serait travailler avec Missy Elliott. That's really up there and Fiona Apple. Et Fiona Apple aussi. Ok, Missy Elliott, Fiona Apple pour toi, Julien. Petite question de Flo, si Flo profite-en, t'es avec nous, t'es avec Mac Miller sur Sky. Ouais, merci. En fait, j'aimerais bien lui demander, je sais qu'il a fait une musique Best Day Ever, et j'ai vu le clip, et au début de la musique, on voit un gamin sur le clip, et je ne sais pas si c'est lui vraiment ou pas. At the beginning of the song Best Day Ever, in the video, on remettra la vidéo sur les réseaux sociaux. He wants to know if it's you. That is me. Et oui, c'est lui. That's me. That's me when I was about 6 years old. Il avait 6 ans, c'est lui, ouais. Il était tout petit. Déjà rappé. And you already used to rap then. Il commençait déjà, ouais, à 6 ans. You were already rapping when you were 6? Yeah, man, I was trying to make it. C'est dans tes veines. Hein, écoute, hein. No tattoos. In your blood. It was in your blood. I was trying to... I made a leap of faith there and just got denied. It didn't work out. J'ai le morceau de Donald Trump. Donc c'était bien lui, Flo. Faites poser la question. On va vous mettre la vidéo d'ailleurs pour que vous puissiez le voir. Faut chercher ça. Écoute bien, ça c'est Donald Trump. Wow. On te rappelle des souvenirs, ça? Yeah, man. C'était en quelle année? What year was this? 2011. 2011. On l'avait passé sur Skyrock, ce morceau. C'est avec ce morceau qu'on t'a découvert sur Skyrock. This is the song they played here on Skyrock where they discovered you. Eh oui. Mac Miller et Donald Trump. Eh ben merci. Alors, hein. Comment ça t'est venu? Qu'est-ce que tu dis dans cette chanson, en fait? Yeah, what are you saying in the song? Who the fuck knows? I think I just wanted to be rich. Mm? Il voulait faire de l'argent, en fait. It was like it was like when money was a big focus of what I wanted out of life, and it seemed like Donald Trump was a symbol of that. Ouais, en fait, à l'époque, c'était hyper important pour lui de faire beaucoup d'argent, et Donald Trump, c'était un peu le symbole de ça. Et du coup, est-ce qu'il en a fait beaucoup d'argent? So, did you make a lot of money? Yeah, I did okay. It's good. Paris gagné. Because Romano is obsessed by the money. Yeah. Yeah, I love the money. He's ill. But malade. Non, bah, malade. It's, you know... Money being the guiding force of life is dangerous, man. Ouais, c'est dangereux, hein, attention, hein, d'aimer l'argent autant. Attention, Romano, je t'ai déjà dit. Ah, ouais, mais ça va, ça va très bien. Est-ce que tu crois que s'il continue à être obsédé par l'argent, Romano, il va finir comme Donald Trump avec une perruque blonde? Do you think he's gonna end up like Donald Trump with a blonde wig if he's obsessed with money like that? Hopefully not. J'espère que non, en tout cas. Avec ta vie, ouais, moi non plus, ouais. Mais I think a good tattoo right here. Mais un joli petit tatouage sur le crâne, il te verrait bien. Ah, t'as vu, il a vu. Tu vois, je... Oui, bah ça se voit, Marie, je suis chauve. Ah ouais, quelle connasse, celle-là, mais c'est yes, pas croyable. Il dit, yes, you can tell I'm bald, ok. C'est normal, oui, mais il a vu, je suis chauve, oui. Il a dit mal. I am bald, yeah, yes. Yeah, it's very hard for him to not have hair. You have hair, you? I got a lot. A lot of hair. Il en a plein. Lui. Non, parce que des fois, tu sais, des fois, il met des casquettes pour cacher. Pour camoufler, bah oui, bah non. Julien va te faire une photo avec Mac Miller, puisque tu le kiffes. On aura une photo spécialement pour toi qui va faire dans le studio avec nous. Et Flo, on te fait la même chose, photo pour toi et Mac Miller. Merci, Foul. Ouais. Je peux faire une petite dédicace. Allez, vas-y, fais péter, Juju. Je fais une petite dédicace à Zinzin, au Canadien, à Rafou, ouais. Val, Elise, Mathias le Canard. Et Mathias le Canard. À mon frère, hashtag divine féminine. Eh bien, hashtag divine féminine. Alors, bisous à toi. Merci, Julien. Bisous. Merci à vous, l'équipe. Merci, Flo. On vous embrasse tous les deux. Bye-bye, boys. Bisous. Mac Miller avec nous dans l'émission. Ah, le live. Ouais, on va sur le live. Let's do the live. You ready? Oh yeah, let's do it. Two minutes of commercial because money. Hein. Ben, yeah, of course. Yeah, money. C'est pour mon salaire. It's to pay Romano. Yeah, you gotta pay Romano. It's normal. Pay Romano. Ouais, Romano. Et Mac Miller. Mac Miller, Romano, on arrive dans un instant. Et puis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, allez-y. Hein, 41-759, skyrock.fm, il n'y a pas de questions. Vous nous avez laissé, on revient tout de suite. Yeah. Pendant l'Euro, ils nous ont fait kiffer. Oh, ils nous ont fait pleurer aussi. Et c'est fini. C'est fini. Portugal, champion d'Europe. Ils sont de retour. Vendredi soir au Stade de France. Match qualificatif pour la Coupe du Monde. France-Bulgarie. Bulgarie. Gagne tes places demain matin à 8h05 dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. The Morning Show. Par le réalisateur de Evil Dead, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Qui est là? Ils sont venus braquer un aveugle, mais le piège s'est refermé sur eux. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Le meilleur film d'horreur des 20 dernières années. Le 5 octobre au cinéma, avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Et c'est reparti sur Skyrock, on est avec Mac Miller. C'était pas long la pub. Eh ben tant mieux parce que Mac Miller est là avec nous. Diffoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Il est à Paris, il passe par Skyrock. Le rappeur Mac Miller que vous écoutez sur Sky avec ce gros son, le son qui s'appelle Bang. Un ouais. Extrait de Bang. De Deng, Deng. Pas Deng, Deng. Close. Deng. Ouais, pas loin. Bang is my in my brand. Yes. Et Deng is your song. Deng is a banger. Yeah, a banger. Yeah. I can't keep on losing you. Qu'est-ce que t'as prévu pour la suite pour nous? Donc il y a ce morceau là qui tourne beaucoup sur Skyrock. C'est quoi? What's coming after this song, Mac? Oh, I don't know. Ah bah il sait pas. C'est ça la vie. That's you, life. You like me. The man to go. Tu veux qu'on y aille? Ah, il veut chanter là? Tu vas chanter, on va chanter. Ah, oui, on va y aller, ouais. On va le faire. Non, mais il croyait qu'il devait partir maintenant là. Non, mais partir maintenant sur tranquille, le son. Oui, rappeler. Sur la chanson. Wait a minute. No, I'm patient. I'm just ready to, you know. Ouais, vas-y. Il est pas dégainé là. I just wanted to know if I should get into my zone, you know. Il est bouillant là. Are you ready? I'm always ready, man. Moi aussi, me too. If you are ready, I am ready. Yeah. We are all ready. Okay. Are we ready? Are we ready? Yeah. Are we ready? Mac Miller qu'on retrouve tout de suite. Je mets le PBO. PBO, let's go. Écoutez bien, c'est en exclu, c'est sur Skyrock. Il est avec nous ce soir. Exclu total. Mac Miller. C'est parti en live. I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Hold up. Wait, we was just hanging. Said I can't seem to hold on to. Dang. The people that know me best. You know the key that I won't forget. I think it's too soon. Woo. I can't keep on losing you. I can't keep on losing you. Okay, well, how many mistakes do it take till you leave? And I'm left with my hand and my face all red in the face looking at you like, I know I ain't insane if it ain't too late. Well, we run away so fast. No, my heart like gold, but it break like glass. No, my shit get old and I act so young. Baby, you so cold, never had no son. You don't wanna grow up, hear the shit no fun. When I get home, I'ma give you some. It can feel like whoop when I hit that drum. Yeah, the dick ain't free, I don't get no fucks. Yeah, it's complicated, got you frustrated. Get home late and you don't trust me, baby. Way too drunk, you don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. It's complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you're saying. But we both know that's some bullshit. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got the devil, who is who? I'm trying to get through to you. Because I can't keep on losing you. Over complications. Said you're gone too soon. Said, hold up. Wait. Okay, we was just hanging. Yeah, okay, I can't seem to hold on to. Dang. You know the people that know me best. You know the key that I won't forget. I think it's too soon. Woo. I can't keep on. Okay, I can't keep losing you. Said I can't keep losing you. Said, hold up. Can't keep losing you. Said I can't keep losing you. Can't keep on losing. Said I can't keep losing you. Said I can't keep losing you. Hey, yeah. Wait. Can't keep losing you. I said I can't keep losing you. I can't keep on losing you over complications. Hey. Gone too soon. Wait. Wait. We was just hanging. Said I can't seem to hold on to. Dang. You know the people that know me best. You know the key that I won't forget. I think it's too soon. Woo! I can't keep on losing. Said I can't keep losing you. Said I can't keep losing you. Yeah, yeah. Can't keep losing you. Said I can't keep losing you. Yeah, yeah, yeah. Can't keep losing you. Said I can't keep losing you. Yeah, yeah. Can't keep. Said I can't keep. Said I can't keep. Said I can't. Said I can't keep on. Can't keep losing you. I can't keep losing you. Yeah, yeah. Yeah, man. Oh yeah, man. That's me. That's you. Ça donne envie d'un cocktail au soleil. Voilà, Marie, c'est ça. Marie a envie de boire de l'alcool au soleil quand on l'écoute. Dis-lui que Marie a envie de se bourrer la gueule quand on l'écoute. Drink alcohol under the sun when she hears you sing. Yeah, that's good. That's good. Ça lui va, c'est bien. That's voilà, on est d'accord. C'est une bonne chose. Et les bons morceaux. Hein. Et quand vous, je sais pas si vous avez les images sur le Facebook Live, vous avez les images un petit peu partout sur les réseaux de Skyrock pour aller voir après. Quand il rappe les yeux fermés. Ouais, il a concentré. Ouais. Oh, I like to go there. Ouais, ouais. You know what I mean? Like, il y est vraiment quoi. Ouais. I want to get the right emotion ouais, out. Avec son voilà. Hôtel. C'est bon, hein. Not that there's anything wrong with this place. Oui, I just gotta go somewhere else. Non pas que ça gêne d'être là, hein, mais voilà. Yeah. Mac Miller avec Deng, le gros morceau de Mac Miller qu'on vient d'écouter ici. J'adore ta musique, bisous à toi. Cool la soirée lots avec Mac Miller. We love your music. Great wow. To hear your that's radio. A wild one. C'est encore mieux. Tiens, faut le sortir en son, cette histoire. C'est encore mieux que la version originale, on nous dit. Even better than the original version, they say. Oh, wow. C'est Abdel qui nous a laissé le message, là. Est-ce que t'as une question à nous poser sur la France, sur Skyrock, sur le rap français? N'hésite pas, parce que c'est vrai que dans les interviews, tout le monde pose des questions. Yeah, tout. In interviews, we always ask you questions, but is there anything you want to know about France, or Skyrock, or French rap, maybe? About the hair of Romano. Romano's hair. About the... I want to know for people, for anyone that has, like, will they be able to respond when I ask? I just want to know what people's favorite songs off the album were. Alors, il veut que les auditeurs puissent dire c'est quoi la chanson préférée de l'album. Alors, l'album. Ah, leur chanson. L'album qui s'appelle. Attendez, bougez pas, je l'ai. Ah, putain, le mec est dans ses fiches. And what was the first Mac Miller song they ever heard? Et la première chanson de Mac Miller qu'ils ont jamais entendue. Donald Trump. Ah. Donald Trump. Et j'adore ce morceau. Désolé, hein, mais c'est vrai qu'il est bien, Donald Trump. Absolument, Donald Trump, j'adore. Et lui, est-ce qu'il connaît des rappeurs français, par exemple? Do you know any French rappers? Bah, déjà, moi, ce soir. Oui. Yeah, besides Romano here? No, I mean, to be honest, Romano, I've been a fan for a while. Il est fan de Romano depuis quand même un long moment. Déjà, trying to be calm. Il essayait de garder son calme, là, tu vois. But be calm. Keep cool. Be calm. Yeah. Understand. Be calm. Romano is a robot. Yes. But Trump is not a human. J'ai fait un peu le garde du corps, genre. It's a robot. Ah, j'aime bien le morceau avec Ariana Grande, on nous dit là sur SMS. Là, some of the messages coming in, they like the song with Ariana Grande. Qui est sur ton album, yeah, d'ailleurs. It's a good one. It's on your album, right? Yeah. Ariana Grande et Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Yeah. Qui est là aussi. Et donc l'album Divine. Yeah, yeah, yeah. Like you. The Divine Feminine, man. Yeah. Like all of us. Like you nous tous. Yes, like us. Divine. Like me, Romano. C'est ça, tu es complètement divin. I'm divine. Yes, the fool, you are the god. Merci. Le premier que j'ai écouté, c'est Nikes on My Feet, un morceau de lui. Oh, that was the first song they heard? Yep. Ouais, ça exactly. C'est à Marino qui nous laisse le message. Yeah. Donald. Premier, that's first. Ouais. Écoutez, listen. Exactly. Right? Hey, il parle un peu français, il déchiffre là. Ok. Yeah, I'm getting a little bit. Alright. You understand? You know what's beat? What is the signification of beat in French? What is when, what? When you say a little bit. Oh. A beat in French, what is the meaning of beat? A little bit. How do you say beat in French? No, yeah. Beat. What does it mean? Oh, beat. The French. Word beat. Yeah. It means. Yeah. What? It means. Nope. Dicks. Nope. Oh, dick. Yes. It means penis. Et moi, je vous ai dit. Merci, Marie. Personne ne le dit. Hold on. Because I took French and Spanish growing up. Ouais, alors, à l'école, tu vois, il a étudié et français et espagnol. I forget both. Ouais, mais je suis pas sûr qu'à l'école, ils t'apprennent beat et tout. Yeah, I'm not sure they teach you those kind of words in school. Is comme si, comme ça. Is that. Comme si, oui. Yeah, that's. Is that something? Yeah. Thank you. When you see a little bit, that little it means bit. A small dick, basically. Wow, a little yes. Bit for us. Donald Trump, beaucoup de succès. C'est une bombe, Donald Trump. It's a bomb, this song, Donald Trump. We gonna take over the world. Yeah. Eh bien, ça. Hey, Mac Miller avec nous. Tiens, petite question de l'équipe, Romano. Il a vu la Tour Eiffel. Have you seen the Eiffel Tower? That's Romano's question for you. Have you seen the Eiffel Tower? Yes. Non, parce qu'il l'a trouvée belle. C'est last time I was here. La dernière fois qu'il est venu à Paris, ouais. We like hung out there for a while and saw it light up. Ah, ils l'ont vu s'éclairer. Ah, il est monté dessus, non? Non, ils sont restés pas loin. Ils l'ont vu s'éclairer. But I've seen it. Ah ouais. Voilà, il l'a vu. Très bien. Thank you. For your réponse. Je salue la Tour Eiffel qui accueille les antennes de Skyrock. L'antenne de Skyrock est en haut de la Tour Eiffel. Ouais, c'est vrai. The antenne of Skyrock is on the top of the Eiffel Tower. Really? Yeah. Yes. Our voices. How do I get up there? Ouais. Il veut aller sur l'antenne. La classe, il est content. Non, il voudrait aller sur l'antenne. Il est la classe. Yeah. You're on it right now. Oh, true, I am on it. Hey, there you go. Moi, je voudrais bien lui demander ce qu'il écoute hors rap, comme c'est un musicien et tout, s'il écoute des trucs. Yeah, since you're a musician, Marie wants to know, besides rap, what kind of music do you listen to? I try and listen to as much as possible. Like, I'm really into jazz. I love soul music a lot. Il écoute du jazz, il adore la soul. Il écoute un peu de tout, hein. Also, just like anything ambient, I'm like a big fan of just ambient music and l'ambiance. Oui. L'ambiance. Ah ouais, j'adore. Ouais. You fly. Yeah, you know what I mean. Like, bah, c'est un peu son hein. I like to be like hypnotize me, take me somewhere. Il aime bien être hypnotisé, tu vois, par la musique. Bah, ça le transporte quelque part. Pareil que moi quand j'écoute ton son. just like him when he listens to your music. L'autre matin, on passait ton son. Hey, check that. I like this. Franchement, il kiffe. L'autre matin, Romano me regardait, j'étais au plafond. Ouais. Romano me demandait, mais qu'est-ce que tu fous au plafond? He was flying on the ceiling and Romano was like, what are you listening to? C'est cassé la gueule, il s'est éclaté une ligne comme ça maintenant. Mac Miller avec nous sur Skyrock. Merci beaucoup en tout cas, Mac Miller. Thank you for stopping by. Merci beaucoup. Thank you for having me. Tu reviens quand tu veux. Come back whenever you want to. Please. Si tu viens à Paris, tu viens ici. Yeah, if you come to Paris, you have to stop by here. Yeah, of course. Évidemment. At home. I will. At home at Skyrock. Il le fera, il le fera. Thank you, guys. Un grand merci à toi. Les vidéos seront sur tous les réseaux de Skyrock dans pas longtemps. Et ce son-là. Tiens, parle un peu du mec qui chante sur le morceau, le Renoir. Who's the guy who's singing with you on this? Anderson .Paak. Ouais. Et lui, vous êtes rencontré comment? C'est le gars que vous voyez au début du clip, le Renoir, là. You know, I heard his music and I feel like he's brilliant, so I wanted to just collaborate with him. And voilà, il a voulu bosser avec, tout simplement. T'as bien fait. Ah, mais tiens, c'est good choice. Yeah. On pourrait lui faire écouter un bout de PNL vu qu'il aime les trucs planants. Ah, t'aimes les trucs planants? On va te faire écouter du rap français, le groupe de rap français qui cartonne le plus actuellement. I'm gonna play you a really huge French rap band. Merci, poteau du 95 pour l'idée. Listen to that. PNL. Et un album qui cartonne. Yeah, the album cartonne. Is doing huge. Meilleure vente en France. Were you guys talking about this in the hallway? Yeah. See, I remember. Exactly. Ah, t'en as entendu parler déjà? On en parlait dans le couloir. Ah, dans le couloir, t'en parlais. The song. Les songs. French rap. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Fly. Ça recommence, yeah. On finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Fuck your father, is the meaning of the song. T'es rien, putain creuse. Je veux pas qu'on m'invite, pardon. Je recompte. Mes rêves se ravient. Money. Like that? I like this. Ah, il est ouais, il danse et tout. Il est à fond. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. It's strange to listen a song you don't understand. I know, but you can hear, like, I can hear the melodies and the, like, the cadences. It's all nice. Ouais, déjà, la cadence et la mélodie, ça lui parle, il aime bien. Là, c'est le refrain, là. This is the chorus. That's tight. Another song of PNL. Listen to that. It's the other song of PNL. Fire. Je m'en bats les couilles, je suis fire. T'aimes les trucs qui font planer, c'est bien ça. Ah oui, oui, oui. Nickel pour lui. Ouais. Ah, il kiffe, hein, il bouge la tête depuis tout à l'heure. Oh, they got the vocoder, yeah. Yes. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Faut lui filer l'album de PNL. On a l'album de PNL, lui filer. Ouais. On va te l'envoyer l'album de PNL. They're gonna send you the album. Please. Ouais, Joe. Ouais. Please. PNL, et donc nous on était avec lui. Hey. Hey. Mac Miller. Eh bien merci Mac Miller. Thank you Mac. Merci beaucoup. Bien vite. On t'attend. Ouais, vraiment. Ouais. Avec plaisir. On a passé un bon moment avec toi. On remercie tous les messages que vous nous avez laissés. Il y a plein de tatouages, oui, je confirme. You like the tattoo, hein? I am a big. Ah ouais, il a. Ah ben il en a plein. T'as un oiseau dans le cou, c'est ça? Sur les mains. You have a bird on the neck, right? Yeah, I got a bird on my neck. Wow, it's so much different without headphones. Okay, I'm back. Sur le casque, en fait. I have a bird on my neck and I have a it's actually a cuckoo bird. A cuckoo bird. Ça s'appelle yeah, le cuckoo bird. Like a majestic cuckoo bird. Yeah, and then I have a lotus flower. Une fleur de lotus aussi. Ouais, une fleur de lotus. Ah ouais, ouais. Eh ben merci Mac Miller. Petite photo de l'équipe. Ouais, yeah. For my mom. I say to my mom, I meet Mac Miller on Skyrock tonight. Mac Miller et toute l'équipe. La photo, vous la retrouvez sur tous les réseaux de Skyrock. D'ailleurs, maintenant, je suis sympa, je fais exprès d'être positif, toi. Ouais, bien sûr. Ouais. Pas que tu mais j'ai regardé, je suis plus bon que lui. Ah, bah, ça, c'est clair. Merci, Mac Miller. Merci beaucoup. À la prochaine. Dernière. Merci. Mac Miller avec un super album en plus, l'album de Mac Miller, carton. Et donc le morceau que vous entendez là et qui nous a fait en live, que vous avez eu en exclu ce soir sur Skyrock. Voilà, vous l'aurez découvert et pourrez le mater sur tous les réseaux sociaux juste après l'émission si vous voulez remater sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat. Bye bye, Mac Miller. Bye bye. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Salut, merci à toi. Au revoir, mademoiselle. Salut. Tu es française, toi. Oh, bah, tu vas rester avec nous. Ah, bah, parce que les belles, c'est ça, en fait, le deal, c'est de choper direct. Non, mais il reste un quart d'heure d'émission. Très belle fille, ouais. Bon, bah, voilà, tu vois, finalement, elle se barre, par contre. Bah, ouais, c'est ça. C'est pourquoi elle se barre, Romano. Parce qu'elle a vu Karim. Non. peut-être. Non, mais c'est pas con ce que tu dis, en fait. Non, c'est pas con. Non, mais non, je disais que t'étais très beau. Non, j'ai entendu mon blaze, enculé, n'est-ce pas? Bien entendu ton blaze, oui. Ça a mal parlé. Elle s'est tirée parce que c'était toi. Non, mais enculé, va. Non, en fait, elle est partie parce qu'elle avait peur de succomber à la tentation. Bah, c'est ça, ouais. Là, parce que Diffoul, c'est un tentateur. The Tentator. Ah, c'est ça. Bah, elle bavait depuis tout à l'heure en te regardant, bien sûr. Complètement. Thank you, ouais, Elsa. Bisous, ah ouais, Elsa, elle nous dit même plus au revoir. Non, mais moi, je lui dis au revoir, moi. Elsa, t'as oublié ton téléphone. Je lui fais de gros bisous. Ouais. Elsa, t'as oublié ta culotte. Non, elle a laissé son iPhone. Ah bon, bah, Elsa. Vas-y, va le ramener, Karim. Elsa. Romano, elle récupère. Elsa, ah, c'est bon, Elsa, t'as rien oublié. Mais non, t'as rien oublié, Elsa. Tu peux rentrer chez toi, Elsa, c'est nickel. Eh, Romano, t'es vraiment trop fort. Hein. À chaque interview, tu récupères un truc. Hein. Romano, ouais, regarde, ça y est. Romano. Qu'est-ce qui se passe, Elsa? Téléphone. Mais il a volé. Rends-moi mon téléphone, Romano. 50 euros, je te l'envoie. Il l'a collé contre son sexe. Rends-moi mon téléphone ou je te rase le peu de cheveux qui te restent. T'arrêtes, sinon je me le mets dans l'arrêt du cul. Je te rase les cheveux qui te restent. Rends-moi mon téléphone. Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Non, tu les épiles, quoi. Le peu de cheveux, j'ai dit. Merci, Elsa. Oh, putain, j'ai failli oublier ça. T'inquiète, ils sont un peu la bite. La fin de ma carrière. Merci, Elsa. Il doit y avoir du dossier là-dedans. See you soon. Allez, bye bye. Bye bye, Elsa. Oh. See you next time. Elle est en panique. J'ai bien Non, mais je suis sûr, il y a des trucs sales. Je pense, t'as vu quand même l'arracher des mains. Ah ouais, c'est bizarre. C'est la fin de ma vie. Ouais, c'est très bien, Elsa. Soit elle a dit que j'avais fait des pros en anglais. Ouais, c'est vrai. Yes. Ouais. Je dis ça pour vous qui avez cours demain matin. Assez fier de moi. Bravo, Diffoul. Ouais, il était cool, Matt Miller. Comme Gwetul, il est marrant. C'est Mac, ouais. Pas Matt, Marie. C'est Mac, hein. Mac, ouais, j'ai ça. Pas Matt Pokora. Ouais, Matt Miller. Mais non, j'ai dit Mac. J'adore Matt Pokora. J'adore quand tu chantes Claude François, c'est super. Je l'ai entendu l'autre jour sur Énergie. En revanche, c'est claquettes, c'est un peu bizarre. Super. Eh, Marie, fous-lui la paix avec ses claquettes. Je vais bloquer dessus. Donc c'est Mac Miller comme McDonald's. Je sais, j'ai dit Mac. Il vient tranquille, décontracté. Ouais, petite casquette Pokora. Comme on vient à Skyrock, pépère. Bah ouais, ouais. Bah oui. Bon, bah c'était super en fait cette histoire. Merci pour les messages que vous avez laissés, ça lui a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir à nous aussi. Bah, c'était chouette. Thank you very much. Yeah. Thank you. Première visite dans la Radio Libre pour Mac Miller. Et Gaëtan est avec nous parce que c'est pareil, hein, les artistes viennent, vous aussi. J'ai envie de pisser, moi. Mais ouais, tu vas attendre un petit peu, Romano. Ouais, mais bon, à un moment donné. Pour retenir ton petit fils. Je vais pas pisser dans la poubelle. Hein. Et ton plan en couche, tu le fais ou pas alors? Bah, j'attends les couches. Ah ouais, il faudrait que je demande au service courrier si on a reçu. Ah, bon, on m'a dit qu'il y a plein de courriers qu'il faut qu'on récupère, ouais. Ah, bah voilà. Bah, tiens, bah, demain on récupérera. Bah, ouais, ouais. Parce que Romano. N'hésitez pas si vous voyez des cadeaux de l'argent. Hein. Il vous a plu, Romano, 37 bis rue Grenetta, Paris 2e, 75002 Paris. Romano, mettez bien pour Romano. Hein. Ouais. Et si c'est de l'argent pour et tout ça. Romano. Tiens, regarde, quand je dis vous a plu, Mac Miller, il a l'air cool, ce mec. Ça, c'est le message de Bras sur SMS. Salut, Bras. Il y a Kevin qui dit il est cool, ce mec. Bah, tiens, c'est pratiquement le même message que vous avez laissé tous les deux, là. C'est vrai, bah, on vous le dit à chaque fois. On fait un petit compte-rendu des interviews, des visites dans l'émission. Ouais, quand on n'aime pas, on dit. C'est vrai qu'il est cool, hein. Lui, ouais. Mais tranquille. Peinard. Pépère. Ouais, ouais, sourire et tout, cool. Marie, elle fait un débrief, mais complet, quoi. Elle a les claquettes. Elle a les claquettes. Alors, ça, vraiment, je suis. Non, mais je lui ai dit. Hein, outré. C'est la Fashion Week, Marie. Hein. Bah, ouais, c'est ça. Bon. Putain, ce matin, dans Paris, ils font chier là, avec leur défilé, là. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je suis passé à côté. J'emmenais Mehmet voir son docteur. Oui, son docteur. Qui est le même que Cédric, d'ailleurs. Il m'a parlé de Cédric, mon Dieu. Et alors, c'est le docteur qui s'occupe également de la. la clinique porcine. C'est ça également. D'accord. Vétérinaire, donc il a eu Cédric. Ouais. Il m'a dit qu'il avait chié partout dans sa cage. Bah, je sais. Ouais. Cédric est enfermé dans une cage. Il a tout souillé. Il a dégueulassé la cage. Ouais. Et je suis passé, mais. Tu sais, il y a des gens, ils ont vraiment des goûts de merde. C'est-à-dire, je suis passé, là, c'était vers le Grand Palais, beau monument historique à Paris. Ouais. Et il y avait ce matin le défilé Chanel. Mais il y avait les gens qui faisaient la queue pour y aller, mais il y en a, mais ils étaient habillés, mais tu sais, ça la racontait. Ah, ils étaient habillés, genre Fashion Week, quoi. T'as l'air d'un con, mon pote. Alors, mais c'est, ouais, mais. Non, mais. Les filles, en général. C'est vrai. Les filles, en général, ça va, parce que vous pouvez mettre plein de trucs. Ouais, quand même, là, franchement, j'en ai vu, mais. Mais les mecs, qui s'habillent pour Fashion Week. Non, je vous rassure, tout à l'heure, je suis venue, donc, en métro, et j'ai vu une nana qui était en pantoufles, mais tu sais, les pantoufles, enfin, les claquettes, là, en pantoufles, tu sais. Les trucs de mamie, là. Ouais, oui, voilà. Les trucs de mamie, elle se baladait avec comme la ça moumoute, dans, là. Oui, dans le métro. Ah oui, parce que, ouais. Avec en dessous 80 ans, tu n'en mets pas. Ah non, mais j'ai halluciné. D'ailleurs, je te salue si t'écoutes, parce que je pense que. Ah ben, t'étais sacrément moche. Non, t'es trop moche, ma copine. Mais non, avec tes pantoufles. Non, mais elle est habillée normale avec des chaussettes, genre vertes et des espèces de pantoufles, tu sais, mais ouvertes en claquettes, là, tu sais, molletonnées, là, des trucs que tu. Mais j'ai halluciné. Ouais, c'est ça. Très ouais, mais il y en a qui ont beaucoup de goût, en tout cas. Alors, t'as vu quoi, Romano? T'as vu des. Non, mais des trucs fluo, des trucs complètement. Pour homme. Un espèce de mec avec un. Ouais, il avait un costume fluo. Il y avait même des touristes japonais, ils le prenaient en photo, ils ont dû dire, moi, ouais, machin pareil. Oh, il est moche. Regarde comme il est moche. Sayonara, tout moche. Tu sais, j'ai vu une meuf, elle avait genre les pompes, mais tu sais, les pompes de Cendrillon, là. Ah ouais, viens, en plexiglas ou je sais pas quoi, mais des trucs abominables. Bon, il y a un auditeur, c'est Gaëtan, il voulait séduire. Pourquoi Marie, elle en a des pompes Cendrillon? Non, ma sœur, Marie, on voulait pas te vexer. Mais ta sœur, elle se prend pour Cendrillon? Non, mais elle en a. Mais là, les pompes de Cendrillon, les pompes transparentes. Non, en fait, c'est coloré sur le dessus, mais t'as tout le talon et tout qui est transparent. C'est un peu bizarre. Vous voyez, de foutre des espadrilles de Mac Miller, des claquettes de Mac Miller. Ah ouais, parce que les godasses de Cendrillon, bon, c'est chaud quand même. Les godasses de Cendrillon pour une fille, les filles, spécial. Je vous les conseille. Ah ouais. Magnifique. La classe, dis donc. Tiens, on parlait de l'histoire de Kim Kardashian, là, avec. Ouais. Eh, mais tu sais que là, ils en parlaient aussi en ce moment. Mais c'est l'événement mondial, hein, le machin. Ouais, ouais, mais tu sais qu'aux États-Unis, ils commencent à parler d'une histoire de magouille, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Ouais, mais bon, ça commence. Il y a des rhumes. Qu'est-ce qu'il a dit, Foul? Non, mais Marie, qu'est-ce que tu as. Attends, Marie, c'est bizarre qu'il rentre comme ça. Non, mais Marie, tu dis que de la merde. Hier, tu disais le contraire. Évidemment, c'est un complot. Bah, allez, ainsi. C'est un complot, c'est les Illuminati. Ouais, c'est ça. J'ai dit qu'ils avaient forcément un truc. Ils peuvent pas rentrer comme ça. Il y a un truc, mais. Tu sais, Marie, les cambrioleurs, en général, ils rentrent. Non, mais tu peux faire une phrase compréhensible. Oui, parce que j'ai eu du mal. Allez, mec. Tu sais, mais Marie, elle est gagnée. Elle est bourrée. Ils ont un truc, hein. C'est ça, Marie. Bien sûr. La Kim Nation, là. Bienvenue chez les Foncelets sur Skyrock. Non, mais aux États-Unis, ils commencent à parler de. Que ça pourrait être un coup monté. Ah, raconte. C'est bien ce que j'avais dit hier, ça. Parce que je ne savais pas, mais aux States, sa télé-réalité est en perte de vitesse. Ah, ça marche plus, la famille Kardashian. Et il y en a qui disent que la meuf, elle est tellement perchée dans le délire buzz et compagnie. Ouais, c'est clair, bah oui. Que ça pourrait être carrément un truc organisé, voilà, et qu'en fait, elle se sert à rien. Non, alors oui. Tout, les mecs, ils sont partis en vélo quand même. Ouais, ils sont partis en vélo. Oui, il y en a qui sont partis en vélo. Les faux keufs qui sont venus cambrioler les bijoux, ils sont partis en vélo. Donc des Vélib. T'imagines le gros Vélib. Normal. Ça, c'est très français. Ils avaient un abonnement Vélib et tout. Ouais, ils avaient leur carte, ils ont pris la. Normal. Ah, it's very French. Mais apparemment, les gardes du corps étaient partis. Il y avait un. Il y en avait qu'un. Il avait un, il était pas là, il était allé en soirée. Accompagner la sœur, apparemment. Accompagner la sœur en boîte de nuit. Les deux sœurs, ouais. J'ai accompagné la sœur de Kim en boîte de nuit. T'es très bon chien, faux people, dis donc, toi. Ouais, grave, putain. Non, mais regarde, les fans de Kardashian. Pourquoi quand tu me parles, tu te mets un doigt dans le cul? Ouais, mais grave, il se touche le fion. Il a la main dans le bain, il se met un doigt dans le cul en me regardant. C'est normal, derrière, il met la main sur le micro. Ouais, bouge de là, toi. Ouais, ça sent le cul. Dorénavant, tu toucheras plus mon micro. C'est le cul de Romain. Romain des réseaux sociaux. Et envoie-moi ma photo avec Mac Miller. En tout cas, l'enquête est en cours. Ah, l'enquête est en cours. Non, mais je vous avais dit que moi je t'en trouvais un truc chelou dans cette histoire. Mais bon. Ouais, oui, après, on en sait. Non, mais Marie, c'est forcé, on n'en sait rien. Non, rien, on sait rien. Et il y a un complot. Les Illuminati. Gérard, remets-moi un château. Remets-nous des glaçons. Un petit jaune. Remets-nous un canon, Gérard. On a soif. À côté des con. Il suis ancien. Ah putain, c'est bien, Marie. C'est bien, c'est bien. Mais c'est ça, moi, en plus. Marie, vous l'avez. Elle est calme. Nous, on la connaît, mais en soirée, Marie, elle parle comme ça. C'est-à-dire qu'à passer une certaine heure. Comptoir style. Non, mais déjà, elle hurle et ne finit jamais ses phrases. Non, hyper fort. Et puis, c'est incompréhensible. Non, mais le mec, il n'habite pas. Non, mais elle fait jamais des phrases complètes en plus. Et Karim, il est. Ah, voilà, ouais, c'est ça, gros. Ah, il est là. Hey, Fanny. Hey, non, mais t'as vu, là? T'as dit des trucs comme ça. Non, bah, t'as vu quoi? Non, mais attends. Je te l'avais bien dit. Elle parle avec elle-même, quoi. Enfin, Buzz à 10 millions d'euros, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. Ah, et moi, j'ai vu des fois, c'était écrit 10 millions, des fois 9 millions. Ouais, d'ailleurs, c'était marrant, ils ont fait ça, ne touche pas à mon poste. Ah, l'estimation. Mais ça allait de 4 à 10 millions. Ah, ouais, voilà, c'est pour ça. Ils ont fait un montage sur toutes les chaînes info, les chaînes TF1, il n'y en a pas deux. Non, a priori, ils ont fait la même chose dans le quotidien de Barthès. 4 millions, ils ont fait. La bague. La 4 millions, ça, c'est sa bague à elle que Kanye West lui avait offert, là. Donc, c'est un diamant. Et 5 millions, ça, c'est les marques, tu sais, pour la Fashion Week, qui prêtent des bijoux. Okay, ouais. Et a priori, c'est les 5 millions. C'est pas elle, en fait, directement. Ouais, les 5 millions, ouais, en fait, c'est pas elle. Ouais. Ah, donc, c'est peut-être elle pour aller dans le complot qui les a fait voler pour pouvoir les garder. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a un complot. J'ai jamais parlé de quoi. En tout cas, les Américains se font voler beaucoup. Il y a Drake qui s'était fait voler des bijoux dans son bus, mais lui, il les avait retrouvés, Drake, les bijoux qu'on lui avait volés. Il y a Chris Brown qui, lui, pendant qu'il était dans un club, s'était fait cambrioler à son domicile. Le problème, c'est qu'il avait laissé sa tante à son domicile. Ils sont pas partis avec la tante, ils sont partis avec son téléphone et de l'argent. Normal. Mais la tante, une toile de tente? Non, une tante, une tata. Ah oui, c'est du camping, Chris Brown. Qu'est-ce qu'il faut avec une. Non, mais tu sais, les mecs sont tellement. Comme tata, tata. Non, mais tu sais, les mecs sont tellement tarés que le mec, tu sais, peut très bien vivre dans une tente dans son jardin. Bah, c'est Eminem qui vivait dans une petite maison. Il avait une grande propriété avec une grande maison. Il vivait dans la petite cabane à côté de la maison. Cabane au fond du jardin. Enfin, cabane qui devait être magnifique, mais. Gardien, ouais. Ouais, il vivait dans un petit comme ça. Il y a Black M qui avait été cambriolé. Il n'y a pas que les Américains qui sont cambriolés. Il avait été cambriolé. On en avait parlé. Il y a Cissé aussi. Et puis tous les Marseillais. Tous les joueurs de l'OM, de toute façon. Tous les joueurs de l'OM se sont fait cambrioler. Ah, mais bon, parce que. D'ailleurs, c'est la tradition. Oui, lui, ouais. Le nouveau président s'est déjà fait cambrioler. Deux fois en deux semaines après. Il y a pas un mec de la télé aussi qui s'est fait cambrioler alors Christophe Beaugrand, le présentateur de Secret Story. Ah ouais, pendant qu'il faisait l'émission. Et à l'ancienne, il y avait l'autre qui faisait les Miss France, Geneviève de Fontenay. Deux ou trois ans de suite, la vieille, elle s'est fait taper. Oh, chaque fois qu'elle allait présenter les Miss France. Elle était en direct, tu sais. Ouais, elle était en direct à la télé avec Jean-Pierre Foucault. Tu te dis, c'est bon. C'est bon, mamie est à la télé. On peut y aller. Déjà, tu passes une soirée de merde, tu passes la soirée avec Jean-Pierre Foucault. Et en plus, tu rentres chez toi, t'as plus rien à l'intérieur. Ah putain, l'enfer. Ouais. Michael Youn aussi s'était fait cambrioler une montre et des vêtements de luxe pour 70 000 euros. Mais il avait déconné parce qu'il avait quand même posté sur Twitter la photo de la maison où il habitait. Voilà, je suis là. Ah bah tu le repères. Et après, tu repostes une photo. Ah bah je suis pas chez moi. Bah les mecs ils viennent chez moi. Non, mais en plus, il y a plein de gens qui se font linker aussi maintenant, c'est avec les téléphones, la géolocalisation. Bah, il y a plein de gens, ils postent des trucs, ils font pas gaffe et en fait ça géolocalise. Bah, ça évidemment. Te met, si t'es chez toi, ça te met ton adresse. Et non, c'est vrai, t'as raison. C'est sympa. C'est bien les réseaux sociaux. T'as la photo et t'as l'adresse précise. T'as plus qu'à y aller. Direct, toi. Et tu sais, même quand il est pas là en plus, le gars là. Mais on en avait parlé dans les conseils pas chers. Il y a plein de gens qui se font cambrioler, même pas que des stars, des particuliers. Les voleurs, en fait, ils vont regarder sur internet des profils Facebook. Et s'ils voient que les gens, par exemple, sont en vacances ou ils postent des photos de vacances, pendant ce temps-là, ils vont les cambrioler. D'ailleurs, en parlant de Facebook, il y a un nouveau truc. Apparemment, il y a un virus qui se trimballe sur les messengers. Ah ouais? En fait, tu reçois une sorte de vidéo où t'as la vignette avec ta photo de profil et ton nom. Et il faut surtout pas l'ouvrir parce qu'apparemment, ils peuvent choper ton mot de passe. Et tout le monde doit se faire baiser. T'as ta tête. Il faut cliquer dessus. Tu cliques dessus. Ouais, mais c'est dans Messenger. C'est un message qu'on t'envoie à toi et t'as ta tête avec ton truc. Donc faites gaffe. Ouais, mais j'ai vu ça. Ouais, ça commence à tourner là. C'est les Illuminati. Et Donald Trump. Mais non, mais faites gaffe, vous avez pas vu le truc. Bon. Elle était sympa, McDonald's qui est venu dans l'émission. Ronald McDonald. Avec ses chaussures jaunes. Je le voyais pas comme ça. Je le voyais plus jeune. Je pensais qu'il aurait ramené des burgers, moi. Non. Mac Miller était avec nous tout à l'heure. On va écouter le son de The Weeknd tout de suite. C'est parti, c'est sur Skyrock. The Weeknd et les Daft Punk. Encore un son que vous avez découvert sur Sky. The Weeknd, les Daft Punk, c'est Starboy. Est-ce qu'on se ferait pas un petit bug là, vite fait? Et je lance, hop. Ah ouais? Tu nous prends par les sentiments. Ah, tu l'as annoncé, j'y fous, moi je suis chaud. Allez, un petit bug à traduire et on vous offre FIFA 17. Et ouais, vous avez promis avant minuit, on le fait. Il est 23h59. On met le bug avant Starboy. Ouais. Starbug. Starboy. Ouais, c'est Starboy. T'as dit Starbug. Ah, tu vois? Bah voilà. Ça se fout de ma gueule. Bah non, mais Marie, viens de trouver un nouveau nom pour le truc, tu vois. Starbucks, ouais. Ça m'aide à réfléchir un peu, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai des idées géniales qui arrivent comme ça. Bon, voici le Starbucks. Je lance d'abord la roulette, hein. Si vous voulez faire tourner la roulette, c'est pour Jules. Les places de concert pour Jules, c'est plein à Marseille, c'est plein à Paris, c'est pratiquement plein partout, hein. Vous voulez des places de concert pour aller voir Jules, vous vous inscrivez au 7-20-20. Vous envoyez juste le mot roulette au 7-20-20. Maintenant, vous tirez au sort. Dans un instant, ça c'est pour Jules. Et si vous arrivez à traduire le bug, vous envoyez votre message au 41-759. Comme yes. Ça, c'est bien, ça sépare bien les trucs. Voilà, hop, vous avez bon. Tous les numéros. Voilà, 7-20-20, vous envoyez roulette pour Jules. Et ouais. Si vous arrivez à traduire le bug, vous nous dites que veut dire ça au 41-759 et avec l'appli Skyrock aussi. Facile, hein. Dur. Ouais, pour finir, ça, il est pas trop dur. Ah, t'es déjà prêt à facile. Ouais. Hein? Ah putain, c'est facile, non? Ah facile. Ah merde. Remets. Ah vite fait, hein. Allez, je le remets, faut traduire ça au 41-759 et sur l'appli. Il dit l'appel. Eh bien non. La plainte. Non. Ah, la plainte. Il y a Djouba qui dit l'appel. C'est pas l'appel. Non, c'est pas l'appel, Djouba. Au début, on dirait qu'il l'appelle. Il y a Ryan qui dit double appel. Non, la plainte. Ses boss nous dit PlayStation, c'est pas ça. On appelle pour Guilouze. Mais tu vas me répondre, la plainte. Non, non, parce que là, Karim, il avait dit, j'ai dit non. Non, c'est pas ça. C'est pas la plainte. Non, la plainte, pas la plainte. Ah, pas la plainte, la plainte, non, la c'est pas ça. La pinte de bière. Et ah, j'adore. Plainte, je vais non, une pâte. Non. Non, le prêtre pour Colonel Charlie, non? Non, c'est pas ça. Marie est débile, elle dit n'importe quoi. Elle mille pâtes, une pâte. Le soleil. Le pape. C'est pas le pape, mais Marie, c'est peut-être pas si débile que ça. Ah ouais. Ah ouais. La pâte. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, vos réponses très vite. La pâte à cul. La pâte à cul. Moi, je dis que dans l'équipe, vous êtes chaud. Ah ouais, chaud. Bon, traduction, vous gagnez FIFA 17. Le premier ou la première qui trouve, laissez bien vos numéros de téléphone au 41-759 avec l'appli et avec le skyrock.fm. Ça marche aussi si vous êtes sur l'ordi. Allez-y. Vous nous envoyez tout ça et vous gagnez votre FIFA 17. On prend le gagnant juste après. Et la roulette aussi. Le son de The Weeknd et la roulette va tourner aussi. The Weeknd et Daft Punk sur Sky. I'm trying to put you in the worst mood. One cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. Switch out my side, I like to get in lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking starboy. Look what you done. I'm a motherfucking starboy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster SV. Pockets overweight and hefty. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. Talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking starboy. Look what you done. I'm a motherfucking starboy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking starboy. Weeknd et Starboy The Weeknd et les Daft Punk sur ce morceau, une découverte Sky. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est sur Skyrock que ça se passe tous les soirs entre 21h et minuit. Il y a plein de surprises, vous débarquez à n'importe quel moment. C'est votre émission, la nôtre, à nous tous, hein. Vous pouvez débarquer dès 21h au 01 53 40 30 20. On n'a pas eu le temps de prendre Gaëtan, je voulais le prendre Gaëtan, il voulait séduire au bahut, je crois. Hein. Bon, on en reparlera de séduction. Hein. Oui. C'est des sujets dont on parle beaucoup dans l'émission parce que vous avez. Mais il n'y a aucun problème. Une équipe de séduction. Oh, bah des beaux gosses, on en a plein. Salut les filles! Ah ouais, c'est que ça. Ah, ça y est, beau gosse. J'ai dit beau gosse. Il arrive, hein, il arrive toujours aussi séduisant. Et c'est oui. Crédible. Il est avec son copain, Mathieu. Il est avec son copain. Est-ce que tu es avec Mathieu, Cédric? Tan, tan, tan, tan. Kikou, les boys and girls. Ah, bah voilà, bah dis donc. Ah, mais Mathieu Delormeau fait la Delormeau Dance sur la musique de Cédric, peut-être. Tan, tan, tan, tan. Kikou, les boys and girls. Ah, ouais. Tan, tan, tan, tan. Kikou, les boys and girls. Ah, ouais, c'est pas mal, là, votre truc, les gars. Hein. C'est pas mal. À travailler, mais c'est pas mal. Bientôt, on va leur trouver la Touche pas à mon poste avec des nouilles dans le slip. Cédric. Oh ouais, je pourrais les manger après. Oh, je pourrais pas me mettre dans le cou. Bah, il va mettre de la sauce. Ouais, bah. Ah, Marie, t'es très appétissante. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Marie, ça. Marie, tu fais rêver. Hein. Alors, on a un bug à traduire et on a Aurélie en direct avec nous à Brest. Allô, Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Aurélie, 30 ans, brestoise, et tu as la traduction de ça. Putain, moi, j'ai pas trouvé. Je pensais à l'appel. J'étais sûr qu'il y avait un c'est truc pas avec dur, l'appel. Hein. Le double appel, peut-être. Non, c'est pas ça. Alors, on nous dit la porte, la fente, La fente, oui, oui. Non. Oui. Bah, oui, pourquoi la pas. La plainte, la NPE, nous dit, Pape, ça n'existe plus, mais ça marche. T'aurais dû dire le Pôle emploi. Qu'est-ce que t'as repéré là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'appel. Moi, je pense que c'est. Tu penses que c'est? La pâte. Eh bien, bonne réponse Aurélie et bonne réponse de Karim qui l'avait proposé. Bravo, Karim. Mais pourquoi t'as pas dit que j'avais donné la bonne réponse? Parce que pour paniquer le suspense. Eh ouais. Aurélie, c'est toi que tu vas te faire enculer. Aussi. Aurélie, c'est gagné. Tu viens de gagner. Merci. FIFA 17, Aurélie. C'est cool. Eh ben merci. Oui, c'est cool. C'est pour toi. FIFA 17 qu'on va t'envoyer à la maison. On fait la vérification du vote quand même. Écoutez l'extrait de l'émission dans lequel Romano a eu un petit peu de mal à s'exprimer. Un petit peu. Ça lui arrive tellement peu souvent qu'on ne lui en veut pas. Merci. Écoutez bien. Non, mais ou alors je veux voir la pâte. Tu veux voir la pâte. Non, je veux voir la pâte faite sous mes yeux. Ah, on parlait de crêpes dans l'émission. Oui, en plus, je suis brestoise. Ah, c'est pour ça que t'as retenu, alors. Voilà. Ah, t'avais d'ailleurs, entendu. D'ailleurs, je viendrai vous faire des crêpes. Et Romano, il sera pas malade. Romano, pas le manger des crêpes en dehors de la Bretagne. Mais tu sais que c'est horrible, là. Mais je pense que ça arrive à plein de monde. Mais, tu sais, j'en ai plus du tout envie, quoi. C'est bon, les crêpes. Ouais, mais je sais. Mais c'est normal. Avant, j'adorais, mais. Manger des crêpes ailleurs qu'en Bretagne. Ils ne peuvent pas les faire. Ouais, mais bon, ça fait un peu loin pour bouffer une crêpe de temps en temps. Ah, oui, bah. Je viendrai t'en faire. Je viendrai avec mon Billig et je viendrai te faire. Ah, tu peux en faire ailleurs. Avec ton quoi? Tu viendras avec ton quoi? Avec mon Billig. C'est quoi le Billig? Bah, c'est le truc pour faire les crêpes. Le truc que tu fais les pâtes. C'est un Billig. Non, je viens mon Billig. Ah, bah vas-y, ça amène ton Billig. Et je ramènerai des bières pour la Marie. Merci. Bah, belle. Pas pour elle, moi je bois aussi. Excuse-moi. Vin dans la main avec Romano. C'est d'abord pour Marie. D'abord pour Marie. Ah, merci. Si tu donnes d'abord pour Marie, après il n'y aura plus rien pour les autres. Bah quoi? Tu sais comment elle est. Bah oui, bah moi je suis pareil qu'elle et j'assume. Ah, merci. Enfin, une c'est bien, Aurélie. Ah, des trous sans fond, quoi. Ah, bah écoute, je suis brestoise, il n'y a que des bars ici, il faut bien. Exactement. C'est vrai, les plus gros consommateurs d'alcool sont les Bretons. Ouais. Ah, bah oui, bah de toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, très bien. Quand il pleut, on va au bar. Quand il fait beau, on va au bar. En fait, quand vous passez votre vie au bar. Ça veut dire, Normandie, c'est un peu la même. Hein. J'y étais ce week-end, on nous a quand même foutu un trou normand entre l'entrée et le plat. Je me suis dit, ouais, je vivrais bon bien là, en fait. Ah, un trou normand, c'est de l'alcool en plein milieu de plat. Ouais, c'est ça, un petit pointu, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est pour te nettoyer un peu, quoi. C'est ça, ouais. Exactement. Et Cédric devrait en prendre. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Bah, en tout cas, merci Aurélie, on t'envoie le FIFA 17 à la maison. Merci à vous. Et on t'embrasse. Bon, salut Aurélie, ciao. Salut. Bisous. On fait tourner la roulette. Et oui, parce que vous êtes là aussi pour Jules. Jules a gagné tout au long de la journée sur Skyrock, du morning le matin jusqu'à la radio libre le soir. Vous gagnez vos places pour aller voir Jules. Les places de concert pour le concert complet de Jules, c'est parti, c'est maintenant. Ouais, c'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Skyrock. Bah, je pense que c'est la buggy. C'est Jojo. C'est bien, c'est bien. Allez, minuit 9, on va nous. Allez, Smain en direct de Arles. Salut Smain. Ouais, salut l'équipe. Salut à toi. Arles, alors Arles. parle, c'est dans le 13. Hein. Ah ouais. Ouais, non. C'est ça. À la frontière avec le 30. Ouais, ouais, c'est ça, 13. Ouais. Ouais. Ouais, Marie qui dit non, non, non, non. Non, non, ouais. Non, ouais, c'est vrai, ouais. Le 13 représente Jules. Eh, j'ai vu. Oui. Bah, c'est parti. Tu sais qu'il sera, il sera à Marseille. Première date de ses concerts, c'est à Marseille. C'est où, au Dôme? Au Dôme. Ouais, ouais, ouais. Impeccable. Au Dôme de Marseille. Quand tu veux, tu dis stop, Sven. Ok. Ouais. C'est bizarre que vous ayez pas de zénith à Marseille. Ouais, on a le Dôme. Ah, le Dôme, c'est bien. C'est pareil, hein, c'est, en fait, c'est pareil. C'est un zénith, mais c'est le feu, le Dôme. Eh bien, ah, c'est le feu. Le feu au Dôme. Eh ben oui, avec Jules, le 18 décembre. C'est le 18, hein, je crois, je dis ça de tête, ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est ça. 18 décembre. Ah, ben, impeccable, tu y seras. Merci. T'as deux places pour toi, semaine, tu vas y aller avec qui? Bah, je sais pas, je pensais avec ma femme, hein. Oh, bah oui, genre, avec la femme. Dépité, tu sais. Bah, bien, faut avoir la trimballer, hein. Eh, faut la sortir, Bobonne. Sympa, non, quoi. Je l'ai pas dit sur ce temps-là. Ouais, mais on l'a compris. Non. D'ailleurs, j'ai fait un gros bisou. Ah, bah, gros bisou, chérie aussi. On embrasse ta chérie, Smaïne. Et ben, bise à toi aussi, on t'embrasse. Merci, Smaïne. Bisous. Salut, Arl. Salut à toi et vos places pour Jules. Demain matin dans le morning, soyez là dès 6h le morning. Inscrivez-vous au 720, envoyez roulette. 1500. Ça sera pour la roulette. Mais envoyez 1500 au 720 si vous voulez qu'on vous appelle demain matin. Vous envoyez maintenant. Nuit, hein. Et peut-être que demain matin, on vous tirera au sort. C'est possible. Ouais. Demain matin, donc, dès 6h, vos 1500€, vos conseils pas chers, notre réveil de star, les infos mythos pour gagner les téléphones, les iPhone 7 qu'on vous offre tous les matins. Il y a de la PS4 Slim aussi. Oui, allez. Avec les invités mystères à découvrir, nos sondages du morning, notre compil du morning. Enfin, il s'en passe des choses dans le morning. Soyez là entre 6h et 9h si vous voulez vous réveiller avec nous. C'est une bonne idée. On se réveille ensemble demain matin dès 6h. Et puis demain soir, dès 21h, on sera là en direct. Ce soir, on a eu Mac Miller. On a passé un bon moment avec lui. Il est sympa, cool. Mac Miller. Vous le réécouterez dans la nuit avec Prisca. Restez bien sur Skyrock. Urban Music non-stop. Rap R&B non-stop. Toute la nuit sur la première radio urbaine mondiale. C'est nous, c'est Sky. Et c'est parti avec DJ Snake. Et Justin Bieber. Yeah. Make me love you. Justin, et si, moi, tu m'aurais dit il y a 5 ans, un jour, tu vas aimer un type de Justin Bieber. Je t'aurais dit, mais tu m'as vu, je suis quand même. Je suis d'accord avec toi. Et là, en fait, ça défonce maintenant. Ah, j'adore. Ah, ouais, grave. Allez, Justin Bieber et DJ Snake, c'est parti pour Let Me Love You. Yeah. Let Me Love You. Bonne nuit, à demain. Ciao. Pour la radio libre et 6h du matin, entre 6 et 9 pour le morning. Allez, salut. Ils ont tous gagné 1500€ en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500€ toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous tout à l'heure de 6h à 9h dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Tu refais là. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go.